emmener Skyrock partout avec toi. Ah, c'est super. L'appli Radio Skyrock, naturellement gratuite. Emotions. Sous l'embolie de 4 motions. Du mal à sortir mes émotions. Sous l'embolie de 4 motions. Je rêve de thunes de voyage. J'en ai besoin vu mon âge. Prenez des shorts dans le bagage. On va changer de paysage. Tête dans la lune, pied sur terre. Je vois les oiseaux s'envoler. On dit souvent que c'est les gens plus bactères qui seraient prêts à tout donner. Je suis trop fort de caractère. Comme mes potes qu'on incarcère. Pour stress, j'y mets du mien. Je vous attends devant la mer. Trop souvent, je me questionne. Est-ce que ma musique est bonne? Où sont passés les hommes? Les vrais, faut que je les raisonne. Je fais ce que je peux pour mes potos. Et eux font ce qu'ils peuvent pour moi. À tout moment je peux sauter. Je prends la vie comme un tournoi. Tu veux t'évader, partir de là. Alors imagine-moi. Je pense même plus à verser des larmes. Je fais que ta vie comme un chinois. J'envoie des sons. Nager dans l'eau, faut pas qu'on me laisse seul. J'suis parano, faut pas qu'on me laisse même par amour. La mise est fraîche, j'suis parano. Elle a fait des mèches, j'suis parano. Parano, parano. Du mal à sortir mes émotions. J'roule en bolide 4 motions. Du mal à sortir mes émotions. J'roule en bolide 4 motions. Découvert la semaine dernière dans la radio libre, le son de Jules. On voulait même passer en exclu le son de Jules. C'était Emotions. Romano. Diffoul. C'est bizarre les gens qui travaillent à Skyrock hein, quand même. Hein. Cédric. Tu veux qu'on fasse l'amour avec ton fusil? Marie. 4 x 5. 25. Samy. Attends, s'il te plaît. Momo. J'ai mangé de l'art. Et Karim. Et voilà. Diffoul Radio Libre tous les soirs. 21h minuit sur Skyrock. Et c'est parti, Radio Libre jusqu'à minuit. Et on est même en avance. Tiens, il est 9h-2. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Salut. C'est mardi. Salut. Et on voulait saluer les nordistes. J'ai reçu plein de messages de nordistes depuis tout à l'heure. Il s'est tout inondé du côté du nord. Il y a eu des orages bordel. De fou. C'est votre tour. Oui, la Madeleine. Un message de tout à l'heure de la Madeleine. Du côté de Lens aussi. On nous laissait un message. Eh ben écoutez, je sais pas. Je sais pas s'ils en ont parlé, s'ils en ont parlé à la télé, mais en tout cas gros orage en fin d'après-midi. Aïe, aïe, aïe. À partir de 17h, nous dit Anne sur SMS. Bonjour à toi, Anne du 59. Salut à vous les Nordistes. Bon, salut à toute la France, au monde entier même qui nous écoute et qui nous retrouve tous les soirs en direct sur Skyrock jusqu'à minuit. C'est donc parti. Bienvenue à vous. Salut à Audrey. Salut à Survivor. J'ai salué les Nordistes, mais je peux saluer les autres aussi. Bonjour à toi, Nico. Salut Nico. Il y a Wild qui nous dit bonjour. C'est bien là pour envoyer les messages, Wild. C'est ici. Exactement, 41759. Sur l'appli Skyrock aussi, vous nous envoyez vos messages. Et évidemment, sur le skyrock.fm, tout au long de la soirée, vous pouvez déchirer tout ça. Et puis, bien sûr, le 01 53 40 30 20 pour tomber directement sur ceux qui ont un téléphone greffé à l'oreille tous c'est les ça. Soirs et qui vous attendent. Donc, au 01 53 40 30 20, c'est-à-dire Marie. Ça oui, va, Marie? Bonsoir tout le monde, ça va? Bonsoir. Merci. Prêt ouais. à accueillir tout le monde? Ouais, exactement. Cédric aussi. Ouais. Salut les filles. Salut Cédric. Les filles, ouais. Bah, salut tout le monde. Salut Cédric. avec Samy. Salut tout le monde. Déjà avec vous au téléphone. Eh, il était avec les familles du double appel. On était déjà en train de se marrer avant de démarrer l'émission. On faisait une sélection des voix des familles que vous nous avez laissées, numéros de téléphone que vous nous avez laissés hier soir dans l'émission. D'ailleurs, vous pouvez nous en laisser maintenant aussi. On va pas tarder à attaquer un petit double appel ce soir pour démarrer cette grande soirée. Et Karim est là en attendant le tour. Eh ouais, je suis là, man. À quelle heure, Karim? Mon haleine? Non, ça va aller, merci, Karim. Ah ouais. Je sens que je pue de la gueule. C'est vrai. Ouais, je me sens toi-même. Je pue de la gueule. Bienvenue à toi, Karim. Bon, très très excitant dès le début de l'émission. Ça va être sexy baby jusqu'à minuit. Bon, et vous pouvez débarquer ici. Trop d'eau à Chambéry, tiens, on nous dit sur les messages. Et dites-nous si vous êtes dans le Nord, si vous avez eu les gros orages de fin d'après-midi dont on nous parlait tout à l'heure. C'est bien parce qu'avec vous, on est au courant de tout. C'est mieux que BFM. Il y a le fidèle qui dit: vous inquiétez pas, les trois keufs vont sur la barque dans le Nord pour aider les nordistes. Ah, les trois keufs dont on parlait hier. Vous avez vu la vidéo? On vous l'a mis d'ailleurs sur les réseaux, la vidéo des trois keufs. Ouais, elle est sur les réseaux. Les trois keufs qui prennent une barque, qui essayent de... Ils essayent de ramer avec une pelle. Ouais. Et puis à un moment, il y a un déséquilibre de la barque et les trois keufs qui se cassent la gueule. Plouf. Bon, et je n'ai pas salué Romano, d'ailleurs, qui a un petit service à vous demander, parce que vous le savez, vous pouvez nous appeler au 01 53 40 20. T'as une tendinite, non? J'en ai marre. Non. La déclaration d'impôt? T'as une tendinite. Non, ça c'est bon, c'est fait. Vous allez voir. Romano a un service à vous demander, parce que vous avez le droit de tout nous demander, mais vous également, dès que vous avez besoin, dès qu'on a besoin de vous, on vous fait signe et je m'adresse à toute l'équipe. Dès que vous avez besoin des auditeurs de Skyrock, ils sont super. Regarde-moi, ils m'avaient tout dit pour ma tendinite la semaine dernière. Eh bah ouais, tu vois. Que ça allait durer, que ça faisait mal. En même temps, tu l'avais dit aussi. Hein. Ah ouais. Bon, alors, voici donc, pour démarrer cette soirée, le problème de Romano après en enquille avec Double Appel. C'est un problème à la con, mais accompagné de tous les autres qui m'arrivent, j'en peux plus. T'as récupéré ta carte bleue ou pas? Non, toujours pas, non. Très bien, je rappelle donc que le Romano est toujours lancé. J'ai récupéré un petit peu de monnaie ce matin. J'ai été obligé d'hausser le ton au niveau de la banque. C'est normal. J'ai reçu un petit peu de monnaie aujourd'hui. Alors, et pour de vrai, tu sais qu'on reçoit des enveloppes avec de l'argent dedans. Ah bah c'est gentil. Écoute, ça marche ton truc. C'est pas de refus parce que... Mais là, je commence à être à sec là. Tiens, regarde. Ce matin, je vais pour tirer à la banque au guichet. 15 personnes devant moi, donc je me suis barré. Ah bah évidemment. T'avais les commerçants qui arrivaient, tu sais, avec leur caisse. Je me suis dit, ouais, ça va durer 3 plombes et avec une gonzesse. Pas manqué. À l'accueil, bah non, mais j'ai pas attendu en fait. Ça m'a saoulé. Bon, regarde, là, j'ai reçu Ludovic. Ludovic qui nous a envoyé une petite lettre. Salut Romano, je compatis avec toi et je t'envoie toute ma fortune. Il y a 2 centimes, 3 centimes, 5 centimes d'euros. Magnifique. Wow. Merci Ludo pour avoir aidé Romano. Merci à toi. Bon, le problème de Romano du jour, on démarre avec. Alors attention, bon, ça va être vite fait. Hein. Et puis vous, ce sera après à votre tour de débarquer ici. Alors, on nous dit que dans le Nord, ça va se transformer en water polo l'euro à cause de l'orage. C'est Speedy qui nous laisse le message. Merci à toi Speedy. Je salue également Point S qui nous écoute peut-être. Noroto aussi. Mais Speedy est là. On vous offrira d'ailleurs vos places pour l'euro tout à l'heure à gagner. Tiens, on verra le match qu'on va vous offrir. Hier, on a fait fort, on vous a offert les huitièmes de finale dans l'émission. Ouais. Qu'est-ce qu'on va vous offrir ce soir? Restez bien dans le coin, on en reparlera avant minuit, vos places pour l'euro. À gagner 200 places à gagner avec le Crédit Agricole et Skyrock. Voici donc le problème de Romano. Bon, qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux une musique? Mon téléphone. Musique triste, allez, oui. Ton téléphone. Que t'arrive-t-il, Romano? Il est neuf, ton téléphone. Ouais, mais non, alors en fait, il y a un problème. J'ai fait une fausse manipulation et ça me demande le code PUC. Le code PUC. Comment tu fais pour l'avoir sur Facile, ça m'est arrivé hier. Qu'est-ce que t'as fait comme fausse manipulation? J'en sais rien, à vrai dire. Trois fois un mauvais code. Ouais, je sais pas, je devais l'avoir dans la poche, le truc qui était ouvert et ça a dû appuyer sans faire exprès. Mais tu sais que ça t'arrive souvent. L'autre jour, tu m'as appelé en FaceTime, t'étais en train de manger avec un gars et moi j'entendais toute la conversation. Aïe. Il y avait Romano qui riait, qui était là, content tout plein. J'étais là, oh putain, Cédric, c'est vraiment un gros con. Tu riais derrière. Fais attention, Romano. Non, mais je sais, pourtant je fais gaffe, mais là, bon, alors le coup de puc, comment ça se réexplique? C'était chez qui? Chez Orange? C'est 10 euros. Tu vas te passer. Je vais te faire enculer. Les auditeurs, ils sont gratuits. Demande sur ton compte. Tu vas sur ton compte client. Ouais, mais non, mais je peux pas en fait. Parce qu'en fait, c'est un téléphone de la radio. Donc, ils vont t'envoyer un mail avec ton mot de passe, ton identifiant. Ça va être galère. Alors, le code PUC, il y en a plein qui appellent. Galère le bordel. Il y en a plein qui nous disent ça. Tom nous dit: le code PUC, tu le trouves sur la boîte de ton téléphone, je crois. Ouais. Il est inscrit sur la plaque de ta carte SIM. La plaque de ta carte SIM. Que tu as découpée, on nous dit aussi. Ah merde, putain, l'as jeté pas avec moi. Quoi. Non, non, si, je l'ai chez moi. Ah, bah, j'ai reçu. C'est écrit derrière, il y a écrit puc, il y a écrit truc. Hein. Tu es obligé d'appeler ton opérateur. Ah, ouais, ça va, ça m'arrive hier. Quoi. Ou derrière la carte SIM, il y en a plein qui disent ça. C'est ouais, derrière la carte SIM en petit. Ouais. Ouais. Tiens, c'est le cousin de Passepartout, il s'appelle Pisse Partout. Mais il y a marqué puc avant. PUK, deux points, il y a à peu près. Ah, ouais, je savais pas. Ah, bah putain, ça m'arrange bien parce que je suis sur le gros truc. Mais c'est une galère, va falloir que j'appelle l'opérateur et tout. Le code punk, ça se fait avec une crête. Ouais, non, mais moi, je peux pas le faire, moi, ça. C'est le code puc, PUK. Tu le reçois avec ta carte SIM pour Jérémy. Ah, bah très bien. Bon, bah nickel. Ah, bah putain, vous me sauvez la vie. Ah, bah tu vois, alléluia. Alléluia. Alléluia. Ça y est, il a retrouvé le sourire. J'entends tous mes frères. Que des galères. Je vais vous en passer. Parce qu'aujourd'hui, ce matin, je vais au garage pour, changer des pneus. Mmh. Là, j'ai cru que j'allais faire un malaise. C'est pareil, c'est une voiture de la radio parce que je n'ai rien qu'à moi. Le mec n'existe pas. Tu as une carte d'identité quand même. C'est à la radio. Non, c'est écrit Romano, nom de famille, Skyrock. Romano Skyrock. Ouais. Là, le mec, normalement, c'est les roues, elles sont. C'est des voitures de location et les roues, elles sont comprises dedans, dans le forfait, quoi. Et là, le mec, il me dit ah non, monsieur, les roues, va falloir les payer. Ah bah oui. Et là, le mec, je lui dis, ah ben moi, je peux pas, j'ai pas d'argent. Je peux pas, j'ai pas d'argent, j'ai plus de carte bleue. Ce qui est vrai, pour une fois. Non, mais ouais. Donc, j'ai des roues, je roule avec des pneus lisses. Très bien. Jusqu'à c'est pas quand, dangereux, c'est bien. Ah non, mais t'inquiète, c'est pas moi qui reçois un message, je peux pas recevoir. Oui, j'ai regardé tous les téléphones, c'est le mien. Ah non, mais ça, c'est ça, pas toi. N'aie pas de doute, dis foule. Je ne reçois pas de messages. Tu peux envoyer des e-messages. Ouais, les e-messages, ouais. Putain, heureusement que ça existe, ce truc, c'est quand même bien pratique. C'est clair. Bon, en gros, donc, si vous avez perdu votre code puc, il est sur votre carte SIM. Ouais. La carte SIM avant que vous la découpiez. Ouais, en le gros truc, pas la petite carte SIM. En gros, il est sur les comptes. Comme une carte bleue. Ouais, c'est ça. Voilà. Et après, tu découpes ta petite carte. C'est pour ça qu'il faut carte, garder ce truc-là. Ouais. Et sinon, vous appelez directement l'opérateur, ils vous disent le code SIM en 5 minutes. Le code PUC, pardon. En 5 minutes, sur la SIM pour Guigui, sur la carte SIM pour Alex. Va chez ton opérateur, tiens, il te le donne en 5 minutes, c'est redit là. Tu donnes juste ton numéro et il te le donne. Mini Grady. Ah bah nickel, putain. Salut Mini Grady. Tu vois, ça sera ma joie de cette journée. Mais on t'a sauvé, quoi. Mais moi, je vous dis, quand on vient vous rendre visite le soir, qu'on est tous ensemble, ça va mieux. Regarde, Romano, tu vois, t'avais un problème à 21h, les 21h06, le problème, il est déjà réglé. Ouais, franchement, éventuellement, il y a quelqu'un qui travaillait à la Banque de France. Si vous avez le moindre souci, vous nous passez. Pour débloquer ma carte bleue, ça serait quand même, parce que ça commence sérieusement à me, parce que là, ça va faire 15 jours, hein, quand même. Bah, écoute, ça fait 15 jours que tu vis au crochet de ta meuf, c'est pas mal. Un petit conseil pas cher qu'on peut vous donner. Perdez votre carte bleue si vous êtes avec une meuf et qu'elle en a une. N'hésitez pas. Non, mais tu sais que c'est relou parce que des fois j'ai envie de m'acheter quand même un petit truc, tu vois. Ouais. Bah, je peux pas. Bah, tu lui demandes. Ouais, mais bon. Si elle t'aime. Si ouais, elle doit donner. Je crois qu'elle a un peu compris la combine, donc au bout d'un moment, ouais. On peut plus là. Ça veut dire, elle écoute des conseils pas chers tous les matins, donc elle se dit peut-être qu'il me prend pour un con. Ouais. Pour une conne, plus. Pour une conne, puisque c'était en effet ouais, c'est une fille. Femme. C'est une fille, en effet. Bon, alors vous y allez, vous aussi. Vous avez vu, on est efficace, hein. Six minutes pour résoudre un problème, un problème de téléphone. Tout. Merci pour tous les messages que vous avez laissés sur les SMS, le net. Bonjour à Jordi. Bonjour à Johanna qui en fait un gros bisou. Under qui vient d'arriver. La team Romano est là. Bonjour. Bonjour Routier, bonjour à l'Albanais, fidèle aussi. Bon, vous débarquez ici et vous nous dites. Alors, vous nous dites, mais nous, ce soir, on va, je vous l'ai dit, puisqu'on s'amusait il y a quelques instants avec les familles du double appel, attaquer très fort cette grande soirée, c'est parti. Le double appel des familles. Ah, cool. Oui, cool. En plus, avec tous les numéros que vous nous avez laissés, on pourrait faire d'ailleurs, peut-être qu'on fera un jour, une nuit ou une soirée spéciale double appel. Ah ouais, c'est très bien ça. Où on passe notre soirée à appeler les gens et à les mettre en contact. Et ben, c'est parti. Pourquoi? C'est vous qui téléphonez, je sais pas pourquoi. Aucun des deux n'a appelé l'autre. Non mais c'est des détraqués. Le double appel de Difool sur Skyrock. Dites donc, soyez un peu poli, monsieur. Hein, soyez un peu poli, Patrick. Et bonjour les détraqués, bienvenue sur Skyrock. Bienvenue à vous tous et à vous toutes. Bienvenue dans la radio libre. Et les détraqués sont là, mais oui. Et les familles sont là aussi. Alors il fait celle qu'on essayait juste avant l'émission, Samy, parce qu'on faisait des quelques petits tests. Eh bien les petits tests, c'est parti. Je crois qu'on va en Normandie ce soir. C'est ça, c'est les Normands. Allez les Normands. Les Normands sont à l'honneur. Comme le trou normand. Exactement, c'est Paris. Ah oui. C'est parti, pardon. C'est pas Paris, c'est la Normandie. Non, c'est ça. On sonne en Normandie ce soir. Et on peut aller dans toutes les régions de France. Vous nous laissez les numéros d'ailleurs sur le 41759 sur l'appli. Bah, préparez-en d'autres parce qu'a priori celle-ci. Ah, c'est dommage parce que. On avait testé ça juste avant les juste avant les bonjour, il y a testé vénérable inconnu dans mon âme le répondeur. Toi aussi, profite de la sagesse de la modernité et laisse un message à ton serviteur. N'oublie jamais que seul celui qui parle après le bip peut espérer une réponse. Bonjour, monsieur Bizigu. Une fois votre message enregistré, vous pouvez raccrocher ou taper dièse pour le modifier. Monsieur Bizigu. Bisigu. Oh, on est reparti chez les... Très bien. Allô. Ah. Vous n'avez rien enregistré. Allô. Bah, je sais pas, c'est une anomalie alors. Allô. Allô. Oui. Vous êtes qui? Bah, vous êtes dans un hôtel, monsieur. Alors, pourquoi vous m'appelez? Je ne vous appelle pas. Mais si, là, ça fait déjà deux fois que vous m'appelez. Dans l'espace de deux minutes. Mais c'est pas moi du tout, monsieur. Mon téléphone a sonné et j'ai décroché, c'est oui, tout. Oui, moi, il y avait marqué, je peux vous dire qu'il y avait marqué appel masqué deux fois. Si je décroche, c'est qu'on m'appelle. Ben, moi, pareil. Bon, alors, j'espère que c'est la dernière fois. Ah, ben, je sais pas, moi, ça vient de sonner, je décroche. Ah, ben, moi aussi, ça fait trois fois que vous m'appelez. Moi, j'en ai marre le bol, vous ne me dérangez pour rien. Ah, je vous appelle pas du tout, monsieur. Hein. Ben, est-ce que. Vous êtes qui? T'es comment? T'as chaté comment là? Ben, soyez poli. Allô? Oui. Le caca, c'est bon. Bon. Qu'est-ce que c'est que ces conneries, là? C'est un éléphant. Non, mais ça, c'est. Non, c'est comme ça que ça s'appelle, oui. Les conneries, c'était un éléphant, et juste avant, bah, c'était Cédric, de la famille de l'éléphant également. Ah, putain, l'hôtel en a pris pour son grade. Ouais, la pauvre. Il s'est fait pourrir la gueule. Lui, il était à bout de nerfs, le Normand. Ah, j'en peux plus, moi, tu fais trois fois que ça sonne. Ouais, qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est, ça? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh la voix, oh, ouais. C'est moi. Il y a toute la famille d'éléphants qui est là. Ah oui, c'est marrant, tiens. Ouais, c'est drôle. Pas mal, pas mal. Bon, on était donc chez les Normands ce soir. Alors, attention, on y retourne. Allez, c'est parti. Je rappelle que Patrick peut intervenir. Cédric, tu ne t'es pas gêné pour intervenir également. Ah ben non, oui. Et là, on file Olivier et Jean-François. Chez Olivier et Jean-François, ils sont où? Là, c'est 94 et 59 en mix. 94. Bah oui, Cédric, 94. 94. Mais oui, Cédric. Allô? Oui, allô? Oui, allô? Bonjour, vous êtes sur la messe. Allô? Voilà, il y en a un qui était pas là. Et problème de synchronisation. Et l'autre manque de coordination entre les deux familles. Bon, on en fait un troisième. Allez, c'est reparti. Attention, chez qui on va là? Il y en a un. Allô? Oui. Oui. Georges? Allô? T'es voilà. Georges? Très bien. Oui. Ils sont deux. Allô? Oui, je vous écoute. Je vous écoute. Je vous écoute. Bah, c'est moi qui vous écoute, monsieur. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez? Bah, je sais pas, mon téléphone il sonne, monsieur, donc si vous m'appelez, c'est que vous avez quelque chose à me dire, forcément. Bah non, justement, on vient de recevoir un coup de téléphone me demandant à me parler. Bah écoutez, moi c'est pas le premier coup de téléphone que je reçois ce soir. Ah bah écoutez, moi je vous ai jamais appelé, monsieur. Ah bah, est-ce que je peux vous demander qui vous êtes? Je préfère rester anonyme, monsieur, je ne sais pas qui vous êtes peut-être détraqué. Alors, si vous êtes anonyme, alors moi je suis effectivement Mercier Georges. Bonjour monsieur, bonjour à vous. Bonjour, bonsoir. Bah bonsoir, je sais pas, j'ai eu quelqu'un d'autre qui s'appelait Patrick tout à l'heure au téléphone. Ah oui, alors là je comprends pas, monsieur. Là. Bah moi non plus, quelqu'un qui je sais pas. Et là ça. Je vous souhaite une bonne soirée. Allô. Allô. Patrick. Voilà, bah c'est lui que j'ai entendu tout à l'heure. Ah ouais, c'est bien lui, hein. Très bien. Bienvenue sur la boîte vocale. Ah, dommage, ouais, dommage. Il a appelé un autre, mais il a pas répondu. Ouais, dommage. Mais en tout cas, celui-ci était sexy avec une voix comme on aime. Ouais, il comprenait absolument rien. Je décline mon identité. C'est bien parce qu'on a plein de styles différents. Vous avez entendu l'autre vénère tout à l'heure, là. Ouais. Bah là, il était un peu moins vénère. Il était vénère, mais pour rien, quoi. L'autre, il s'est fait pourrir la gueule dans son hôtel. Ah ouais. Tiens, c'est qui ce cinglé qui m'appelle? Bah oui, la pauvre. Elle était à l'hôtel, elle travaillait tranquillement en Normandie. En plus, ces temps-ci, les hôtels en Normandie, je pense que ça doit cartonner. Je suis pas sûr. Ouais, pas sûr. Ah, on est reparti, c'est qui? Vas-y, ouais, c'est Olivier Xavier. Salut. Allez. Allô? Allô? Allô? Allô? Oui, allô? Allô? Allô? Allô? Mais ça sonne encore. Ah. Allô? Oui? Oui? Allô? Allô? Je vous écoute. Oui? Bah, comment ça, je vous écoute? Allô? Allô? Attends, on peut jouer aussi. Nous. Allô? Faudra arrêter de nous appeler, s'il vous plaît. Oui, allô? Allô? Merci, Cédric. Merci, Romano. Oui, allô? Oui, allô? Allô? Alors, bon, c'était qui les deux derniers? C'était Jean-Paul et Jean-Loup. c'est que des gens. Jean-Paul et Jean-Loup. Jean-Paul et Jean-Loup. Ouais, prénom sexy à souhait, ouais, ça fait rêver tout ça. Comment les amis, c'était fait pour s'entendre tous les deux. Hein. Mmh. Ah, ouais. Dommage qu'on ait eu un petit problème pour se connecter. Mais les familles seront bientôt de retour dans votre double appel, bien sûr. Ah bah tiens, un dernier de près, bah, vas-y. Allez, c'est... tiens, envoie la sauce. Vas-y, les deux derniers là. Envoie la sauce. Non mais envoie la sauce, quoi. Qu'est-ce que tu veux, Marie? On y va, on connecte les familles. C'est sympa. C'est le double appel, Marie. Vas-y. Oui, ah bah oui, oui, je suis bien au courant. Oui. C'est le double appel. Envoie-moi la sauce. Thierry et Olivier. Allez, Thierry, Olivier. On compte sur vous, les gars. Allez, Thierry. Allez, Thierry. Allez, Olivier. Oui. Ah, je vous annonce le journal des Bleus aussi ce soir. Ouais. J'ai oublié de vous annoncer qu'il est réclamé. Allô. Ah. Allô. Oui. Ah. Allô. Allô. Je vous écoute. C'est moi. Oui, ben c'est toi, mais d'accord, mais qui t'es? Ben je sais pas qui êtes-vous. Je. C'est Thierry. Ouais, dans les Ardennes. Oh. Et vous? Ben, d'après toi. Ben, d'après toi. Mmh. Oh, c'est une voix qui me dit quelque chose, ça. Ben, je sais pas, c'est toi qui m'appelles? Ben non, parce que j'ai. Là, mais ça a appelé. Ça a sonné deux fois. Et puis ça vient de rappeler une troisième fois, alors c'est pour ça que je décroche. Oui, c'est Olivier. Olivier. Ben, je sais pas, tu viens de m'appeler. Olivier Ah ben, je ne sais, c'est toi qui viens de sonner chez moi, Olivier. Ah ben, non, c'est toi qui m'appelle. Ah ben, on vient d'avoir, écoute, on vient d'avoir trois coups de téléphone ici avec des 09 machin. Non, mais c'est tout, il y a une connerie, Olivier, je sais pas ce qui s'est passé, mais... Je ne sais pas, on vient d'avoir deux appels de conneries. Olivier, t'as un numéro secret, un 09, toi? Hein? Olivier, t'as un 09, t'as un numéro secret? Ah ben, moi, j'ai pas de 09. Non, secret, c'est Liste Rouge. T'as envie d'avoir des 09, là? Non, c'est on vient d'avoir trois coups de téléphone en numéro secret. Ah ben là, ça, là, je viens de répondre sur un numéro secret, hein, marqué privé. Oh, c'est des conneries sans cours. Il y a de la maman, il y a un téléphone. Hein. Non, mais il n'y a rien de particulier, Olivier, sinon, moi, tu vois bien. C'est Thierry Duglaire. Mais non, c'est Olivier, c'est moi, ça a sonné chez toi, tu me réponds, là. Oui. Non, mais je sais pas ce qui se passe dans ce putain de téléphone, non. Mais non, mais c'est ça que je comprends pas. Ah, j'ai pas fait ton numéro, Olivier, c'est ça que je comprends pas. Je ne sais pas, mais apparemment si, hein, puisque... Mais on vient d'avoir des 09 qui viennent de... Non, secret. Secret, pardon. Oui, ben nous aussi, là, je viens de répondre au numéro, c'était marqué privé. Okay. Numéro secret. Bon, c'est pas grave, Olivier. Excuse-moi. Salut les filles. Oui. T'es en train de te faire baiser ou pas? Hein? T'entends, Olivier, des conneries? Oui, j'entends tout à fait ça. Bon, allez, écoute, Olivier, on raccroche. Hein? Avec un lubrifiant ou sans lubrifiant? Bah avec lubrifiant, espèce de connard. Et tu peux me passer ta femme, sinon? Laquelle que tu veux, de femme? Et tu peux me passer ta femme, sinon? Ben laquelle? Là, la petite, là, qui est là, elle ferait mieux de porter une burqa. Ben elle en a pas de burqa. Ben oui, ça va, mon canard. Mais je t'emmerde, moi, tu m'entends? Absolument. Ben joue, profite-en bien, parce que ça va pas durer longtemps. Mac, mac, mac. Tu l'as trouvé où, la peine? On l'a dans les stories. C'était lui, hein? Ouais, c'était lui. Et une burqa. J'ai bien porté une burqa. J'ai bien porté une burqa, la petite. J'ai bien reconnu Jean-Marie Le Pen à la fin. Ah, c'était bien lui, ouais. Ah, c'était bien lui. Magnifique. Ah, il y a de la mamaille. Or, ça, vraiment, c'est bien parce qu'on apprend toujours des petits. Ah, putain, les petites expressions sympas, ouais. Les petites expressions des Françaises. Il y a de la mamaille. Ouh là là là là, qu'il y a de la mamaille. Toujours sympa comme on aime. Ah, et puis, ils avaient un blocage, un numéro secret, liste rouge. Oui, c'est la femme derrière. Bon, bah écoutez, on garde les numéros que vous nous envoyez. Merci pour tous les numéros que vous envoyez là depuis tout à l'heure. Ah, je oui, vois merci, que ça défile. Merci. Salut à toi, mon ami Cristal. Christian, pardon. Cristal est là aussi. Bon, salut Cristal. Bonjour à Ibra qui nous envoie un numéro de téléphone. C'est pas un numéro en Suède, c'est un numéro qui commence par 0678. Ah, vous avez vu la dernière déclaration d'Ibrahimovic à oui, propos de François Hollande. Il a dit que c'était lui le vrai président de la France, c'est ça? Ouais, pas exactement. Bon, il a donné une interview au journal Le Monde. Alors, voici tout de suite l'interview de Zlatan Ibrahimovic sur Skyrock, premier sur le foot, bien sûr. Bien sûr. Bon, il y a toute une partie où il explique qu'il paye beaucoup d'impôts, voilà, mais qui sait exactement combien il paye, parce que c'est lui-même qui fait sa déclaration. Fait une passe, Zadane. Mais en plus, c'est le PSG qui paye ses impôts. PSG qui paye. Bah ouais, ouais, bon, lui, son salaire, il est net. Ce qu'il dit dans l'article. Et ensuite, vient la partie sur François Hollande. Oui. Et en fait... Zlatan explique qu'il peut rendre populaire François Hollande s'il a envie, oui. Mais il sait pas s'il a envie. Ah, oui, il stade quoi. Donc en fait, François Hollande repassera président l'année prochaine si Zlatan le décide. Ouais, c'est ça. En gros, c'est ça, ouais. C'est Bah, normal, bien sûr. Il est super, ce Zlatan. Il a aussi dit qu'il aurait pu rester jouer 5 ans de plus au PSG parce que, genre, il avait le niveau, tu vois. Oui. Genre, le mec pense qu'à 41 ans, genre, il a le niveau. Bon. Mais déjà, c'est con qu'il parte, hein, parce que le PSG se retrouve sans. Enfin, bon, il va acheter quelqu'un. Je pense qu'ils vont prendre mieux que lui, ouais. Avec l'oseille, là. On verra. Et puis, il a déclaré qu'il lui manquait juste un truc pour tout déchirer, c'est d'avoir le prix Nobel, mais qu'il avait le temps d'avoir le prix Nobel parce qu'il il était jeune de quoi et qu'il pouvait, il veut le prix Nobel. N'importe lequel. N'importe quel prix Nobel. Ah voilà, ça y est, j'ai la déclaration là concernant François Hollande. Ah, si, un peu sûr. Alors, il parlait, donc le journaliste lui parlait de l'impopularité de François Hollande. Oui. Et là, il répond, je peux le rendre populaire si je veux. Bah, mais je ne sais pas si j'en ai envie. Ok. Il est super. Le mec normal, un peu quoi. Sur Olas aussi. C'est... Le de quoi? Il a chié aussi un peu sur Olas. Il a dit Olas, ça fait 4 ans, je crois que ça fait 4 ans ou 5 ans qu'il est au PSG Zlatan. Il a dit ça fait 4 ans que je suis là, que je gagne tout, mais que lui il gagne rien, mais il fait que d'ouvrir sa gueule en gros. Ouais, écoute, c'est. Ce serait bien qu'il gagne des titres quoi. C'est de bonne guerre. Bon, le journal de l'Euro tout à l'heure sur Skyrock. Ah bah oui, toutes les nouvelles des Bleus. Vous connaîtrez toutes les nouvelles des Bleus, vous gagnerez vos places également pour aller voir les Didier Bleus. Didier Deschamps n'est pas content. Et Didier Deschamps est énervé. Ah ben on va quelques jours. Je suis pas content depuis qu'on après sa maison taguée, là c'est pour autre chose, il est pas content. Ah depuis qu'on est revenu de triche, je suis pas content. Il est vrai en plus, c'est vrai. Il est tout colère. Bon, ben on retrouvera donc Didier Deschamps et les autres, et les nouvelles de nos Bleus et des autres équipes. Oh, l'Autriche, c'était tellement bien. Le journal de l'Euro. Il arrive, c'était tellement bien l'Autriche. Oui. Ah, j'étais au calme. Les Tyroliens et tout ça, c'est super. Ah, magnifique, quoi. Bon, et on se balance SCH aussi. Tiens, il y en a qui nous a demandé dès le début de l'émission SCH. Tiens, en parlant de foot et des supporters, je salue Vince qui nous envoie une très belle photo de lui, torse poil, avec le drapeau bleu, blanc, rouge derrière. Je vous rappelle qu'on attend vos photos de vous en mode supporter. Des Bleus ou de notre équipe, hein. Ouais, vous nous envoyez vous avec vos potes ou vous tout seul ou comme vous voulez et on vous mettra dans le studio à partir de vendredi. On suivra l'Euro évidemment sur Skyrock. Allez, vous nous envoyez vos photos sur tous les réseaux de Skyrock en message privé sur Facebook, sur Insta également et puis directement parce que là c'est bien, ça arrive directement dans le studio sur l'appli Skyrock. Bah, comme toi, Vince, le beau gosse. Allez, les Bleus. Allez, et puis SCH comme promis, on écoute Je la connais, gros son de SCH. Encore une découverte Sky. Crédit Agricole, partenaire national de l'UEFA Euro 2016, offre 200 places sur Skyrock. Hey, pour assister à l'un des matchs de l'Euro 2016. Ah, écoute Skyrock à tout moment et gagne tes places de foot. 200 places, 200 places pour l'Euro 2016. Crédit Agricole, partenaire national de l'UEFA Euro 2016. Merci Sky. Niska. Découvre le premier album de Niska avec entre autres des feats de Booba, Maître Gims, SCH, Gradure. Premier album de Niska, disponible partout. Je venais de passer le permis, j'avais plus une thune. Pour me payer une pièce, il m'en restait plus une. Une pièce pour la vidange, s'il vous plaît. Elle l'a déjà bien roulée, même si elle fait pas son âge. Les 200-300 bornes, j'ai rencard au garage. Merci. Jeune conducteur, permis de malheur. Fini la galère. Avec les avantages jeuneconducteur.s, profitez de 30% de remise sur votre première révision et de moins 15% sur les produits .s. Pas de stress, y'a point .s. Voir conditions sur .s.fr. Dans la campagne picarde des années 70, un médecin congolais s'installe avec sa famille. Face aux préjugés, ils vont tout mettre en œuvre pour gagner la confiance des villageois. Bienvenue à Marly-Gaumont. Une comédie tendre, décapante et irrésistible d'après Le Parisien. Bienvenue à Marly-Gaumont, un film de Julien Robaldi avec Marc Zinga et Aïssa Maïga d'après l'histoire vraie de Camini. Le 8 juin au cinéma avec Skyrock. Vous avez entre 18 et 25 ans, vous recherchez un métier haletant et dynamique au service des autres, devenez sapeur-pompier de Paris. La brigade de sapeurs-pompiers de Paris recrute et forme des futurs sauveteurs. Plus d'infos sur pompiersparis.fr ou sur notre page Facebook Recrutement sapeurs-pompiers de Paris. Sapeurs-pompiers de Paris, soldats au secours de la vie. Fifth Harmony.

STH sur Skyrock, encore une découverte Sky. STH, super, on l'avait même emmené en Ferrari sur les Champs-Elysées. Eh ouais. Et comme le dit Tom, il est sympa ce son. J'adore l'instru du son. STH, gros son, gros album. L'album s'appelle Anarchie. On écoutait, je la connais. C'était 1h minuit, la radio libre de Difool. Seulement sur Skyrock. Oui, c'est un peu comme chez nous le soir. C'est l'anarchie. Vous faites ce que vous voulez. Oui. Vous dites ce que vous voulez. Vous débarquez en direct de toute la France au 01 53 40 30 20. Si vous voulez nous appeler, vous tombez sur la Marie, sur Cédric, oui, sur Samy, sur Karim. Et oui, puis, bah, sinon, vos messages au 41 759 et sur l'appli Skyrock. Tiens, j'ai une bonne nouvelle. Si vous étiez là à l'écoute hier soir dans l'émission, il y a Matardat qui nous dit, il a 17 ans dans le Nord. Alors, si je vous dis Matardat, vous dites, mais qui c'est ça? Eh bien, c'est celui qui est passé hier, qui s'appelait Alexis. Oui. Qui est passé hier soir et qui s'était embrouillé avec un pote. Il se foutait des... Ouais, c'est vrai, ouais. Ah, et puis et là, ça a, quoi, dégénéré, comme disait Marie hier, jeu de main, jeu de vilain. Exactement. Hop là. Jeu de main, jeu de vilain. Eh bien, il est allé voir son pote. On lui avait dit hier de mettre sa fierté dans sa poche. Pour un bon pote, on peut le faire. Je suis allé voir mon pote et maintenant, on se reparle. J'ai eu peur de perdre un très très bon ami. Eh bien, tu l'as retrouvé. Super, Alexis. Merci de donner des nouvelles. On aime bien vous donner des nouvelles comme ça dans l'émission. Il est passé hier et déjà le problème est résolu. Super. Voilà. Ben, un autre problème résolu, le code PUC de Romano. Ouais, ça y est. Merci à vous. Grâce à vous. Merci pour le code. Vous m'avez sauvé ma vie. Vous lui avez sauvé son puc et son portable. Au moins, ouais. Non, mais c'est vrai, c'est que tous ces trucs, c'est super, un portable, c'est super. Tu peux appeler où tu veux, tu peux aller sur le net, tu peux. Ah bah, tu peux tout faire, ouais. Tu peux tout faire avec. Mais par contre, c'est vrai que ça. Putain, quand t'en as plus, t'es comme un con. Ça peut te stresser. Quand ça ne marche pas, ça peut te stresser. Quand tu perds un truc, ça peut te stresser. Et quand tu casses ton téléphone, ça peut te stresser. Eh bien, je suis content, moi, j'ai retrouvé mon puc. Il a, grâce à vous, retrouvé son puc. Ah, je suis heureux d'avoir mon puc. Et voilà, je suis à nouveau puc avec ton téléphone. Bon, on nous demande de nouveau Soprano, on se le mettra tout à l'heure. Soprano qui était avec nous hier soir dans la radio libre, en pleine forme Soprano, hein. Content d'être là, bah, content de l'avoir eu aussi avec nous. On se balancera d'ailleurs le nouveau Soprano qu'on vous a présenté hier soir avec Soprano lui-même. Le diable ne s'habille plus en Prada, c'est le titre du son de Soprano, un extrait de l'album de Sopra. L'album de Sopra à découvrir et le son c'est ça. Le diable s'habille plus en Prada. C'est le nouveau Sopra sur Sky. Et il sera au Vélodrome en 2017. Ouais, en octobre 2017 au Vélodrome. À la maison. À la maison. Et il viendra à Bercy aussi, mais on aura l'occasion d'en reparler. Puis il tourne dans toute la France. On vous en reparle avec Sopra qui sera bientôt de retour. Donc on vous le mettra, le nouveau Soprano. D'ici minuit, on se mettra du Designer, du MHD, les Fifth Harmony également à retrouver dans l'émission. Si on a le temps, un petit Major Lazer aussi. Et puis, bah, vous tous et vous toutes en direct de toute la France, vous le savez, vous pouvez débarquer ici à n'importe quel moment. Il y a un truc que je vous ai pas dit parce qu'on est mardi et le mardi, on fait traduction des bugs de Romano. Et vous allez gagner vos t-shirts, vos maillots de foot plus précisément. Ouais. De foot, de rugby, de. Bon, c'est très foot. De ce que vous voulez. Hein. Si, je sais pas pourquoi. Il doit y avoir un truc qui se déroule bientôt. Mais vous êtes très très foot, hein, et nous aussi. Mais il y a l'Euro. Non, Marie. Ah, l'Euro. Ce n'est pas l'Euro, Marie. C'est. Je crois que c'est l'Euro. L'Euro, je crois. Quelle trouvaille. Ah, dommage. Dommage. Non, c'est l'Euro. Tu as oublié une lettre. Ouais. L'Euro, c'est pas là. Non, c'est pas tout à fait la même chose. Non. Donc, vous pouvez gagner donc vos maillots ou alors vos jeux sur console en découvrant et en traduisant ce soir avec nous les bugs de Romano. Oh, on va essayer de faire ça d'ici pas trop tard, mais de toute façon, pour être sûr de pas d'autres conneries, ce sera avant minuit. Voilà. Mais, ouais, c'est comme bon. Ça, au moins, c'est clair. Voilà. Dès qu'on a c'est large. Ouais, c'est large, comme ça je me laisse un petit peu de marge pour pas vous mentir. Mais avant minuit, donc c'est sûr. Et le plus vite possible, vos maillots, vos jeux à choper. Le journal de l'Euro aussi, ouais, à retrouver avec les dernières nouvelles des Bleus, comme tous les soirs sur Skyrock. Et puis Alex, en direct avec nous à Nice, qu'on va prendre tout de suite, qui est là. Bah, faites Alex comme Alex. Nice. Salut Alex. Appelez-nous. Salut, bonne Alex. Équipe. Bonjour Alex. Salut. Salut, ça va? Ça va, ça va. Ça va et vous? Salut la Mano et la Marie, Romano. Salut mec, salut la Mano. Salut la Madric. Salut. Alors, bienvenue à toi Alex. Donc toi t'as 15 ans, t'es niçois, c'est ça? Ouais. C'est beau à Nice aujourd'hui? Non, tu sais, ce matin il faisait grave beau, genre j'étais grave content, je suis sorti en short, et l'après-midi il pleuvait. Ah bah tiens, enfin, ça fait couiller. C'est pas souvent à Nice, dites donc là. Ouais, bon, ça arrive quand même. Je veux pas te dire que ça me fait plaisir parce que nous on a tellement eu de pluie que ça fait plaisir que d'autres en profitent. Ah, mais vous êtes habitués, vous, moi. Ouais, non. C'est clair. Ouais, mais aujourd'hui on a eu du soleil, tu vois. Ah, tu vois, chacun son tour. Ça change. Ouais. Bon, alors Alex, toi tu passes un examen à la fin de l'année, toi Alex? Ouais, j'ai passé le bac oral là cette année, mais c'est un truc d'entraînement, j'ai passé le bac blanc oral, mais je suis en seconde. C'était comme un examen. Ah, tu te fais déjà entraîner depuis la seconde. Ouais. Ah ouais, putain. Ouais. Ouais. Oh, ils m'ont fait les TPE aussi. Et là, je fais le TPE vendredi. C'est-à-dire que la seconde, c'est la seule année où vous êtes tranquille. Et ben toi, ils te font des trucs blancs pour te préparer à l'année prochaine. Ouais. J'ai déjà fait les bacs blancs, les TPE, les orales. Les TPE, c'est une machine ACB, non? Les TPE, c'est une machine. Non, les TPE, c'est un gros exposé. C'est les travaux pratiques encadrés. C'est vrai que les moyens de, c'est la machine à carte bleue. Ça s'appelle la TPE. C'est vrai. Terminal de paiement électronique. Ah, c'est ça. Voilà. Voilà. T'imagines, Romanon, t'aurais proposé ça au bahut, mais tu l'aurais réussi à coup sûr. Ouais, j'aimerais bien avoir un TPE. le TPE. Bon, bah écoute, Alex, bienvenue à toi. Qu'est-ce qui t'arrive, toi, Alex? Merci. En fait, j'ai une petite embrouille la semaine dernière. Donc, en fait, tu vois, j'étais acheté chez mes cousins et genre, j'ai tapoté vite fait sur l'épaule de mon cousin. Non, mais en ce moment, c'est la mode, les embrouilles. Tu lui as tapoté sur l'épaule. Attendez, là, on va faire un mélange d'embrouille et de tendinite. Vous allez voir. Bras cassé. Tu lui as tapé. Non, j'ai pas fait une tendinite. Je fais, ouais, ça va, mec. Et là, il commence à m'insulter. Il me fait, ouais, j'en ai marre que tu me frappes. Et je fais, pardon, j'ai rien fait. Et sa sœur, elle a fait, ouais, mais il s'est senti agressé. Je fais, trop pas des mais excuses. Mais tu lui as mis une tape comment? Parce que ça dépend. Non, j'ai mis une petite tape. Non, je sais que j'ai un petit peu de force, mais là, j'ai eu. Ouais, parce que si le mec, si tu l'as décollé les poumons, lui tapant dans le dos, tu m'étonnes, tu as. Oh là, ouais. Ouais, il est un peu mal, quand même. Hey, salut, mon cousin. Comment vas-tu? T'as une tendinite? Bah tiens, prends ça sur l'épaule. Non, mais il était peut-être pas d'humeur, tu sais, ça arrive quelquefois, t'es pas d'humeur. Non, mais il y a des gens, ils ont des sautes d'humeur comme ça. Je sais pas si vous en connaissez dans votre entourage. C'est les lunatiques. Les lunatiques. Il y a certains jours, ils sont de bonne humeur, d'autres jours, ils sont de mauvaise humeur. Ah, ça arrive. Hein. Ah, bah, des fois, c'est même dans la même journée. Hein. Ouais, c'est vrai. T'as les lunatiques, bon, ça arrive. Et t'as aussi les bipolaires, c'est-à-dire qu'ils changent d'humeur en deux minutes. C'est-à-dire que là, ils sont en train de rigoler, par exemple. Je sais pas si vous êtes bipolaire, c'est une vraie maladie en plus. Hein. Ça va pas être rigolo. Vous rigolez, là, vous êtes content, vous rigolez, mais un peu comme ça. Et je suis très heureux. Il est heureux. Et deux minutes après. Et deux minutes après, le mec, il pleure. Il est comme ça, ton cousin, toi, Alex? Ouais, c'est vrai, ouais. Il change souvent d'humeur, en plus. Je crois qu'il est ça, hein. Ah, bah, c'est peut-être ça. Hein. C'est un fragile, ouais. Ton cousin, nous dit le Camerounais, là, sur. Non, mais ouais. Ou alors, comme disait Marie, le mec, ouais, t'es pas d'humeur, quoi. Après, des fois, bon, bref. Et après, j'ai dit, et sa sœur, elle a fait, ouais, mais il s'est senti agressé. Je fais, ouais, arrête un petit peu de lui trouver des excuses, quoi. Il est dans sa paranoïa. Ouais, voilà. Et elle m'a dit, ouais, ferme ta gueule. Donc, elle aussi, elle s'est mise à m'insulter. Ah, ouais, bon, c'est bien, en plus, t'as bien parlé, franchement. Donc là, je dois aller manger chez eux pour l'anniversaire de la sœur dans 5-6 jours. Ah bah tu lui offres un cadeau, mais tu lui balances à la gueule à la sœur. Ou alors ça va être. Donc là, je vais être grave mal à l'aise. Là, je sais pas du tout comment. Ah bah attends, peut-être que tu seras même plus invité. Hein. Ouais, non, si, parce que mon oncle, il essaie qu'on se reparle un petit peu. Ouais, c'est dans la famille, oui, c'est vrai. Ouais, c'est la famille. Après, ouais. Tu peux avoir des gros cons dans la famille, hein. On a tous. Ouais, mais là ça va être un peu long quand même. Ah, bah, c'est Tata Eliane. C'est une grosse conne. Ah. Tu vois, Romano, il a Tata Eliane, c'est une grosse conne. Et en plus, je tiens quand même à te le dire. Ah, oui. N'ayez pas peur, elle a une tête d'homme. Ah ouais, ça, elle a une tête d'homme. Ouais, mais pourquoi tu dis c'est une grosse conne, Tata Eliane? Parce que c'est pas sa faute si elle a une tête d'homme. Elle est moche. Bon, le fait qu'elle soit moche, elle a pas été gâtée par la nature. Et comment son visage? Décris-le nous pour qu'on s'il imagine à la radio. Ça fait un moment que je l'ai pas vue. Elle a la tête assez carrée. Alors, fermez les yeux. Elle a une tête de brique un peu. Donc, à la verticale, hein, pas à l'horizontale. Ah, Diffoul dessine. Une tête très. Je la dessine en même temps. Oui. Après, ce que je me souviens, c'est que, tu sais, elle a des lunettes, c'est des culs de bouteille. Des lunettes, elles sont rondes, elles sont carrées, elles sont comment? Elles sont rectangulaires. Elles sont moches, genre vraiment à l'ancienne, c'est les montures en ferraille. Mais donc, ça lui fait des gros yeux? Ouais, tu sais, ça lui déforme les yeux. Voilà, donc je dessine Tata Eliane, continue. Oh, la gueule. Oui. Ensuite, elle avait un peu de barbe sur le. Tu sais, elle avait un peu de. Barbe? Quoi, elle avait des. Quoi, je sais pas comment. Des poils, des poils. Des poils, ouais. Elle a un gros nez, un petit nez. Elle a un peu de patate. Elle a une patate, ok. Oh, putain, mais la gueule du truc, mais. Alors, elle a une patate et la bouche, elle est comment la bouche? Avinée. Mais grosse, elle boit, elle a les joues très roses, quoi, même rouges. Ouais, même. Mais c'est caché par les poils, c'est bien. Ouais, non, mais les poils, attends, elle a quand même. Quand pas... même. Elle est pas non plus, tu vois, elle a pas une barbe à la Carice, quoi. Ouais. Ah ouais, c'est vrai. C'est rassurant. Tu sais, elle a quelques poils, tu sais, qui se battent en duel, comme on dit, quoi. Et sinon, la bouche, elle est grosse, fine. Bah, tu sais, elle a une bouche d'alcoolique, un peu grosse, rouge. T'sais. Grosse rouge, et rouge. Rouge, limite violacée. Oh, c'est joli. Et les cheveux? Gras. Ah ouais. Les cheveux gras. Court ou long? Long, court. La dernière fois que j'ai vu, c'était assez court. Voilà. Est-ce qu'elle ressemble à ça? Je l'ai dessiné. Assez. Et ben voilà. C'est assez ressemblant. Vous avez pu faire le dessin en même temps qu'avec les descriptions de Romano. C'est bon, je vois un peu de quoi a l'air Tata Eliane. Elle est moche. Ouais, ça, elle est moche. Non, mais bon, ça qu'elle soit moche, bon, comme on disait, c'est pas de sa faute. Et pourquoi tu disais? Parce qu'on parle des. Tiens, dites-nous si c'est dans la famille. Non, mais les connes, parce qu'à chaque fois qu'on s'est vu, il y a toujours des sales réflexions, des trucs de jalousie ou. Ouais, genre aigri, quoi. Ouais, toujours, mais toujours aigri, tu vois. T'as genre mon père, je sais pas, il arrivait. Comment vas-tu, tata Eliane? Non, mais c'était pas vu depuis 5 ans, genre admettons, elle lui disait, ah bah tiens, t'as grossi, non? Il y en a qui ont les moyens de se payer, de changer de voiture. Tu as que des réflexions comme ça. Oh, bah, mon père, il fait, ouais, bah en même temps, je fais ce que je veux, tu sais, je gagne ma vie, je fais ce que je veux avec ma. Mais que des réflexions à la con. Et c'est sa sœur. Ouais, c'est sa sœur. Non, mais je vois pas, ils sont pas. Bah la dernière fois, bon, c'est triste. Tu vois, toi, t'as une embrouille avec ton cousin, Alex. Là, c'est une embrouille entre frères et sœurs. Ouais. Ouais, quoi, une embrouille. Il y a même plus d'embrouille, parce qu'ils se parlent plus depuis des années. Romano, qui sont... Oui. En fait, je voulais te dire, là, tata Hélène, eh ben, la mère là, des deux cousins, elle est un petit peu comme la tienne sur le côté où elle fait que des mauvaises réflexions. C'est vrai que même si t'es cool, tu vois, évidemment, c'est énervant ce genre de réflexion tout le temps. Eh ben, moi, il me fait pareil. Moi, il me fait que des mauvaises réflexions, moi, tout le temps. Même pas d'argent, on a encore acheté un nouveau truc. c'était tout le temps des réflexions comme ça, quoi. Mon père lui a dit, ouais, tu me fais chier. Ils sont jaloux. mais c'est usant. C'est tout simplement une famille d'aigris. Ouais, c'est ça. Ils sont pas tous comme ça dans la famille. Non, mais de côté de tata Eliane. Ah oui, bah elle, ouais, particulièrement. Ouais. Et son mari, lui, il est tout con, lui. Donc, Non, mais il est tout. La béné. Ouais, tu sais, il dit rien. C'est, mais, lui aussi, il est dans le vin. Quoi, ouais. Lui, il est vigneron. Vigneron et alcoolique. Non, mais ouais, tu sais. Il flotte dans un cul. En même temps, les vignerons, bon, souvent, ils sont portés un peu sur la bouteille, quoi. Donc les embrouilles de famille, mais s'ils te font tout chier dans la famille, t'es même pas obligé d'aller au repas de famille. Ah ouais, non, mais le problème, c'est que je pense que je vais être obligé. Ma mère, elle va grave me forcer, hein. De forcer à l'anniversaire, donc ça se passe bien dans la famille. Non, mais sinon, essaye de. En même temps, c'est une embrouille de merde en soi. Tu peux peut-être essayer de l'appeler, lui dire, ouais, t'as été trop con avec. Les deux, là, ils se sont trop énervés. Puis la mère, comme tu disais, là, elle fait souvent, tout le temps, à chaque fois, des réflexions sur moi. Bah, t'y vas pas. Moi, j'irai pas. Ah ouais, qu'il va se faire mettre. Ah, c'est une famille de cons. Ah, ça y est, ils sont vénères, les deux. Non, mais c'est vrai. Non, mais t'essayes de faire des efforts. Et si l'autre, elle est en train de faire des réflexions à la con, au bout d'un moment. Ah ouais, c'est fatigant, ça, je regarde les embrouilles de famille. Il y a qui c'est qui nous laisse un message. Je me suis embrouillé avec ma belle-sœur il y a 3 ans. Appelez-moi. Bah tiens, on va te passer un petit coup de téléphone. C'est 66 qui nous laisse un SMS. Moi, je ne parle plus à mon frère à cause de sa femme. Ah, t'aimes pas la femme de ton frère. C'est vrai que ça aussi, ça peut créer des problèmes dans la famille. Moi, c'est avec mon cousin. C'est un gros con. Il m'a piqué 100 balles l'autre jour. Quel enculé. Ah, si ton cousin t'a volé, c'est vrai, c'est pas bien. Elle a l'air belle, ta tata Eliane. Elle est célibataire et non, malheureusement, je suis désolé. Non, elle a réussi à trouver un mec. Ah ouais, on se c'est même reproduite. Hein. Parce que bizarrement, la fille, franchement. Elle s'est fait baiser quand même. Bah ouais, mais l'autre, il est tout benet, lui. Ah donc, ouais. Je pense que c'est un peu le truc qu'il a baisé également. Donc, le couple. Ils sont bien trouvés les deux. Non, mais ils ont fait une fille qui est plutôt. Quoi, bon, ça fait pareil des années que je l'ai pas vue, ma cousine, mais. Bah, plutôt pas mal. Elle était. Ouais, alors bizarrement, putain, comparé à la gueule des parents, tu vois. Très dit, ils auraient fait un monstre. Eh bien, non. Non, mais c'est 2 mois. Et tu le sais, t'es bon en maths, toi, Alex. 2 mois, ça fait 1. Plus. Et ouais. 1. Non, 2 mois, non, ça fait pas un an. T'as l'air bon en maths, toi. Ah, viens dans ma team. J'ai rien entendu à ce que t'as dit. Non, je disais 2 mois, ça fait un plus. Ah oui, non. 2 mois, non. Oula, c'est quoi ce rire? Bon, qu'est-ce que. Moi, perso, j'irai pas. Dites-nous ce que vous feriez, ce que vous iriez, ouais, ce que fait, vous iriez pas. Ils sont obligés, quoi. Ils vont tous m'obliger. Enfin, ils vont m'obliger. Après, moi, t'as 15 ans. T'as pas je sais pas, avant toi, une espèce de bac blanc, tu sais, comme ils t'ont fait faire. Ah ouais, des révisions, machin. Non, je suis désolé, là, faut que je révise. Vraiment, j'ai des trucs à faire. C'est. Ouais, c'est que le problème, c'est que mon dernier examen, c'est vendredi. Je mange, à mon avis, soit samedi, soit dimanche. Ah bah ouais, ça, c'est con, merde. Ah bah finalement, il a poussé à lundi. Ouais, en plein week-end. Voilà, allez hop. Non, mais invente un gros mytho. Faut juste éviter d'aller dans ce genre de truc. Moi, j'irais pas. Vous iriez, vous aussi? Vous avez votre. Ah non, mais sachant que tu vas te faire allumer la gueule pendant tout le repas, parce qu'a priori, ça va être ça. Donc, moi, si je pouvais esquiver, j'esquiverais. Ouais. Personnellement. Très bonne idée. Ah bah tiens, regardez. Il y a Mourad là qui nous laisse un message sur le 41759 qui nous dit très bonne idée. Eh bien, on est d'accord avec toi, Mourad. C'est mon idée. C'est normal que je sois d'accord avec toi. Vraiment, les grands esprits, comme tu le vois, se rencontrent. Il y a Thibaut de Roubaix. Ah, puis dans un instant, on aura peut-être un problème qui te concerne, Romano. Tu vas peut-être pouvoir aider Mathieu, parce qu'on a Mathieu qui nous appelle. Il y a une petite galère chez lui. Ah. Peut-être question de bricolage, un truc comme ça, on va voir. Salut Thibaut. Salut. Ça va Thibaut? Thibaut Arouet. Ça va. Oui, viens de trouver. Bah, écoute, c'est bien. Alors, cet après-midi, il y a eu des gros orages, parce que j'ai eu plein de messages tout à l'heure en début d'émission. Énorme. C'est vrai? Énorme. Oui, énorme, la voie rapide bouchée, enfin. Tiens, envoyez-nous des messages. Genre, vous avez pris, il y a des maisons qui ont pris la flotte? Non. Oui. Ah ouais, quand même. Ah ouais, déjà. Ah, Lambersart et la Madeleine. À Lambersart et la Madeleine. J'ai reçu des messages tout à l'heure. Ouais. Vous êtes plein. D'ailleurs, envoyez-nous des photos. Les photos de j'en ai vu une tout à l'heure. Je vais essayer de vous la retrouver. Et d'ailleurs, on a vu à Lille, la Grande Place, 3 policiers dans une barque. Non, ça c'était pas à Lille, c'était Non mais si aujourd'hui ils sont allés à Lille. Ils sont tournés maintenant. Non mais il faut tourner, sitôt qu'il y a de l'eau, ils arrivent. Voilà. Oh de l'eau, oh une flaque d'eau. Ils étaient dans le 77, les trois keufs que vous avez vus sur la barque là, c'était dans le 77. Putain, les photos, regardez les photos que vous nous envoyez là, il y a le message de Audrey du 59 qui nous envoie une photo, mais c'est ouais, c'est inondation totale. C'est ici, du côté de Lille. Saint-André. Le centre d'île de Saint-André à côté de Lille. Ah ouais, ça craint fort, c'est tout inondé le bordel. Waouh! Et du côté de Lens aussi, c'était inondé. Ouais, ouais. Eh ben, bon courage. Putain, ouais, bon comme courage. Ah ouais, ça a bien pris la flotte. Ouais, bah, bon courage. On va vous les mettre les photos, tiens. Je vais vous les mettre sur tous les réseaux de Skyrock pour aller les mater sur Insta, sur Facebook, sur le difool.skyrock.com. Il y a Douvrin aussi, là. Il y a Amélie qui nous laisse un message à Douvrin, là. Il y a eu des inondations dans les baraques aussi. Ouais, inondations dans les maisons, nous dit Amélie. Bon, toi, tu nous appelais pas du tout pour les inondations. T'appelais pour non, quoi? Non, pas du tout. J'appelais pour la bipolarité, le problème. Ah, les gens qui changent d'humeur en 5 minutes. Oui. En fait, moi, j'étais diagnostiqué bipolaire à 12 ans. Putain, c'est relou, ça. C'est relou pour toi, et puis aussi pour ceux qui t'entourent, tes parents, tout ça, ils ont oui. dû. Bah, ce que j'explique au standard, c'est que j'ai perdu tous mes potes à cause de ça. Mais pourquoi, toi, t'avais des, je sais pas comment on appelle ça, des crises? Des crises d'humeur, de. Ouais, mais c'était. Parce que bon, j'imagine qu'il y a plusieurs. J'ai plusieurs stades, tu vois, il y a des gens... Oh, le stade au vélo. On va commencer par celui-là, déjà. Par exemple, avec Soprano de dingue. Exactement. Oui, on sait, il l'a annoncé hier soir. Non, mais tu sais, il y a des gens, ils doivent être les crises, elles doivent être plus ou moins fortes que d'autres, quoi. Bah oui, moi je me suis retrouvé en hôpital psychiatrique. Ah ouais, donc toi c'était quand même sérieux, ah oui. quoi. Ouais. Mais d'ailleurs, pour les mecs qui sortent avec une meuf bipolaire ou vice-versa, d'ailleurs les filles qui sortent avec un mec bipolaire, vous devez morfler, hein. Parce que... Bah, moi, que c'est dur à vivre. Mon ex-femme m'a quitté à cause de ça. Bah ouais, c'est-à-dire qu'en fait tu passais d'une humeur genre t'es sympa avec elle à une humeur genre tu lui parles comme une merde, quoi. Ouais, alors qu'elle a rien fait. J'essaye d'éviter, mais c'est plutôt avec les potes, on a moins de retenue et... Ah. On les perd un par un. Ah bah oui, au bout d'un moment, les potes, ils en ont marre, ils savent jamais comment te prendre. Tu leur dis un truc, le mec, il te parle mal. Ouais, mais c'est vrai que toi, au final, tu fais pas exprès, quoi. Ouais, non, vrai. Une petite non. réflexion, et puis ça part à l'envers. Donc ouais. Moi, ce que je propose, ce que je conseille, c'est de le dire au plus vite aux personnes qui nous entourent. Tiens, tu leur dis, je suis bipolaire. Voilà. Ouais, tu préviens, ouais. Oh là là, mais t'es bipolaire du pôle sud ou du pôle est? Non, rien à voir. Pôle nord. C'est pôle nord. Ah, moi je connaissais pas celui-là. Le pôle nord. Si, si, ça caille là-bas même. Très bien. Et surtout, se faire aider par des personnes qui sont compétentes. Mais toi, t'as un traitement? C'est pour réguler tes humeurs? Oui. Mais ça te met. Donc c'est du lithium. Mais du lithium, c'est violent. C'est lithium. Comme les piles dans les portables. Ah ouais, c'est ça, mais c'est violent en plus le lithium. Ouais, c'est explose en c'est plus, une drogue, c'est une vraie drogue en fait. Ça. Oui, non, mais c'est prescrit médicalement. Hein. Mais ça te shoot, mais ça fait quoi, ouais? Oh, après, t'es dégagé. En fait, ça régule ton humeur. T'es ni heureux, ni triste, t'es normal. Non, mais ça va, ouais, t'as pas l'air défoncé là, quoi. Non. T'es pas comme un légume. Bah, j'ai 26 ans, ça fait 15 ans que je suis traité. Mais quand t'avais tes crises, alors ça se passait comment? Par exemple, tu te levais le matin, t'étais de bonne humeur, et il te fallait combien de temps pour vriller complètement? Bah, c'est n'importe, par exemple, une tasse mal mise sur le plan de travail. Ouais, je suis peut-être bipolaire, moi. Rien t'énerve, ouais. Rien. Non, t'es pas bipolaire. Ça y est. Bah, la tasse. Moi, j'en ai connu une bipolaire, la meuf était complètement amochée, hein, quand même. Oh, bah, ça va, je suis pas amochée à ce point-là. Un coup de klaxon derrière toi, bah, voilà. Ça te fait péter un plomb, par exemple. Oui. Bah, oui. Tu pètes un plomb à cause de n'importe quoi, en fait. Voilà. Alors là, genre, si on te met un coup de klaxon, là, tu pètes une durite ou pas? Pardon? Si on te met un coup de klaxon. Est-ce que là tu te sens vrillé ou pas? Non, parce qu'avec le temps on apprend à se calmer. Non, je vais te foutre à vous. Oh, hey, oh. Hey, oh. Non mais ça peut se soigner. Regardez, il y a Hakim qui nous laisse un message. Et Hakim il nous dit, il y a un mec qui a klaxonné derrière. Ouais, j'ai entendu aussi. Un mec qui a voulu t'énerver, t'as entendu. Non, c'est moi. Donc Hakim qui nous dit que lui soupçonne ma meuf d'être bipolaire parce que un jour elle me largue, le lendemain elle pleure pour revenir, le surlendemain elle me relargue. C'est comme ça depuis qu'on est ensemble. Mais je l'aime. Oh, t'es mignon, Hakim. Oh bah c'est une meuf, moi je dirais tout simplement. Ouais, c'est ça, ouais. Oui. Ah, c'est pas ce qu'elle veut, quoi. Tu dois forcément. Mais en fait, elle veut le larguer quand elle voit son amant. Ouais, c'est peut-être ça aussi. Rassurez-le, c'est gentil. C'est sympa, Thibaut. Super, Thibaut. C'est cool. Il envoie un message pour vous monter le moral. C'est ça. Bon, bah écoute, merci à toi, en tout cas, Thibaut, de nous avoir appelé. C'est intéressant d'avoir parlé de ça parce que c'est vrai, souvent, on comprend pas les réactions des gens. Tu te dis, ils sont bizarres, mais parfois, il y en a qui sont malades, hein. C'est une maladie de la tête. Ouais, ah bah, c'est moi, pas écrit sur la gueule. J'étais malade de ça, donc si je peux, un conseil, c'est juste se faire suivre. Et d'accord. Juste une question. Et l'avouer aux personnes. Et comment ils te découvrent que t'es bipolaire? T'as des examens, des trucs? T'es hospitalisé? Bah parce que, en fait, à cause de tes réactions, tu te retrouves souvent avec des problèmes, par exemple, en garde à vue. Et en garde à vue, un psychiatre vient t'examiner et là, te dit, ben voilà. Et pourquoi tu t'es retrouvé en garde à vue? Toi, t'avais fait quoi? T'avais pété un plomb? J'ai pété un plomb dans une soirée. J'ai pété un plomb. Très bien. T'as au standard, moi j'ai eu Gaëtan là, lui il est dans les Landes. Et pareil, il est bipolaire, mais lui il a un niveau 5. Parce que tu sais, il y a plusieurs niveaux, il a été hospitalisé. Ouais. Il me disait, le mec en fait, Pampi, il est chez lui, tout va bien, il regarde la télé, ça se passe bien. Mmh. Il reçoit le courrier, Pampi, il a une facture qui était pas prévue. Ah. Et ben le mec il pète un plomb. Mais Romano c'est pareil. Mais genre il pète les plombs, mais vraiment. Je te dis, je dois être bipolaire, mais au niveau de l'argent. Ouais, tu sais. C'est pareil. Le mec, il s'est fait hospitaliser, hein, carrément, lui. Bah, il vaut mieux. C'est-à-dire qu'en une demi-heure, le mec, il peut se retrouver d'être super content, super agressif et vénère. Non, mais surtout, ouais, quand vous êtes en crise, il faut pas aller trop loin, quoi. Putain, c'est vachement handicapant, ce truc. Bah, lui, ce qu'il m'a dit, c'est que ça se contrôle pas. Hein. Ouais. Mais il a un traitement maintenant. Ouais, ouais. Bah, c'est une maladie de la tête. C'est il a été interné. Comme ta calvitie, Romano, c'est également une maladie de la tête. Ouais, bon, c'est pas tout à fait pareil. Ouais, non, c'est pas franchement pareil. Choisir, je préfère être chauve que d'avoir d'être bipolaire, parce que ça m'a l'air bien galère, ce truc. Ah, ça c'est galère. Bah, en tout cas, merci Thibaut de nous avoir appelé. Merci à toi. Non, et il y en a plein qui soupçonnent leur meuf ou leur mec d'être bipolaire. Les meufs, vérifiez qu'elles aient pas leurs règles. Parce que des fois, ça joue. Elodie, oui, c'est vrai. C'est vrai, les règles, c'est pas con. Ah, bah, ouais. Ouais, c'est vrai que ça peut jouer. Je suis certaine. Quand on n'est pas bien. Il faut se les coltiner derrière. Elodie, son mec, il a pas de règles, puis c'est un garçon. Et Elodie, elle nous dit qu'il est super gentil quand il est avec moi et quand il est avec ses potes. C'est un gros enculé. Ah ouais, parce que tu mets devant les potes, tu veux pas faire le canard. Bah, limite, tu t'en fous parce que c'est pas avec toi. C'est avec les potes, donc. Ouais. Non mais Marie, t'as rien compris. Ah, c'est vrai, quand elle est là et oui, devant d'accord. les potes, elle se fait traiter comme une merde. Ah, ouais, d'accord, gros, j'ai compris alors. Je réexplique Marie pour les mal comprenants. Ouais, d'habitude, c'est Cédric et c'est Marie ce soir. Bah, écoute, oui. À chaque soir, ça tard. Eh oh, tu vas te détendre. Hein. À chaque jour suffit sa peine, comme on dit. Ouais, c'est ça. Merci Thibaut, merci du coup de fil en tout cas, Thibaut. De rien, en tout cas, ça fait 10 ans que je vous écoute et je vous remercie de donner de la bonne joie à tout le monde matin et soir. C'est gentil. Comme tout. Merci à vous aussi d'être là tous les matins, tous les soirs. Si on se marre bien. Tu peux avoir un t-shirt Aerox. Eh ben, tu le mérites, on va te l'envoyer. Avec plaisir. Évidemment. On t'envoie ça, Thibaut. Il y a des moments où t'énerves, non? Cédric, beaucoup. Ah voilà. Pourquoi Cédric? Est-ce qu'il t'énerve quand il chante comme ça? Non, parce qu'il est hautain. Il est hautain? Hautain. Non, mais c'est Romano qui est d'hautain. Non, Romano est génial. Romano est d'hautain en Bourgogne, à UTUN, la ville. Attends, on n'a pas bien entendu ce que tu as dit. Tu peux répéter sur moi? Romano est génial. Pff, ok. Eh, c'est bizarre, tu l'as monté sa voix et tout. Ouais, t'as mis en sa voix. Pour tout le monde l'entendre. Alors, bah vas-y, dis ce que tu penses de Cédric. J'aime bien juste parce qu'il est belge. Ah, bah c'est gentil, ma gueule. C'est déjà un truc au moins. Ouais, c'est déjà mal. Mais il s'habille mal, il est gros. Mais il est pour rien, le pauvre. Et puis on dirait qu'il touille des frites dans ses vêtements. Oui. Ah non, vrai. Non, même pas. Si, parce que c'est gras, c'est ça ce qu'il veut dire, Thibaut. Non, écoute, Thibaut, je te souhaite une bonne soirée, ma gueule, je t'aimais bien jusque-là. Belle description, Thibaut, et tu mérites bien largement ton t-shirt Skyrock quand t'envoies à la maison, mon Thibaut. Je vous remercie. Merci à toi, Thibaut, et raccroche pas, puis bon courage pour ton truc. Et ouais, on parlait des copains, des copines, des mecs, des meufs qui sont bipolaires. Mais Sabrina, elle nous dit, elle a 28 ans, elle nous fait, ma voisine, elle est bipolaire. Quand elle est en crise, on peut pas dormir. Ah ouais, elle fait du bruit, elle fait des gueule. T'imagines? T'as l'hystérie. Ouais, mais bon, il faut la faire interner, hein. C'est fou. Non, mais attends, je suis désolé. C'était bon, la pauvre, c'est pas de sa faute, mais toi, t'es pas censé. Bah, c'est pas de ta faute non plus. Bah ouais, t'es pas censé supporter, tu sais, à un moment donné, t'as peut-être envie de dormir un moment dans ta vie, quoi. Et puis, si elle peut être touchée dans la vie. Non, mais il y en a, c'est ça. Je pense que, tu sais, il y a des. Quoi, pas forcément des bipolaires, mais des fous, tu sais, ils peuvent bousiller leur appart. Ouais, vous aviez pas vu un reportage, là, il y avait une bonne femme à la télé. Mm-hmm. Elle est, en fait, son voisin, a priori, c'était un barge, et elle expliquait. En fait, son voisin, la nuit, le mec arrachait les radiateurs du mur. Ah non, mais non. Putain, et pour les arracher, faut y aller, quoi. Et la meuf, elle expliquait qu'elle était montée. Le mec lui avait dit tout à fait normalement. Elle lui avait dit, mais monsieur, il est 4h du matin. Et il lui avait dit, non, vous inquiétez pas, j'arrache jusqu'à 5h, mais à 5h, j'arrête. Tout va bien. Mec, il a ses limites quand même. C'est pas, il est pas complètement ouf, lui. Et il était chez les keufs, et le keuf, il était là. Ah, effectivement, ouais. effectivement, c'est étrange. Mais t'as des stars aussi dans les hôtels, là, qui arrachent tout à chaque fois, là. Ouais, c'est vrai, ouais. On en est parlé un soir, là. Tu sais, ils pètent les plombs, il y en a pour 30 000 euros de réparation. C'est de réparation dans la chambre. Bah, il y avait Johnny Depp à l'époque avec Kate Moss, ils avaient bousillé une chambre d'hôtel, mais ils l'avaient déglingué. Non, mais eux, c'était pas la bipolarité, c'est qu'ils étaient C'était la droguité, là. La drogue et l'alcool. Bon, en tout cas, pour Alex, vous êtes plein à nous dire qu'il faut pas aller au repas d'anniversaire de ton gros compte cousin, il a qu'à te parler mieux. Et si toute la famille t'agresse, n'y va pas. C'est le bon conseil de Zidane sur SMS. Bonjour Zidane, il a 15 ans. Il est jeune, Zidane. Ah, c'est peut-être le fils. Tu vois, suis le conseil du fils Zizou, Alex. Invente un truc lundi matin au bahut, t'as révisé tout le week-end, t'es sérieux, t'es un mec bien. Ouais, mais tu sais, en fait, je crois qu'il a ça, parce qu'en fait, ça lui est déjà arrivé 2-3 fois de bousiller sa chambre, ça lui est arrivé, mais littéralement, il a bousillé. Et en plus, ce que je t'ai pas dit, après qu'il m'a insulté, il m'a glissé un coup de poing. Mais ah aussi, mais il est cool. Franchement, cool. Moi j'irai peut-être même dès ce soir au repas. Et je lui demanderai s'ils peuvent pas l'avancer un peu. Et je lui offrirai un beau cadeau. Mais oui. Un sac de boxe ou des gants de boxe. Non mais en plus, derrière il y a sa sœur qui rentre dans l'histoire alors qu'elle a rien à voir dans le truc. Et puis la mère qui te chope tout. Ouais. Laisse tomber. Même famille de cinglés ça. Si t'en parles à tes famille de cinglés. C'est vrai. Si t'en parles à tes parents, plus je suis sûr qu'ils sont d'accord avec nous. Tiens, nous courons Alex pour la suite là. Préparez-vous, c'est Skyrock, c'est Radio Libre et attention. Ah ouais, tiens, on va filer dans le Nord là pour parler des inondations du Nord. C'est aujourd'hui que ça s'est passé. Ah ouais. Et on va vous mettre toutes les photos, vous allez pouvoir les mater là, je vous les mets dans un instant. Il y a de la flotte, hein. Là il y a Lyonie là qui nous envoie une photo de ce clin. Ouais. Ah bah c'est bien mouillé. Hein. Ah ouais, c'est bien mouillé, c'est tout. Bah les routes c'est devenu des fleuves. Voilà, bon, les photos on vous les met, il y a pour 10h là, il est quoi? Il est 10h-5. Allez, à 10h vous aurez les photos sur tous les réseaux de Sky, j'en ai récupéré plein. Merci pour les messages que vous nous avez envoyés. On filera d'ailleurs dans le Nord pour prendre des nouvelles. Il y a Amélie qui nous appelle, qui a 21 ans. Bonjour ouais. Amélie. Salut Amélie. Salut Amélie. Coucou. Ah salut Amélie, comment tu vas-tu? Ça va et vous? Ah ça va bien. Ça mouille. Ah c'est le bras, c'est le bras. Ça drache. Ah ouais, c'est le bras, ouais. Bon, tu vas nous raconter ce que t'as vu. A priori, c'était assez impressionnant. Ah ça a draché. Hein. Tout inondé chez moi, nous dit Julien là sur SMS qui nous écrit du Nord. T'as pas dit ta ville, mais enfin t'es dans le 59. Tout inondé chez moi. Ah, je vous envoie des photos. Bah tiens, envoie-nous des photos. On récupère ça et puis on en reparle avec toi, Amélie. T'es dans quelle ville toi exactement? Moi, je suis dans Vendat-le-Vaille, mais bon, c'est sur les côtés. Vendat-le-Vaille. Sur le côté d'Ouvrain, Vingle. Toutes les villes, elles se terminent en 1. Ah, on a bien reconnu d'où t'habiter. Ouais. Ne bouge pas, Amélie, on est de retour avec toi. Là. C'est dans le 62. Ah, tout de suite. Pour ceux qui ne savent pas. Et dans un instant, vous tous et vous toutes en direct, si vous avez besoin de nous, vous nous passez un coup de fil, vous débarquez ici. On vous retrouve évidemment avant minuit. Puis n'oubliez pas la traduction des bugs tout à l'heure. Tous les matins, les plus grosses stars sont dans le Morning de Default sur Skyrock. C'est Soprano Baba. Gilbert Simpson, vous êtes qui vous? Yeah, c'est Black M. Bonjour, c'est Zlatan. Pascal, c'était mon vrai prénom. Et ouais, c'est Pascal le grand frère qui va remettre de l'ordre chez les familles. Il file chez Nicolas ce matin. Il est énervé, Pascal le grand frère. C'est qui? Pascal, c'était mon vrai prénom. Pascal, imagine, c'est lui. C'est vrai qu'il y a une époque, on m'appelait le grand frère. Moi, je reconnais pas votre voix. Je regarde votre émission tout le temps. Si c'est vraiment vous, je reconnais pas du tout votre voix. C'est lui. Tu crois que ça me fait plaisir ce que je te fais là? Non mais c'est lui. Elle est fan. Mais c'est lui. Écoutez-moi, tu vois bien que c'est du n'importe quoi. Comment il a su qu'il y avait des problèmes entre toi et moi? Ah bah ouais, hein, comment il a su? Le réveil de Star, c'est à 6h10, 7h50, 8h50 dans le Morning de Default sur Skyrock. The Morning Show. Le nouvel album de DJ Case est déjà disponible avec Gradure, Franco, Mr. You, Screech et aussi Caris, Keina Samet, Souf, MRC et la participation des Dégains. DJ Case à écouter dès maintenant sur Apple Music. Je venais de passer le permis, j'avais plus une thune. Pour me payer une pièce, il m'en restait plus une. Une pièce pour la vidange, s'il vous plaît. Elle l'a déjà bien roulée, même si elle fait pas son âge. Tous les 200-300 bornes, j'ai rencard au garage. Merci. Jeune conducteur, permis de malheur. Fini la galère. Avec les avantages jeuneconducteur.s, profitez de 30% de remise sur votre première révision et de moins 15% sur les produits .s. Pas de stress, y'a .s. Voir conditions sur .s.fr. Skyrock, c'est déjà le milieu de l'année, l'heure des premiers bilans. Moment, au 71-777. Nos astrologues vous guident dans vos démarches futures. Moment, M-O-M-E-N-T, au 71-777. Des réponses précises sur ce que les astres vous réservent pour la suite de l'année. Moment, au 71-777. 65 centimes plus prix du SMS DGP. Ce temps chez Renault, la French Touch présente ses plus grands hits. Clio en tête des classements avec son design. Mais son truc à elle, c'est la techno, son système multimédia Airlink avec écran tactile et sa caméra de recul. En juin, la série limitée Renault Clio Trend est à partir de 10 990 euros sous condition de reprise. Portes ouvertes ce week-end.

Ouais, ma gueule. Ouais, ta gueule. Difool. Je sais rien faire avec mes mains. Cédric. Je me suis mangé un mur. Ah, putain. Marie. Par ta gueule. Samy. À chaque fois, on prend des buts à la fin. Momo. Son port est trompeur. Et Karim. Ma chambre, j'ai un lit, j'ai mis un petit canapé, une place, en fait. Difool Radio Libre. Tous les soirs, 21h minuit sur Skyrock. Et ouais, c'est nous, Radio Libre en direct, 01 53 40 30 20. On retrouvera Pamela avant minuit. Pamela qui veut faire une petite expérience. Je sais pas, je pense qu'on va nous les déteindre dessus. Elle veut lancer son téléachat comme elle avait fait l'autre matin dans le morning. Oui. Bonjour Pamela, bienvenue à toi, bienvenue sur Skyrock, ma chérie. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, je te Salut. Présente l'équipe. Hein, tu vois, il y a la Marie. Ah bah, je la connais, gros bisous, Marie. Coucou, copine. Samy aussi qui est là. Salut, Samy. Salut, beauté. Allez, l'OM. Hein. Ah, je t'aime, Pamela. Salut, Karim, allez, Paris. Ouais, Cédric, merci, Cédric aussi est là. Je suis là, ma Salut, chérie. Foule. Salut, Salut, Pamela. Salut, Foule, allez, Saint-Etienne. Eh, hey, Pamela, je suis là. Qu'est-ce qui t'arrive avec ton bras? C'est une tendinite. Tu veux que je te masse? Non, ça va aller. Pas je pourrais te pousser ma chatte sur les poules. Ah, non, dégueulasse. Ah, alors là, je vais réfléchir quand même un petit peu. Remarque, c'est chaud, il faut du chaud. Réfléchis, hein. Je réfléchis. Ça va, Pamela? Ça peut me plaire. Ça, c'est bizarre, elle m'entend pas, moi. Oui. Je crois qu'elle m'entend pas. Hein. Bah, c'est bizarre, je sais pas. Pamela, je suis là. Coucou, tintin, tintin, tintin. Qu'est-ce que c'est que ce machin là? C'est Cédric qui danse pour te faire remarquer. Oui, ah bah tiens. Je suis là, ma chérie. Ah bah c'est bien. Ah ça bah, va c'est... Quoi, c'est bien. C'est bien dommage que tu sois là. Donc, toi, hier soir, j'ai gagné les clashs de la drague, ma belle. Non, hier soir, j'étais en train de me faire sauter. Ah bah écoute, je te le dis, j'ai gagné les clashs de la drague une fois de plus hier soir. Non, mais je coupe la radio quand Cédric parle. J'ai entendu Romano, c'était pas mal, dommage. Eh ouais, je sais bien, Pamela, mais bon, écoute, demain. Eh ouais, j'ai gagné, Pamela. Le téléachat de Pamela, tiens. On récupère des numéros, on appelle dans un instant, tu vas nous faire de la vente par téléphone. Si oui. vous êtes d'ailleurs emmerdé par des gens au téléphone qui veulent vous vendre des trucs toute la journée, n'hésitez pas à nous dire, on peut en reparler, hein. C'est sur le 41759, l'appli Skyrock. Je raccroche, hein. Vous nous laissez vos messages et vous ça, dites ce que pas vous en pensez. Marie. Marie, elle a une super technique. Ouais, tu raccroches. Mais je décroche pas, moi. Ouais. Mais sinon, il y a un nouveau truc là, qui a mis en place le numéro, la Bloctel. Bloctel, ouais, on en parlait l'autre matin dans le morning. Ouais, c'est vrai. En fait, c'est un service si vous êtes emmerdé au téléphone par des mecs qui veulent vous vendre tout et n'importe quoi. Bah, tiens, écoutez bien. Vous allez sur le site, alors attention, l'adresse est simple, c'est celle du gouvernement. Oui. C'est quoi Bloctel avec un C, je crois. Oui, c'est ça. Bloctel.gouv.fr. Bien joué, Romano. Ouais, c'est ça. Et vous rentrez votre numéro de téléphone, et en gros, les sociétés, elles n'ont plus le droit de vous appeler, sinon elles risquent une amende. 310 000 euros. Ouais, ouais ça, c'est bon à savoir. Je dirais même 75 000. Ouais, et ça, c'est. Ah, c'est bien cher. C'est bien cher. Ouais. Bon, alors, nous, on va donc faire le téléachat de Pamela tout à l'heure. Vous allez voir de quoi il s'agit. On fait la traduction des bugs de Romano ouais, aussi. Ouais, avec des cadeaux à gagner. Ça, c'est marrant, ça. C'est... Ah bah, tiens, même Cédric, il est content. Ah ouais. La traduction des bugs de Romano à retrouver tout à l'heure. Et puis, évidemment, vous tous et vous toutes en direct de toute la France. Les inondations dans le Nord, on était avec Amélie. Les photos, elles sont sur tous les réseaux de Skyrock. Vous allez ouais, mater. Ça y est. Et puis, les photos, vous nous en envoyez encore. Il y a Eisenberg, là, qui vient nous envoyer un message il y a 18 ans dans le Nord. Oh, mais on a l'impression qu'il y a un fleuve dans les rues, c'est un truc. Non, mais fou. Puis il y a l'air d'avoir une sacrée hauteur par rapport à la baraque au ouais. fond, là. J'avoue, c'est un fleuve. Ah ouais, c'est un fleuve dans le. Je vous dis, un fleuve ça, à la place de. À Douai, on sort les jet skis. À Douai, c'est ça, putain. Et donc, toi, Amélie, t'es dans le 62, pas très loin de Douai aussi. Oui. Et t'as vu quoi, toi, cet après-midi? Donc, gros orage, c'est ça? Des pompiers, des grosses inondations, jusque dans les maisons, jusqu'aux genoux. Ah ouais ouais c'est, donc c'est un peu ce qu'on voit de l'eau jusqu'aux genoux. Et t'as une voiture toi? Oui. Et ta voiture non elle a rien? Bah il y a plein de caisses. Bah, ah, c'est devenu une barque. J'évite un peu de rouler. J'étais sur près de Teclin mais moi j'étais en train de travailler donc du coup je pouvais pas bouger. Ah bah oui j'imagine. Mais ah bah, après ça a été quoi. Bon, mais genre la flotte elle est montée vite. C'est-à-dire qu'il y a eu l'orage. Ah bah oui en 5 minutes de temps dans les maisons je veux dire ça c'est. Ça allait super vite. Ouais, gros orage. On vous l'avait annoncé en plus ce matin. On avait dit hein, dans les infos ce matin, on vous avait annoncé gros orage sur le Nord. On s'est pas trompé, malheureusement. On va aller au bac en kayak dans le Nord, nous dit Gauthier. Mais ouais. C'est bien. En espérant que ça soit pas annulé dans certains bahuts s'ils ont pris la flotte. Prenez l'option kayak pour le Nord de la en France. En plus, je suis sûr que ça existe. Ça. L'option kayak, oh ouais, c'est sport, possible. C'est obligé. Ouais, il y a des moyens. Il y a baby foot, il y a surf. Pétanque. Massy, elle a 16 ans et elle est inondée. Elle nous laisse un message. Je suis inondée. Salut Massy. Et si fait, ça continue comme ça, à pleuvoir et qu'il y a le bac, ils font comment? Ils vont l'annuler et les mecs, ils le passent quand? Ils le repoussent. Bah ouais. Quand? Quand il n'y aura plus d'eau. Bah c'est ça. Non, sinon, il y a toujours une session de rattrapage début septembre. Ah bah t'es content. Ça te bousille les vacances. Moi, il me l'avait proposé, j'ai refusé. Pourquoi? Bah parce que en fait bon l'année de mes 18 ans je suis mort quelques minutes à cause d'une crise d'asthme. Oui. Et en fait vu que j'avais manqué pas mal. Romano a testé l'au-delà. Oui, bon j'ai pas vu grand-chose hein. Ça a pas de lumière moi, j'ai resté là encore un peu du coup. Et le truc qu'il y a c'est que moi vu que j'avais manqué peut-être 2-3 mois le bahut, il m'avait dit ouais, si tu veux le bac au lieu de le passer fin juin, tu le passes je crois que c'était fin août début septembre. Comme ceux qui passent le rattrapage. Non, le rattrapage c'est début juillet. Ah ouais. Ah bah c'est direct, ça n'a rien à voir. Oui, ben ça se voit. Et du coup, moi j'avais dit non, moi je vais le passer fin juin parce que je me suis dit, ouais, laisse tomber, ça va me niquer mon été, il va falloir que je révise. Je préfère le rater direct. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Eh bien, il l'a raté direct. J'ai rempli le. Tu t'es tenu à ton plan. Non, mais c'est vrai. L'objectif a été atteint. Bon, ben, on te souhaite bon courage, en tout cas, Amélie. Puis bon courage à vous tous qui êtes dans le Nord. Il y a des voitures qui flottent sur l'eau aussi. C'est Céline qui nous envoie un message. C'est impressionnant. Céline PSG, elle a 18 ans. Salut à toi, Céline du PSG. On te salue. Tiens, pour toi, tiens, petite dédicace. Pour te faire plaisir, Céline PSG. Mais il y a quasiment un mètre de flotte parce que tu sais, les bites là qu'il y a sur les bords de trottoir là. Oui, je m'assieds dessus, j'adore. Ouais, dis donc, t'es gourmande, Marie. Les bites en béton. J'aime également les bites d'amarrage. Non, les bites en fer là, les hautes. Ah ouais, d'accord, ok. On les voit quasiment plus dans la rue, donc ça mesure au moins un mètre ces trucs. Hein. Ah ouais, ouais, c'est bah impressionnant. Oui. Impressionnant. Bon, alors. Bon courage en tout cas. Ouais, bon courage à vous, Sabrina. Bah, on te remercie. Ça va là chez toi? T'es pas inondée à la maison? Sabrina. Amélie, pourquoi je t'appelle Sabrina? Amélie. T'es pas inondée chez toi? J'ai des messages de Sabrina. Non, bah moi j'habite juste en face d'un canal, donc j'ai eu un peu peur. Parce que ouais, bah tu m'étonnes. Ouais. Ma rue. Et mais non, ça va. Mon père après est tombé en panne avec son espace. Elle va plus. Ah bah ouais. Et l'eau, c'est pas avec très bon. Franchement, ouais, pas ça très bon bien pour les voitures. Non. Dans ça avec de l'eau, je n'en bois jamais. Bien vu, Marie. C'est une horreur. Si encore heureux. Mieux vaut boire de l'essence au pire. Voilà. Carbure au gasoil en c'est ce moment. Con. Mais jamais d'eau. Jamais. Ouais, bah, au moins. C'est juste quand se rote. Bon, c'est désagréable, mais ça va. bon courage, Amélie, en tout cas. Et les inondations, c'est où? On nous dit, alors aujourd'hui, enfin, depuis la fin de l'après-midi, il y a eu gros orages dans le nord de la France. Et a priori, il y a eu un décès. Hein. Et après, il y a d'autres messages. Noyé dans sa voiture. Ouais, c'est ça, ouais. Noyé dans sa voiture, sa clôt, elle arrive tellement vite, comme tu nous disais, c'est monté en 5 minutes, Amélie. Ça arrive tellement vite que que t'es noyé oui, dans la voiture. Bah, tu sais, on n'a pas le temps de voir clair, quoi. Mais moi, j'y pensais, moi, tu sais, j'ai déjà pensé au pire. Oui, Romano se pensait au pire. Il est sur un trottoir, il pleut, il trébuche, il tombe dans le caniveau. Et là, comme il est tout petit, il se noie comme ça, au bouillon. Et un peu, il va dans les aiguilles. Non, mais dans une bagnole, c'est vrai que l'eau, elle monte. Déjà, tu peux plus ouvrir les portières avec la force de la flotte. Oui. Tu sors par la fenêtre. Mais l'eau, elle rentre dans les fenêtres. C'est ouais, si l'eau rentre, il y a du courant et tout. Tiens, à mon avis. Ouais, tu peux pas sortir. 30 cm d'eau en 20 minutes chez moi, nous dit Jess. C'est chaud. Jess, 30 cm. Non, alors, a priori, il y a une solution. Je crois que c'était De Chavannes qui l'avait donné. Celui-là, il a failli se noyer, je crois. Si je dis pas de conneries, dans un accident de bagnole. Ah ouais. Et ce qui a sauvé la vie, c'est qu'en fait, le mec sur son siège, il s'est mis sur le siège passager. Et avec les pieds, il a donné un gros coup de latte dans le pare-brise. Il l'a pété. Et il a réussi à le péter. Et il a réussi à sortir comme ça de sa bagnole. Eh ben, c'est un truc de ouf, hein, parce que c'est dur à péter ça. Bah, a priori, le mec, il a réussi. Je crois, si je dis pas de conneries, ou alors j'ai peut-être rêvé. parce que c'est balèze. Elle était bizarre ton rêve quand même. Ouais, c'est bizarre, ouais. Tiens, et puis alors, pour couronner le tout, c'est Matt Beau. Lui, il est pas dans le Nord, mais il est en Moselle. Il a 19 ans, il fait pas loin de chez moi. Il y a eu un incendie à cause de l'orage. Et ben voilà. Bah, la foudre, non? Cette année, ils nous feront pas chier avec la sécheresse. D'ailleurs, c'est dur à dire. Sécheresse. C'est bien qu'il y en ait pas cette année. Sécheresse. La sécheresse. Ouais, ça veut rien dire. On va savoir. Allez, derrière, tu te prends une petite canicule. Il manquera plus que ça, tiens. Ah, putain. Bon, alors, merci en tout cas, Amélie. Gros bisous. Gros bisous à toi. On t'envoie le t-shirt Skyrock. Salut, Amélie. Bon merci beaucoup. Merci à toi. Gros bisous. Bisous à toi. On va retrouver Mathieu, là, dans un instant. Et puis du son aussi à écouter d'ici tout à l'heure. Il y en a qui nous l'ont demandé. Eh bien, on va vous faire plaisir avec le nouveau Soprano, le diable s'habille plus en Prada. Le diable s'habille plus en Prada. Son que vous avez découvert hier soir avec Sopra dans l'émission. Il fera le Vélodrome Sopra en 2017. On l'a annoncé hier aussi dans la Radio Libre. Soprano a retrouvé avant 11h. Le diable s'habille plus en Prada. On aura également du MHD. Super MHD. Wow, et un petit panda aussi. I get broads in Atlanta, chasing the business, sipping fountain, credit Panda designer. On vous allez refaire les BET, la cérémonie du 29, les BET Awards, la cérémonie du 29 qui passera à la télé d'ailleurs. C'est ça, ouais. À Los Angeles, on vous l'a offert hier soir et il sera là, designer. Et on aura un petit Fifth Harmony aussi. Entre autres, tout ça avant minuit. C'est sur Skyrock que ça se passe. Rick. Work from home, ça veut dire travailler à la maison. Et on salue d'ailleurs tous ceux qui bossent actuellement. Ouais, bon courage. Bon courage à vous et profitez bien de la soirée pour vous détendre avec Sky, avec le son, avec vous tous et vous toutes en direct. Et avec toute l'équipe et Mathieu aussi qui est au téléphone avec nous en direct d'Angers. Salut Mathieu. Allô. Ouais Mathieu. Ça va. Salut, mec. Ça va, bienvenue à toi. T'es rangé, toi, Mathieu? T'as pas d'inondation, tout va bien rangé? Non, chez nous, non, il n'y a pas d'inondation. Juste deux secondes par rapport à ça, il y a plusieurs messages, on nous dit quand une voiture elle est sous l'eau, pour casser les vitres, faut enlever les appuie-têtes et il y a deux tiges en fer et tu pètes la vitre avec ça. C'est vrai, c'est pas con. Il y a plein de personnes qui disent ça, ça doit être connu alors. Pas con comme idée, dis donc. Ouais. Démonter l'appuie-tête, des bouchats de Nantes qui nous laissent le message par exemple. Et c'est vrai, il y a eu plein d'autres aussi. Regardez, il y a Timo qui nous a laissé exactement la même chose. Tu casses la vitre avec ton appuie-tête. Fire Frenchie, si on se retrouve coincé dans une voiture sous l'eau, faut utiliser les appuie-têtes pour péter les vitres. Vous êtes intelligents, les auditeurs. C'est pas con ça. Mais oui, en même temps, moi je vais éviter de me retrouver sous l'eau avec ma bagnole. Ouais, vaut mieux. Mais on ne sait jamais, Romano, si tu as bagnole décide faire sous-marin. Ouais, on sait jamais, ouais. Pourquoi pas, ouais. Bah ouais. Donc toi, tu veux nous parler de ta baraque, Mathieu, c'est ça? Ouais, c'est un peu la misère. Bon, la baraque, merde. Elle est toute pourrie. Envoyez-nous des photos de chez vous, tiens. Si vous avez un truc... des photos de vos chambres, j'aime bien voir vos chambres, moi. Ouais, c'est vrai, c'est rigolo. Donc vous nous envoyez des photos de vous ou de votre chambre, tout simplement. Vous nous faites un petit selfie dans la chambre ou une petite photo de la chambre et on va mater un petit peu tout ça. C'était décoré comment quand t'étais petit, Romano? Enfin, quand t'étais petit. Quand tu étais plus jeune, parce que ouais, tu es toujours petit. Oui, ça, la taille n'est pas venue. La taille n'est pas venue, ça, c'est clair. Donc, quand tu avais des photos de la gothique en poster? Non, pas du tout. T'avais pas de photos de la gothique en poster? Non, j'avais des photos avec des potes. Ouais, avec des potes, ouais. J'avais une collection de verres de bière. Ouais. Ah ouais. Que je piquais dans les bars. Ouais. J'avais mon ordinateur. J'étais sur mon bureau, mon lit, chambre classique, quoi. Moi, j'avais des posters de rap. Moi. Ah, moi, j'avais plein de posters. Ah, qui ouais, en posters ouais. Braché, j'avais les artistes que. Est-ce que t'avais le prince du hip-hop? Non, j'avais pas. Ah, bizarre, c'est bizarre. Il y avait des photos de toi dans sa chambre. Non, mais j'avais des posters, c'est de ce qui passait en ce moment à Skyrock, sur Skyrock en plus. Non, moi j'avais pas de chambre. J'écoutais ce que j'aimais. j'avais pas de chambre. Ouais, c'est dans la rue, toi. Karim, il a pas de chambre. J'en dans le salon, moi, avec mon ref. Parce qu'on était trop à la baraque et toutes les chambres étaient prises. Vous êtes combien? Vous êtes 14 à la maison, vous? Moi? Oui, bah. Ah oui. Ouais, on était à un moment, on était plus que 14, même, on était 17, je crois. Ah ouais, tu m'étonnes, il n'y a pas de chambre. Ah ouais, il n'y a pas de chambre. Ça, et là, c'est que dernièrement que j'ai réussi à avoir une chambre à négocier avec ma grand-mère. Et toi, qu'est-ce qu'elle a à ta maison, toi, Mathieu? Chez toi? Bah, du coup, c'est une vieille baraque. Ouais. Et financièrement, on n'y arrive pas, les travaux, tout ça, c'est la merde, quoi, ça part en couille. Il faut faire comme Romano, lui, il les fait tout seul, les travaux. Ouais, mais c'est galère. Bah. Hein. Bah ouais, mais bon, tu. Ouais, ben bah, putain, non, franchement, moi, mon ancien appart, là, l'appart d'avant, je l'ai tout refait moi-même. Mmh. Mais c'est une vraie galère. Franchement, ouais, c'est clair. Ouais. Franchement, je l'en ferais plus. Hein. Monsieur Bricolage, on t'appelle dans le. Ah non, ça m'a quartier. Tué. Mais déjà, moi, tu sais, je faisais les travaux entre les deux émissions. Hein. Ah ouais, mais t'es un ouf, toi. Ouais, tu sais, je finissais le boarding et j'allais casser du carrelage. Oh là, c'est le bordel. C'est le bordel chez Willouche, là. Willouche, 18 ans, qui nous envoie une photo de sa chambre. Ah ouais, il y a des cahiers par terre, des feuilles, c'est un foutoir là-dedans. Et aussi surprenant que ça puisse paraître, le joint du cendrier, qui a 15 ans, qui nous envoie une photo de sa chambre. C'est bien rangé. Hein. C'est bien rangé, c'est bien propre, le lit est bien fait. Ouais. Ah ouais, j'avoue. T'as Ah non, le lit est mal fait. La couette est mal tendue. Ouais, c'est pas tiré par contre. Ah non, moi je suis chiante avec ça. Il faut que je. Quoi, c'est ma meuf qui le fait, mais je veux que ça soit bien fait. Ah ouais, ça me fait chier. Sinon, elle a la fessée. Ouais, comme mon mec s'assied sur la couette, alors que je vais le faire, ça m'énerve. Moi, c'est le chien qui fait pour faire chier Carriole. Il saute sur le lit, il se roule dans la couette. Vous êtes des relous. Bah ouais, mais moi j'aime bien quand c'est bien fait. Ah bah tu sais que même pendant les vacances, je fais toujours le lit. Ouais, pareil. Ah, je déteste. C'est touché que le lit soit. Non, mais même je trouve ça dégueu, tu sais, de regarder. Un lit même mal fait, visuellement, ouais. C'est truc de taré. Hein, ouais. Le décor. Ah bah écoute, je suis content, c'est pas le seul. On est trois dingues. C'est clair. Ils sont complètement malades. Hein. Hey, attends, t'entends ça, Mathieu, ils ont un petit pli sur leur lit, ils font une crise de nerfs. Mais t'as vu dans quel état ils sont? S'ils verraient l'état de ma maison, ils courraient vite, je pense. Bon, alors, tu vas nous envoyer des photos de ta maison. On va montrer d'ici quelques instants au spécialiste Romano lui-même. Juste une question pour savoir comment est Cédric par rapport à Difool. Cédric, tu fais ton lit, toi? Non, pas tous les jours. Comme toi, Difool. C'est pareil. Non, mais je vais vous dire un truc. Si vous faites votre lit juste après vous être réveillé, c'est dégueulasse parce que t'as les bactéries qui se multiplient, la transpiration qui s'évacue pas. Non, mais faut l'ouvrir, Et donc, le lit, il faut pas le faire tout de suite. Non, mais bien sûr. Oui, ça, c'est logique. Ah mais tu l'aères une fois que t'as aéré. Moi par exemple. Ah ça dépend. Nous quand on se barre le matin pour faire le morning, à ce moment-là on ouvre et dans la matinée elle fait le lit. Je lui dis va faire le lit. La boniche. Ah non mais j'y crois pas. Et l'autre. Va faire le lit pendant ce temps. Je vais boire une bière. À 10h du mat. Tiens, on va imprimer les photos que vous nous envoyez là. On va élire la plus belle chambre de la soirée. Tiens, vous nous envoyez ça et au 41 non sur l'appli Skyrock. L'appli Skyrock, vous nous envoyez votre chambre. Et toi tu nous envoies aussi les photos. On va mater ça avec toi Mathieu. Mathieu, d'ici quelques instants, on va faire un état des lieux, t'inquiète, on va te retaper la baraque. Juste le temps de faire notre téléachat de Pamela de ce soir. Bonsoir. Bonsoir Pamela, tu veux nous présenter un magnifique objet ce soir. Oui. Et on va donc passer un petit coup de fil aux familles de France. Vous comprenez? Il faut des familles. Voilà, il faut des familles. Et c'est donc parti. Voici donc, belle gosse Pamela. Tu as la radio tout à toi ce soir. Oui, Skyrock Télé-Achat, bonsoir. Bonsoir, Pamela. Oui, Pamela, bonsoir. Je me présente, Pamela. Oui. Et je viens ce soir avec un magnifique objet que je vous ai déjà présenté. Oui. En fin de semaine dernière, dans le morning de Skyrock, c'est le magnifique rouge à lèvres en forme de gland. De gland. Ouais, c'est ça. Non, en forme de gland, ouais. Marie. En forme de gland. Voilà, en forme de bite. Ouais, alors, ça. Vous avez différentes tailles, différents coloris, différents parfums. Oui. Et tout ça pour la modique somme. Bon, sur internet, c'est 15 euros les 12. Moi, ah, c'est pas cher. Hein. Ah bon? Pour du rouge à lèvres, 15 euros les 12. Ah ouais, ouais. Il est disponible sur Amazon. Ouais, j'ai vu ça. Et je vais le faire un peu plus cher, moi. Mais là, le rouge à lèvres qui dégueule sur ton visage, Pamela, c'est le rouge à lèvres bit. Exactement, oui. Ah. Gland. Le rouge à lèvres gland. Gland, très rose, comme vous avez pu le remarquer. Ah, c'est rose fluo, oui. Oui, oui, oui. Oui. Ça flash. C'est gros, c'est un gland très très rose. Hein. Ah, il est très très rose. On dirait même un gland un peu irrité. Un petit peu, oui. Donc le téléachat de Pamela, on va donc tout de suite appeler des familles un peu dans toute la France, Pamela, et tu vas vendre ton objet. C'est Fabrice qu'on appelle. Et si vous avez, je sais pas, votre daronne qui est accro au téléachat, appelez-la, dites-lui de se brancher sur Skyrock. On fait un téléachat spécial ce soir, le téléachat de Pamela. Allô, Michel. Allô, Michel. Allô. Oui, bonsoir, c'est Michel. Oui. Oui, bonsoir, comment vas-tu? Oui, qui c'est, je me présente, Pamela du téléachat télé-shopping. Bonjour, je suis avec Pamela, je suis le présentateur Gérard du téléachat. Et j'avais un magnifique objet à proposer à votre épouse. On en parlait des gens qui appellent pour faire chier les autres. C'est nous. Bon, ben là, on est en plein dedans, là. On est en plein dedans, ouais. Voilà, sur le coup, c'est nous. On appelle Jacques. Donc ça existe vraiment comme objet, on nous dit. Ouais, ouais. Vous pouvez le voir sur les réseaux sociaux. Je l'ai vu aussi, le Kev, là. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Pamela l'appareil. Je travaille pour le téléachat télé-shopping et je voulais te proposer un magnifique rouge à lèvres en forme de gland de sexe. Non mais dites donc, vous vous rendez pas compte? Mais c'est un super objet, ça vient de sortir. Hein. Non mais pour me proposer des objets qui ne m'intéressent absolument pas et me déranger à cette heure-ci. Ah bah c'est quelqu'un qui nous a laissé votre numéro sur internet qui nous a dit que vous étiez très intéressé. Oh. Ah mais... bah oui. Parce qu'on a différentes tailles et différentes couleurs. Hein. Non, mais écoutez, vraiment, il y a d'exagération. Si je pouvais apporter plainte, je le ferais. Un magnifique gland qui vous caresse les lèvres. Mais... Ça vient des États-Unis. Oui, écoutez... C'est sensuel. Vous avez un numéro secret, déranger les gens pour des... Ah non, on n'est pas secret, des choses... Des choses qui sont complètement absurdes. C'est TF1, hein. Ah mais non, pas du tout. On n'est pas secret. Hein. C'est le télé-shopping de TF1. Je voulais vous proposer le magnifique gland. Oui. Alors je voudrais bien savoir qui est-ce qui a donné mon numéro. Alors François Hollande. Je sais pas, quelqu'un qui s'appelle François Hollande qui nous a laissé votre numéro. Exactement, c'est lui. Oui, bah pour vous. Si vous êtes des cons, des imbéciles, tout ce qu'on veut. Allô? Ah bah c'était nous. Eh bien Pamela, ton magnifique objet. Le téléachat, l'objet du jour. On peut le dire mon cher Gérard. Nous avons eu beaucoup de succès. Oui. Alors, des imbéciles. Est-ce qu'éventuellement nous pourrions avoir un autre client ou cliente, s'il vous plaît? Mais bien sûr, mais bien sûr. Je fais appel du côté du standard du téléshopping. Mais le standard explose au téléshopping. Vous en voulez tous ce magnifique objet. Magnifique, magnifique. Profitez-en. Rouge à lèvres. Ah ouais. C'est l'offre exceptionnelle de ce soir. Mignon, ça n'aura sans doute pas pour tout le monde. Non, vous avez vu, ça part très vite. Hein. Ça part très vite. Énormément de succès dans toute la France. C'est le carton, on peut le dire. Mon cher Gérard, oui. Comme disent les jeunes, ça buzz. Ça buzz, je crois qu'on dit pas mal. Ça buzz. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonsoir, c'est Bernard. Oui. Oui, bonsoir, comment allez-vous? Et qui c'est à l'appareil? Eh bien, c'est Pamela et Gérard du Téléshopping. Nous sommes en direct sur le plateau. Bonjour à toi. Je suis Gérard, je suis avec Pamela du Téléshopping. Salut. Vous avez une femme? Allô? Ah, salut. Ah, mais merde. Ah, bah, lui, dit au revoir. Lui, il était content. Ah, oui, ça marche pour le bonjour et le au revoir, le salut. Le petit coup de fil, ça fait plaisir quand même. Ah, bah oui, ça lui a rendu le petit sourire aux lèvres. Et ouais, un magnifique objet. Si vous avez d'autres objets comme ça que Pamela pourrait vendre le soir, vous n'hésitez pas à nous les envoyer. Pamela peut, dans son télé-shopping, en direct sur Skyrock, en vendre. Mais dans toute la France, vous avez vu, ça part bien. Il y a un autre truc qui est pas mal, j'ai vu, là, il y a une ligne de bijoux, tu sais, tu peux avoir une bite en pendentif pour les filles. Ça, c'est la classe. Une bite? Ouais, ah, les filles. Bien, imaginez-vous, cet été, je sais pas, en soirée. À ce gag autour du cou. Avec une grosse bite. Mais remarque, Cédric a bien un gland.

Putting them hours, I'ma make it harder. I'm sending pic after picture, I'ma get you fired. I know you're always on the night shift, but I can't stand these nights alone. And I don't need no explanation, 'cause baby you're the boss at home. You don't gotta go to work, but you gotta go to work. You don't gotta go to work. Let my body do the work. We can work tomorrow. Oh, oh, oh. We can work tomorrow. Oh, oh, oh. Let's put it into motion. I'ma give you a promotion. I'll make it feel like a vacay. Turn the bed into an ocean. We don't need nobody. I just need your body. Nothing but sheets in between us. Ain't no getting off early. I know you're always on the night shift, but I can't stand these nights alone. And I don't need no explanation, 'cause baby make it clap, no hands for me. Take it to the ground, pick it up for me. Look back at it all, I'm for me. Put it right like my time, she ride it like a 63. I'ma buy a new Celine. Let her ride in the foreign with me. Ooh, she the babe, I'm her boo. And she down to break the rules. Ride it down, she gon' go. I'm gon' juice, she finesse. I fight both, she take that. Put in overtime on your body. You ain't gotta go to work, work, no. Work, but you gotta do it. Fomom sur Skyrock, on écoutait le son des Fifth Harmony. Come on! 21h minuit, la radio libre de Tifoul, seulement sur Skyrock. Tiens, alors on nous demande où est-ce qu'on peut trouver le rouge à lèvres à gland, c'est pour offrir à une copine pour son cadeau d'anniversaire. Non, bah, sur Amazon. C'est une bonne idée, on vous a dit Amazon, tu peux aller sur Amazon. Bon, je pense ailleurs, attends, je vais vous dire le nom du produit exact. Voilà, c'est le gland en forme de bite qui a été vendu, hein, il y a un instant, un succès énorme dans l'émission. On tient d'ailleurs à remercier les familles qui ont participé et qui vont acheter ce magnifique objet. Tiens, j'ai Matar qui nous laisse un message qui nous dit, Tifoul, tu crois pas si bien dire, ma mère était fan du téléachat, elle achetait plein de trucs jusqu'au jour où elle s'est fait escroquer. Ah oui, ça c'est pas de chance, c'est ça l'a calmé. Eh bien écoute, Matar, une bonne nouvelle, des darons qui sont fans du télé-shopping et qui regardent ça. Ça fait super longtemps que j'ai pas regardé, mais en plus, à un moment donné, ça m'arrivait de tomber dessus, tu vois. Mais ce qu'ils vendaient, c'était super cher par rapport au prix normal. C'est clair, c'est de la merde en plus, souvent. Ouais, souvent, c'est des vieux modèles, mais en fait, qui te vendent au prix d'une offre. Et ils vont croire que c'est une promo. En fait. Une offre exceptionnelle, il n'en reste plus que 100. Mais vous avez remarqué, il reste toujours 100. Je crois que le truc qui cartonne, c'est les trucs d'amaigrissement. Ah bah ouais. Surtout, c'est la période en plus pour maigrir. C'est certain. Bon, tous les trucs de sport et tout. Tu viens tellement de bien parler qu'on va pas tarder à faire la traduction des bugs et à vous offrir vos maillots de foot, de rugby, de tous les clubs que vous voulez ou de toutes les équipes nationales que vous voulez. L'Euro arrive. Maillot à gagner, puis jeu au choix aussi à choper. On fera la traduction des bugs. Préparez-vous. On va jouer ensemble tout à l'heure sur Sky. J'ai les photos de la maison de Mathieu et les conseils que tu vas pouvoir donner, Romano, puisque tu es quand même le spécialiste décoration de la maison. Puis j'attends également, il faut se dépêcher, Romain, t'es lent, il faut nous envoyer les photos là, Romain, des réseaux sociaux. sociaux, on a reçu, tu vas me dire, il croule sous des milliers de photos. Ouais, c'est ça. Les photos de vos chambres. Donc, c'est vrai qu'il doit galérer un peu. Les photos des chambres, on va y lire la plus belle chambre de la soirée. Merci pour tous les messages que vous nous envoyez depuis tout à l'heure. Vous avez de très très belles chambres. En général, ouais, je trouve ça plutôt pas mal chez vous. C'est pas mal. Ouais, ça va, ouais. Moi, je sais pas toutes vues, mais ce que j'ai vu, ça va. Ouais, c'est parfois un peu bordélique chez certains, mais ça va, ça va. Non, mais tu vois, genre, par exemple, Blue. Ouais, Blue. Ta chambre est classique, mais ça va. Ouais, là, c'est un peu plus le bordel chez Max. Mais, ouais, petite étagère et tout, ça va. Ça va, t'as des petites étagères, des petites télés dans ta chambre. Écran au mur. T'es tranquille. Pas mal. Bon, on va s'occuper de ça. Et donc... Les rideaux, ils sont moches, par contre, si je peux me permettre. Ah, Rome. Ah oui, c'est vrai, ça. Oh là là. Ouais. Tu pourrais d'ailleurs donner ton avis sur chacune des photos. Non, mais les rideaux, non, franchement, les rideaux. Moi, perso, j'aime pas. Moi, j'aime pas les rideaux, moi. Ouais, mais des fois, c'est bien quand même, que les gens ne te voient pas. Non, mais t'as des trucs en bois, des stores. Ouais, mais ça dépend de l'appartement que tu as. Bon, alors. Moi, chez moi, je préfère les rideaux. Chacun son truc. Alors, on a Mathieu au téléphone en direct. Alors, la baraque. Nous. Et ta baraque, donc tu dis que t'es dans une vieille baraque, vous avez aménagé combien de temps, Mathieu? Ça fait un moment. Et vous galérez, parce qu'en fait, vous n'avez pas de thunes et voudriez refaire la maison, tout ça, et c'est difficile. Ouais, on n'a pas de thunes, ouais. Ma mère qui travaille en usine, on n'a pas beaucoup d'argent, et c'est la merde, quoi. Et toi, tu voudrais trouver un moyen pour aider ta mère. Et ça, c'est gentil comme tout. Mais il n'y a pas l'émission, là, le mec qui retape les barres. Ouais, ça, il ne le fait plus, ça. Ah, il n'y a plus ? Merde. C'était tous ensemble, là, le truc qui passait sur TF1 avec Marc Emmanuel. Ah, ouais. Ouais. D'ailleurs, chaque fois qu'il passait, 6 mois après, t'as tout le village qui se prenait la gueule. Ouais, c'est vrai, ouais. Ah ouais ? C'est vrai, c'est pour ça qu'ils ont arrêté. Les gens, ils étaient jaloux. Oui. Non, et puis surtout, c'est surtout que ça coûtait une blinde. Alors, Mathieu, voici donc tout de suite les photos que je remets immédiatement à Romano. Les photos de la maison. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce que vous faites, je sais pas, vous aidez la famille, vous faites du bricolage à la maison, vous retapez des trucs des... Ouais, moi j'aide, moi. Dis, oh, moi je suis absolument. Moi j'avais changé toutes les prises chez madame. Si, moi je sais faire en fait, mais j'ai pas envie. Voilà, comme ça c'est clair. Putain, je m'étais mangé une châtaine en plus ce jour-là, putain, mais laisse tomber, j'avais changé une prise. Ouais, mais et j'avais pas coupé le courant. C'est la base. Ouais, mais il en restait une, je voulais pas, tu sais, j'étais revenu chez madame pour changer la dernière prise. Et en fait, j'avais oublié de couper le courant et je me suis mangé une décharge. Ah ouais, vol plané, mon pote. Si tu travailles sur l'électricité, Mathieu, ne fais pas comme Cédric. Coupe le courant quand tu mets les doigts dans les prises. Ah, c'est le premier truc, ouais. Bon, alors, déjà, tiens, en parlant d'électricité, parce que là, il y a une photo du compteur électrique. Alors, Mathieu, le compteur électrique, ça va pas. Non, mais il est pas du tout aux normes. Aux normes. En fait, c'est un ancien modèle. Il est pas aux normes, non. C'est un ancien. Ouais, mais le problème, c'est que. Bon, j'ai vu les quelques photos. Ouais, en fait, la maison, elle est. C'est dans une vieille maison, ouais. Elle est complètement. Ouais, elle est délabrée, quoi. Oui. Il y a toujours déco sur M6 si ça te branche. Il y a tout à refaire. Hein. C'est vrai, il y a toujours déco sur M6. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Mais est-ce que non, mais bon, c'est vrai que ça rend service à des gens, ces conneries. Est-ce que toi-même, tu serais capable de refaire tout ça, Romain? Ah, l'électricité, non, c'est balèze. Bon, à part l'électricité, là. Non, reste, mais après, le reste, là, c'est des gros travaux. La maison, elle est en vrac, là. Là, c'est vraiment. Tu sais, t'es bricoleur, toi, ou pas du tout? Mathieu? Du tout, non. Pas du non, tout. Pas du tout. Ouais, t'es dans la merde. Du tout. C'est pour ça que là, ouais, c'est la galère. Je fais appel à la Sky Solidarité pour pouvoir m'aider, quoi. Alors vous, on va faire comme sur TF1. Non, mais le problème qu'il y a, c'est que, tu sais, pour les travaux, ce qui coûte cher, t'arriveras toujours à trouver des potes, tu sais, qui bricolent un peu. Mais le problème, c'est que tous les matériaux, ça revient super cher. Ouais, hein. Bien sûr, ça coûte cher. Parce que là, toi, il va falloir du matos, quoi. Les murs, ils sont flingués, l'électricité, elle est pourrie. Alors, j'imagine les sanitaires, tout ce qui est lavabo et tout, c'est flingué aussi. Alors, baraque, elle a refaire de fond en comble. Ah, faut que tu tapes aussi. Des maçons, des électriciens, des plombiers, c'est ça. Monsieur Bricolage, bon, tu l'as avec toi, c'est Romano, il est là. Parfait, Romano, c'est parfait. Ouais, non, mais attends, je te le vends, allez hop, c'est gratuit pour les auditeurs de Skyrock. Ah, tiens, le problème qu'il y a, c'est que là, il faut que je reste 6 mois chez toi à faire les travaux tout seul pour arriver à faire un truc potable. Et Romano, c'est pas toi qui nous avais dit dans l'émission que c'était une passion pour toi et que t'aimais bien bricoler? Non, mais j'aime bien bricoler. Ah, bah voilà, avec la maison, la maison de Mathieu, t'as de quoi bricoler, non? Ah non, mais il y a des gens qui font ça. Du boulot, hein. Cacher des maisons complètement délabrées qui les retapent eux-mêmes parce qu'ils bricolent à fond. Et ils se font des trucs de ouf. Non, mais sinon, t'as le truc là sur le net, tu sais, de troc de service là. Ou t'as des mecs qui savent faire par exemple l'électricité et ils demandent un autre service. Ah, genre par exemple, tu le suces et il te fait l'électricité. Non, oui, si tu veux par exemple. T'as entendu ça, c'est pas mal ça, Mathieu. C'est vrai qu'il y a ce truc sur le net. Non, ça va aller, non. Attends, il faut faire des efforts. Non, la maison, elle est un peu délabrée, il faut aider. Donc, vous habitez du côté d'Angers, vous êtes électricien, vous avez envie de vous faire sucer, n'hésitez non, pas. Non, mais pas forcément ça, mais tu tonds la pelouse du mec deux fois, tu vois. Enfin, non, mais là, le problème. Là, moi, je veux pas te mettre en bas de Mathieu, mais le problème qu'il y a, c'est que là, c'est pas genre il y a trois prises à changer. Ouais, c'est-à-dire que là, il faut un mec qui va venir. Alors après, on peut, on sait jamais, une âme charitable. Oui. Mais là, c'est du gros boulot. Là, c'est-à-dire que le mec, ouais. il va y passer des journées. Parce que là, l'électricité, par exemple, elle est complètement pourrie. Il y a tout. C'est-à-dire qu'il faut retirer tous les câbles électriques jusqu'à chaque pièce. C'est-à-dire qu'il faut percer les murs. Il y a tout à faire. C'est un boulot de dingue, en fait. Mais si t'as pas des potes qui savent bricoler? Ah non, du tout, non. Bon, bah, je vais t'obliger de te refiler mon pote à moi, hein, Romano, tu vas y aller. Hein. Non, mais je te dis, moi après, c'est. C'est voilà. Des tournevis. Ouais, non, mais là, c'est pas des tournevis qu'il faut, là. C'est, Mais des tournevis, du plâtre. Ramène tout, tu vois. Non, moi, je pense que tu vas t'éclater comme un petit fou. Je pense qu'il faut faire, tu sais, salle par salle, petit à petit, tu vois. Genre, au début, tu vois. Non, mais ça, c'est clair, il faut pas tout attaquer en même temps. Tu pourras pas tout faire d'un coup, tu vois, mais petit à petit, ça va te prendre du temps, ça va te prendre, je sais pas, un an ou deux ans ou je sais pas combien de temps. Mais au moins, petit à petit, tu vas y arriver, tu vois. Parce que là, c'est vraiment. Et on a reçu 4 photos, là, des chambres. Moi, j'en ai vu des. Il faut m'envoyer les photos des chambres, on a fait l'élection, Romain. Tu te les envoies petit à petit, là. Mais là, c'est petit à petit, j'en ai 5. Donc, mais il faut que je donne après mon jugement. Oui, parce que Romano veut absolument ce soir élire juger. La plus belle chambre non, de Skyrock. Et je ferai des petits conseils ou des petites critiques. Très bien. On va vous les mettre en photo. Tiens, t'as la première série, là, qui arrive maintenant. Manon, elle est pour toi. Tu nous diras. Non, mais ce qu'on peut faire, déjà, si t'as des potes autour de toi qui peuvent te filer un petit coup de main, je sais pas, t'as des potes maçons. Tiens, on salue d'ailleurs, Paltan qui me dit, moi, je suis maçon, je m'y connais bien en construction, je peux l'aider. Il y a des électriciens aussi. J'habite à Nantes, mais elle est pas très loin de chez toi. Nantes-Angers, on n'est pas très loin. Mais si t'as des potes autour de toi qui peuvent te filer un coup de main, pourquoi pas, hein. Non, sinon, alors, je sais pas s'il y en avait chez toi, il faudrait être renseigné, mais il y a quelques en France qui font comme l'émission de télé qui avait les compagnons du devoir. Non, là c'est des gens en fait souvent. J'ai vu un message qui disait ah, moi je voulais faire intelligent et louper. C'est tu sais c'est des retraités ou des mecs qui ont un peu de temps libre et en fait ils aident des familles en difficulté justement qui ont des baraques qui sont vraiment en mauvais état et qui ont pas l'argent pour les refaire. Et ils ont des deals avec tu vois genre le roi Merlin Castorama qui leur file du matos et eux ils viennent te faire les travaux chez toi, ils logent sur place, tu vois, ils se démerdent, ouais. Ça te coûte rien, c'est vraiment un truc de solidarité. Mais après, il faut regarder. Je sais pas si on a vers chez toi, quoi. Bon, si vous avez, vous nous renseignez, puis on vous dira pour Mathieu. On te dira, Mathieu. On transmettra tous les numéros là. Et l'électricité, c'est pas compliqué. Il suffit de s'y mettre pour arriver à résoudre les problèmes. Message de DJ du 37. Salut à toi, DJ. Qu'il appelle un architecte d'intérieur à M6. Ouais, mais... Il s'appelle Stéphane Plaza. Ouais, lui, il peut te vendre la baraque, lui. Ouais, et puis bien cher. Oui, te la revendre derrière. Ouais, c'est ça, ouais. Après, t'habites sous les ponts. S'il habitait au Portugal, il aurait beaucoup plus de chance car il y a plein de maçons, nous dit Diablo. C'est vrai. Oui, non, mais le problème, c'est que des maçons, c'est pas le problème d'en trouver, c'est qu'il faut trouver des maçons qui travaillent gratos. Ouais, y a Nico. Et en plus, qui amène le matos, que j'imagine, ouais, vous avez pas l'oseille pour acheter, ne serait-ce que des plaques de placo ou. Et Nico, il voudrait bien t'aider, il est à côté d'Angers, mais je sais rien faire hormis la cuisine. Bah, je suis un peu comme toi, Nico, tiens. Bienvenue au club, Nico. Non, mais tu sais pas faire la cuisine non plus. Bien sûr que si. Non, mais tu sais, mets ta plaque au micro-ondes, c'est pas genre faire la cuisine. Non, mais je mets pas de plat au micro-ondes. Je ne cuisine plus au micro-ondes, je cuisine au four normal. Le jour, j'ai fabriqué des cookies et des lasagnes. Mais les cookies, t'as fait comment alors? Les cookies, j'ai fait une pâte et j'ai mis des cookies dans le. Bah, la pâte, tu l'as achetée toute faite? Non, pas du tout. Bah, espèce de mythe. Tu m'as pris pour un. Gars qui prend des trucs Herta et qui met les cookies Herta. Ça, c'est, ouais, c'est clair. Jamais, non. Je suis sûr que t'as fait ça. Et c'est quoi le truc que t'as fabriqué à part les cookies? Des lasagnes. Et les lasagnes, ouais, t'avais une marquette et tu les as fait réchauffer. Non. J'achète plus les plats. Alors, préparés. T'as fait comment pour les lasagnes? Vas-y. Bah, en fait, il a été chez un traiteur, le mec lui a mis dans une barquette, il a pris la barquette, il l'a mis dans le four. Et oui. À côté des cookies, comme ça, histoire que les lasagnes, ils aient de goût de cookies, Et voilà. Donc, je suis comme toi, au niveau de la cuisine. Bon, on te renseigne, Mathieu, bouge pas, parce qu'on a Fred qui veut te filer un coup de main. Tiens, on le prend tout de suite en speed, on fait le journal de l'euro dans quelques minutes. Fred de Grenoble. Salut, Fredo. Ouais, Fredo. Ouais. Salut, Lifoul. Salut, l'équipe. Salut, Mathieu. Salut, Fredo. Salut, Fredo. Eh ben, ouais, Mathieu, hein, moi, en ce moment, je suis au somme du, je fais rien du tout, je suis plombier chauffagiste, bricole. C'est exactement ce qu'il nous faut, toi, dis donc. Ah, bah ouais. Et tu serais prêt à aider Mathieu? Ouais, je suis prêt à lui donner un coup de patte, hein, y a pas de problème. Un petit coup de patte, mais comme ça. Ou comme ça. Aïe. Pour le coup de patte. Une patte douce. Non, mais c'est gentil, Fred, c'est super. C'est adorable, c'est cool, ouais. Eh, c'est ça la Sky Solidarité. Et tu sais faire quoi, toi, Fred? Plombier, chauffagiste, c'est quoi toi? Moi je suis plombier, chauffagiste, ouais. Donc je peux lui faire. Donc électricité et tout ça, ouais. Électricité, je peux lui faire aussi, ouais. Putain, t'es super, Fred. Et tu cherches un taf ou tu cherches pas trop ce temps-ci? Ah si, si, je cherche, ouais. Ah bah écoutez, si vous avez besoin de quelqu'un qui est motivé, qui aime bien bosser, bah, qui ouais, est... ouais. Et en plus, attention, Fred travaille gratuitement. Ah ouais, non, ça c'est pas mal comme ça. Ami mais... entrepreneur, n'hésitez pas à nous contacter. Mais je crois que c'est pour Mathieu qui travaille gratuitement. Ah dommage. Ah oui, pour toi Romano, c'est cher, très cher. Ah ouais, mais moi c'est bon, j'ai pas besoin de travaux. Merci, mais en tout cas, merci bien. Ouais, quoi, oh. Tout. Après, il y a des limites. Hein. Si vraiment il y a un truc important, je suis pas capable de le faire. Mais... Monsieur Bricolage, c'est lui. Ouais, ouais, c'est moi, Monsieur Bricolage. C'est lui. Lui-même. Il y a l'Agdar qui a appelé au standard et qui t'a dit d'aller voir, tu sais, les bahuts où il y a par exemple ceux qui font dans le bâtiment. Ah, ah ouais, ah, ouais. Ils ont toujours besoin de chantier. Tu sais, c'est comme les coiffeuses, des fois, à chercher des mecs pour leur appeler. Ouais, exactement. Donc, faudrait que t'ailles voir dans les CFA. Ils ont peut-être besoin de chantier pour travailler, tu vois, pour essayer des trucs et ils travailleront chez toi. Et il y a Casto qui donne des cours d'électricité et de rénovation gratuitement. Internet, ouais. Non, je sais pas, non. Ouais, ouais, ouais, mais dans le blog internet, Après, t'as les tutos. Non, non, non, mais non, sinon, dans les boutiques. Dans les castos, en fait, dans les castos. Ouais, ah ouais. T'as le roi Merlin, ouais. Après, je sais pas si c'est gratuit chez tout le monde, mais en fait, t'as une petite salle et c'est marrant, tu vois, les gens, ils sont salopettes et genre, le mec, il leur apprend à poser du carrelage. Ouais, alors, c'est aujourd'hui. Ça, ouais. Non, mais c'est ça, ouais. C'est un tuto en live, quoi. Ah, c'est pas mal, ça. Et puis, bon, vous êtes super sympa parce que je vois tous les messages de, pour toi. Capzoul qui nous dit, moi, je suis électricien, je te le fais. T'es doux, vas-y, dis-moi. Bon, on vous met en contact, on vous connecte tous, et puis. Et là, il y a Yves qui nous dit que là, tous ensemble, l'émission, elle passe plus, mais a priori, ils continuent de rénover des baraques. Ouais, bien sûr. Gratuitement. Non, mais il y a peut-être une assoce qui s'est mis avec eux. Ouais, ouais, c'est un vrai. Il s'appelait Marc Emmanuel. Ouais, c'est ça. Ensemble. Il était tout le temps en chemise à carreaux. Magnifique. Ouais. Bon, t'es super, Fred, hein, c'est gentil comme tout. On va te mettre en contact avec. Pas de problème, t'es adorable. Sympa. Pas de souci. Merci, Fredo. On t'envoie le t-shirt Skyrock, comme ça, tu pourras faire les travaux avec le t-shirt Sky, ça va être super. Je vais être tout beau, tout joli. Tu vas être beau gosse pour le chantier, ouais. Quand tu bossais sur des chantiers, tu bossais chez les particuliers, tu bossais où? Chez les particuliers, toi, non? Particulier, ouais. Est-ce que tu t'es déjà fait draguer par une, je sais pas, par une maîtresse de maison, une... Oui, les milfs, souvent, ouais. Par une milf, par une milf, une cougar. T'as déjà, niqué, Ah bah, je peux le dire, je m'en fous, mais non, je suis séparé, je suis même divorcé, donc je peux le dire, oui, carrément, c'est arrivé, ouais. Ah, très bien. Donc, les filles, si vous avez votre mec qui, je sais pas, moi, qui fait un apprentissage en plomberie, électricité, tout ça, faites attention. Et est-ce que t'as l'arrêt c'est du pas fusseur. La première fois qu'on en parle dans l'émission. Pardon, Marie. Tu sais, l'arrêt du plombier. Ah oui, ça, c'est les plombiers, ça, les électriciens. C'est le truc bien connu, ouais. C'est ça leur arme de séduction. L'arrêt du cul apparent. Ouais, c'est ça, ouais. Pour c'est... séduire la milf. Ah oh, bah putain. J'ai regardé là sur internet là, tiens, tu peux et effectivement Marc Emmanuel là, il continue en fait, il a monté une association qui s'appelle Armée des Anges. Ouais. Et il rend service à des gens, tu vois par exemple là, ils ont collecté des fonds pour offrir un vélo électrique à un vieux monsieur qui en avait besoin. Oui. Et a priori, ils donnent des coups de main aussi pour rénover des baraques. Ah bah écoute. Essaye peut-être de les contacter, on sait jamais hein. De toute façon, on donne tous les renseignements Mathieu. Ah, ça se tente. Ouais, je vais essayer de les contacter, ouais. Ouais, contacte les associations qui font ce genre de trucs. Rien à perdre. Hein. Ouais, bah de toute façon, vous êtes dans le besoin. Voilà, vous rentrez dans les critères. Hein. Et en tout cas, merci pour les messages. Xavier SCH, 18 ans, qui est un pro en maçonnerie. Moi, j'ai 17 ans et je me suis déjà fait sucer par une cliente. Et ben voilà, tu vois. Salut à toi. C'est l'inconnu qui vient de nous laisser un message. Je t'avais dit de pas le dire. Tu vois, Fred, t'es pas le seul à t'être fait sucer par une cliente, là. Ah, et il y a Romain de Chicago qui nous dit, mais Fred, il a encore envie de se faire sucer. Bah, s'il retrouve un taf. Bah, non, ça ira, merci. Oh, on dit pas non, on sait jamais. Ah ouais. Ah, pourquoi pas. Oh, allez. Oh. Bon, merci à toi en tout cas. Raccroche pas, Fred, on vous connecte tous les deux, Fred et Mathieu, vous restez avec nous. Ok. Salut les gars. Et Fred, on a un maçon d'Angers aussi, tiens, regardez, Brahim. Notez bien tous les numéros, faut bien les filer, les numéros de téléphone à Mathieu parce qu'il galère. Mathieu, cool. Qu'est-ce que tu disais, Romano? Non. Tu bouges pas, Mathieu. Fred, je disais merci à Fred, si. C'est vraiment sympa. C'est bien, merci en tout cas, Fredo. Et puis à vous tous aussi, on va pas tous vous passer à l'antenne, mais enfin tous les numéros, on récupère. Il y a pas le temps là. Je suis là, il faut le gérer le matos. Je suis chef de chantier s'il a besoin. Bon. Ah, bah, voilà, nickel. Et ben hop, faire une baraque, mais de ouf. On va te rappeler dans 6 mois. Tu vas être dans ton jacuzzi ou ta piscine. Un chef de chantier. Et là, je suis en train de récolter les photos de vos chambres. Les photos de vos chambres, on les récupère. Et dans un instant, Romano fera l'élection de la chambre qui lui plaît le plus. Et on lui dira si on est d'accord ou pas, parce que on n'est pas forcément d'accord. Bah ouais, on peut non, mais dire, tu vois, par exemple, on a reçu la photo de Nathalie, là. Fais voir, Nathalie. Alors, Nathalie, j'ai deux défauts. La couette qui n'est pas tirée. Non, mais c'est pas voilà. Grave, ça. Et le papier peint. Alors, moi, ça, le papier peint. Ah ouais, ça, je trouve ça dégueu, moi. Oh. Là, avec les points, là. Il reste encore assez discret, celui-ci. Ouais, mais je suis anti-papier peint. C'est vrai. Okay. L'autre. Ah, je te suis, là, sur le... Je suis plus peinture. Peinture, pareil. Donc, c'est bien noté. Pas de papier peint. Attention. Attention. Attention. Bon, on fait le journal de l'Euro. Allez. Le journal des Bleus de l'Euro, de la Coupe du Monde, de la Coupe d'Europe. Oui, de Coupe d'Europe déjà. C'est parti. L'Euro 2016. Journal des Bleus. Wouh. Samy sur Skyrock. Et votre journal des Bleus sur Skyrock, premier sur le foot, bien sûr. Alors Didier Deschamps est énervé. Qu'est-ce qui se passe? Juste avant de Didier Deschamps, tiens, le petit buzz de la soirée, c'est une nouvelle affaire Serge Aurier. Périscope. Non, en fait, il a fait un périscope en carte à vue. Non, il était en soirée avec Booba. Ah ouais. Et donc Booba a posté une photo où ils sont tous les deux, ils font un selfie, tu vois. Et le hashtag c'est vous êtes tous des fiottes. C'est sympa. Très bien. C'est sympa. En référence à ce qu'il avait dit Aurier. Non mais il le fait exprès, non. Regarde. Mais c'est Aurier qui a posté. C'est Booba, mais bon, Aurier il est dessus, il a dit ok, il a retweeté machin, tu vois. Serge Aurier et Booba en photo, ils sont mignons tous les deux. Bon, ça c'est la dernière nouvelle. C'est la nouvelle de Serge Aurier. De la soirée. Une nouvelle par semaine. Donc des nouvelles emmerdes en perspective. C'est clair, il n'avait pas besoin de ça. Bon, bon courage, Serge. C'est clair. Pour la suite. Sinon, on souhaite la bienvenue aux Belges qui viennent d'arriver en France. Bonjour, qu'on est arrivé en France. Du côté de Bordeaux. Oui, oui, qu'on en est à Bordeaux, qu'on va boire de l'alcool. Ils ont pris leur quartier, ils sont contents. Et manger des frites. Bah, évidemment. Ah, ils ont montré, il y a une friterie à Bordeaux, mais les mecs sont en transe là-bas. Bah, oui, parce que on espère qu'ils viendront manger quand même un cornet de frites chez nous. Bah, oui, quand même. Je pense qu'ils ont autre chose à foutre. Ah, bah, j'espère qu'ils viendront quand même dans notre friterie. Parce que j'ai cueilli des frites à longueur de journée. Spécialement pour. C'est des Belges qui sont installés à Bordeaux et c'est une grosse friterie. Bon, j'espère qu'ils viendront hein, quand même. Ah ouais, c'est des Belges qui sont. C'est des vrais Belges qui ont monté une friterie et ils sont passés au journal et ils disaient bon, j'espère qu'ils viendront quand même s'ils ont deux minutes. Hein. Moi que j'espère aussi. Bah, qu'on fait des bonnes frites hein, comme au pays. Donc Eden Hazard et les compatriotes sont arrivés. C'est ça. Ils font partie des favoris de l'Euro. Hein, Avec les Allemands qui sont arrivés aussi aujourd'hui. Bonjour. Ils sont où eux à Evian, Evian-les-Bains. Bonjour, on va battre les fiens. Ça va nous changer de la pierre. Ouais, c'est clair. Donc les Allemands, d'autres favoris. Ouais, bon, alors, pour les Bleus. D'ailleurs, ce soir, on a des favoris à vous offrir. On vous offrira vos places pour l'Euro. Un gros match. Et c'est un gros match avec une équipe qui. Que plein de gens voient en finale. Qu'on vient de citer ou pas? Ou au moins en demi-finale. Hein, une équipe qu'on vient de citer ou pas? Une équipe dont on a parlé, oui. Tiens, une info complémentaire, ça dit dans le journal de l'Euro. Giovanni, il a 14 ans. L'Espagne est arrivée aujourd'hui, s'il devait. Ouais. Ils ont bloqué toute la circulation pour faire passer leur putain de car. Pour passer leur car sur l'île. Ah oui, en plus, il faut passer le pont et bah tout. Bah ouais, ils sont prioritaires. priorité à l'Euro. Le footballeur, bah oui. Bon, l'équipe de France. Donc les joueurs sont contents, mais Didier Deschamps n'est pas content. Donc on va commencer par les contents, c'est les joueurs. Je suis pas content. Pourquoi il est énervé, Didier? On va savoir. Je suis énervé. Les joueurs, rapidement, ils sont vachement contents du soutien parce que là, depuis 10 jours qu'ils sont ensemble, on a passé la barre des 100 000 supporters qui sont venus les voir aux différents entraînements. Ça, c'est pas mal. Que ça soit à Nantes, à Metz, dans le sud-ouest, en Autriche ou à Clairefontaine. Autant j'ai relativement critiqué l'attitude des Bleus pendant une période. Là, franchement, ils sont. Sympa. Ah ouais, mais ils essayent de redonner. Non, mais ils ont vraiment une super attitude. Ouais. Autant à l'époque, j'ai bien chié On avait été sortis de l'Afrique du Sud comme des merdes. C'est normal. Les mecs ne voulaient pas s'entraîner devant les mecs voulaient pas descendre du car. J'imagine. Non, mais surtout, moi, ce qui me dégoûtait, c'était quand ils passaient devant, tu sais, quand il y avait des petits gamins et les mecs qui passaient, ils s'en battaient les couilles. Bah, en fait, faut dire. Là, franchement, ils font des photos avec tout le monde. Tous les gens sont contents. Même les supporters qui viennent les voir, ils disent, ouais, franchement, ils ont fait des photos avec mes gamins. T'imagines plus de 100 000 supporters qui ont assisté aux entraînements. C'est beaucoup. Ça fait du monde quand même. Non, mais ils ont bonne attitude. Bravo les gars. Allez les Bleus. Bravo. Et donc félicitations de Romano. Ouais, non mais c'est vrai. Bravo les Bleus, champions. Non mais on a tellement vécu des périodes de merde quand ça va bien, autant le dire. Après, faut dire que Didier Deschamps, il accorde vachement d'importance lui à l'esprit du groupe. Et tu vois, s'il a écarté certains joueurs, même s'il est critiqué, c'est peut-être aussi pour ça. Tu vois. Non mais ça fait plaisir parce que tu sais, contrairement à avant, les mecs ils ont le sourire. Ouais. Tu sais, quand ils s'entraînent, ils rigolent. Quand ils sont avec les gens, tu vois qu'ils sont. Ça se voit qu'ils sont heureux d'être là en équipe de France. Ouais. De toute façon, tous les mecs qui passent en conférence de presse là tous les jours, il y a une ou deux conférences de presse d'un bleu, tu vois, et tous ils disent, ils hallucinent du soutien, quoi. Parce que les mecs, justement, ils se souviennent, il y a 2-3 ans. C'est un bon exemple, ça. Quand tu donnes de l'amour, tu reçois de l'amour. Et c'est vrai dans toute votre vie. Vous verrez ça. Quand vous êtes sympa avec les autres sont sympas avec vous. Quand vous êtes des cons avec les autres sont des cons avec vous. C'est vrai. Et ça, après, il y a toujours un taux incompressible de cons. Bon, là, tu peux rien y faire, t'as beau être sympa, ils resteront cons. Mais bon, eux, faut les éviter en général. Bon, Didier Deschamps, lui, il est pas content par contre. Lui, il en a rien à foutre des supporters, tout ça. Lui, ce qui l'intéresse, c'est ses joueurs. Ah, je suis tapé l'autre. Et il est pas content parce que depuis vendredi, Didier Deschamps, il trouve que les joueurs, ils sont pas à fond, tu vois. Aïe. Certains, pas tous, hein, y a pas de noms qui sont sortis, mais en fait, il trouve que. Il a dit ça quand? Depuis vendredi, en fait. Et vendredi, il y a des gens qui ont assisté à l'entraînement. Ouais. Et en fait, ils ont entendu qu'il a dit il ne faut pas papillonner. Il ne faut pas papillonner. En fait, il s'excite un peu des chants parce que il trouve que certains cadres se, tu vois, s'endorment un peu sur leur laurier. Quoi. Se laissent un peu aller, quoi. Ouais, ils sont sûrs de leur niveau et du coup, en fait, ils poussent pas ils trop. Ils s'endorment sur leur serge aurier. Ouais. Donc en fait, il les a secoués un peu parce qu'il y a eu des séances d'attaque devant le but. Je vais vous secouer. Et voilà, arrêtez de papillonner. Et certains joueurs ont été très maladroits. Oh, c'est-à-dire qu'en fait, ils étaient très maladroits. Tout à côté, ils faisaient de la merde, ils rataient tous leurs tirs. Un connard. Donc ça fait connard, tu tires droit. Ça a permis aux gardiens de briller parce que du coup les gardiens, tu vois, ils arrêtaient tous les tirs. Ah bah l'autre maintenant n'a jamais arrêté autant de buts, le couillon. Donc Deschamps a recadré les troupes, a recadré tout le monde, il les a bien secoués. Ah, je les ai encadrés. Ils ont motivé. Faut arrêter de papillonner en tout cas. Ne papillonne plus. Pas le papillonnage. Voilà, exactement. Bon, sinon bonne ambiance ce matin. L'entraînement a commencé par le traditionnel concours de jongle entre Paul Pogba et donc un autre bleu. L'autre fois c'était avec Griezmann. Aujourd'hui c'était Pogba face à Bakary Sagna. C'est pas Pogba, hein. Ouais, Pogba. Non, Pogba face à Bakary Sagna. C'est Pogba qui a gagné. Et c'est Pogba qui a gagné haut la main. Très bien, haut le pied même. Haut le pied même. Ah, pour le jongle, haut le pied. Là, ils sont toujours à Clairefontaine. Ouais, ouais, là, ils sont à Clairefontaine et ils partent jeudi dans la banlieue, enfin à Bercy, à Paris, quoi. Mais Clairefontaine, pourtant, c'est pas loin de Paris, si. Ouais, mais en fait, c'est pour être vraiment genre dans un hôtel proche du stade. C'est que le bordel qu'il y a ces temps-ci, les inondations, les grèves. Non, mais bon, les mecs sont prioritaires. Mais ils ont des de ouf. Ils ont des escortes et tout. C'est toujours comme ça. Je les ai croisés dimanche. Putain, l'escorte de police qu'ils ont, mon pote. C'est sympa à voir quand t'es pas dans l'embouteillage, en fait. Ah ouais. Parce que sinon, franchement, ça casse bien les couilles. Ah, mais ouais, quand tu croises les bus, c'est les mecs qui vont pousser tout le monde sur le périph. Non, mais c'est ça, ouais. Ah, bah c'est. T'avais 10 voitures avant eux, 10 voitures après eux. Si tu pars de là, parce qu'en fait, le truc des bleus, c'est que vu qu'ils jouent à domicile pendant un mois, ils sont chez eux à Clairefontaine. Et du coup, pour casser la routine, t'es obligé de les envoyer deux jours avant à l'hôtel pour vraiment les mettre en mode commando psychologique, quoi. Ouais, sortir de leur confort du quotidien. C'est vrai que c'est pas con. Et ouais, sinon il manque le petit électrochoc que les équipes qui se déplacent. C'est la tactique. Ouais, bonne tactique. Ils font toujours comme ça, ouais. Je pense que c'est important. C'est la technique. C'est pour ça qu'ils étaient d'ailleurs allés en Autriche pour pas rester en France et à s'entraîner à Clairefontaine. Ah bah là ils sont dépaysés, ouais, ils sont fait chier. Ils étaient heureux de revenir en France. La preuve, on a gagné 3-0. On s'est fait chier là-bas. Oui, je confirme. Clairefontaine, c'est à côté de chez moi. C'est un vrai bordel. Il y a des flics partout. Ah bah tu m'étonnes. Bon, allez les bleus et on vous tient au courant. Le journal de l'euro, c'est la base, nous dit Gauthier. Grave. Tu as bien raison. Et Skyrock, c'est la base. 200 places de foot à gagner. 200 places pour l'Euro 2016. Ouais. Avec le Crédit Agricole, on vous enfile encore deux ce soir. Une petite blague et, pour finir. Et attention, attention. Une petite blague foot. Oui. Alors, on vous filera. Je vous donnerai le nom du match dans un instant. La petite blague alors, foot. Petite blague de le SDM. Qu'est-ce qu'il y a autour de Clairefontaine? Vous savez ce qu'il y a autour de Clairefontaine? Non, attention. Eh ben, il y a Deschamps. Non, mais c'est bien, t'es dans le thème. Très bonne blague du Karim Comedy Club. Ouais. D'ailleurs, si tu ouvres la blague, c'est que t'es dans le thème. C'est ça, ouais. Bon, vous pouvez envoyer vos blagues à Karim, bien sûr, tout au long de la soirée. Allez, il y a Soprano qu'on va se balancer tout de suite avec le Diable s'habille plus en Prada. Et le premier bug de la soirée à traduire, c'est dans un instant, c'est sur Skyrock. Et c'est pour gagner vos maillots, précisément. Maillot ou jeu, maillot ou jeu, c'est vrai. Au choix. Maillot ou jeu, au choix. Traduction du bug. Attention, après Sopra, le nouveau Soprano découvert sur Sky. Au moins une télé 4K Ultra HD à gagner tous les matins dans le Morning de Difool. Morning Show. Viens jouer à Info ou Mytho. Romano, c'est une info. Cariole, c'est Mytho. Eh ben, t'as gagné, bon. Et chope toi aussi ta nouvelle télé Samsung 4K pour mater tous les matchs de foot en Ultra HD. Skyrock est premier sur le foot, bien sûr. Skyrock. Écoute le Morning de Difool demain matin à 7h20 et à toi la nouvelle télé Samsung en mode Ultra HD. Ultra HD. 6h-9h. Le Morning de Difool sur Skyrock. The Morning Show. Je venais de passer le permis, j'avais plus une thune pour me payer une caisse, il m'en restait plus une. Une pièce pour la vidange, s'il vous plaît. Elle l'a déjà bien roulée, même si elle fait pas son âge. Les 200-300 bornes, j'ai encore au garage. Merci. Jeune conducteur, permis de malheur. Fini la galère. Avec les avantages jeuneconducteur.s, profitez de 30% de remise sur votre première révision et de moins 15% sur les produits.s. Pas de stress. Y'a .s. Voir conditions sur .s.fr. Bienvenue sur Smax. Tu as créé ton profil avec une belle photo de toi. Niveau 1, franchi. Tu as reçu un Smax. Smax à ton tour. Vite. Niveau 2, franchi. Tu viens d'obtenir un double Smax. Niveau 3, franchi. Délivre la princesse de son célibat. Envoie-lui un message. PS, sois original si tu veux avoir une réponse. Sur Smax, c'est toujours toi le winner. Télécharge Smax. S-M-A-X. Dirty Papi, Jason et son grand-père n'ont rien en commun. L'un est un peu coincé. Chaque jour, ma carrière est en jeu. L'autre est de nouveau célibataire. Je veux pisser. Mais quand la ville est réunie, c'est déjà fin, c'est une break. Ils vont apprendre à mieux se connaître. T'es à poil. Ce soir, on va pécho.

Moi je reconnais, je suis un petit beauf. Difool. Moi je serais une meuf, je préférais qu'on s'agicle moi. Cédric. Elle est belle quand même sa bite. Marie. Non, je levais la main parce qu'en fait j'ai pris l'apéro comme vous pouvez l'entendre. Samy. King of soccer, you know soccer. Yeah, Olympique de Marseille. Momo. Non, la véritable phrase, à la fin il me dit ferme. J'espère que comme ça, ça va vous fermer vos gueules quoi, à la fin quoi. Et Karim. Ah, alhamdoulilah, tranquille. Difool Radio Libre. Tous les soirs, 21h minuit sur Skyrock. Eh ouais, avec vous en direct jusqu'à minuit, tout à l'heure avant minuit, vos places de foot à gagner. Allez, je vous annonce le match qu'on vous filera ce soir. L'affiche. J'avais dit qu'il y avait une grosse équipe qu'on allait vous offrir ce soir. Et ben je le confirme, grosse équipe en ce mardi soir. L'équipe d'Allemagne contre l'Irlande du Nord. C'est un match qui a lieu à Paris le 21 juin. Ouais, bah, le jour de la fête de la musique. Ça va être une fête de folie. Vous allez voir un match de foot, après vous faites la fête de la musique. Folie totale. Et donc, un match à gagner ce soir, c'est avant minuit. Préparez-vous si vous voulez aller au Stade de France. C'est au Stade de France? Ouais, au Parc des Princes, peut-être au Stade. Si vous voulez aller au Stade, on va faire ça. C'est à Paris. Et vous pourrez gagner vos places pour Irlande du Nord, Allemagne, le match que vous pourrez gagner ce soir avant minuit. Préparez-vous. Mais c'est attends, pour vous. Le Parc des Princes, il y a des matchs? Bah ouais, il y a des matchs. Ouais, il y a des matchs au Parc. Ah ouais. Me semble-t-il. Hein, oui, mais premier sur l'Euro, moi aussi. Bah, je suis sûr. J'ai même pas vérifié. Moi je suis sûr. Non, mais sans doute. Toi qui es le spécialiste du Parc des Princes, Karim, étant supporter du PSG, il y a des matchs au Parc des Princes. Il me semble que ouais. C'est à 18h dans le groupe. Ouais, il me semblait aussi. Au Parc des Princes. Il y a des matchs. Ouais, non, c'est ça. C'est au Parc des Princes à 18h. Très bien. Et ben vous gagnez donc. Et après, vous êtes toute la soirée pour faire sur Skyrock. Et vous avez la soirée pour faire la teuf pour la fête de la musique après. Magnifique. Ouais, offrira ça tout à l'heure pour les inscriptions. Vous inscrivez pas tout de suite, ça va me faire exploser les écrans. Tout à l'heure, on vous inscrivez. 21h, tout le monde s'inscrit, hein, donc. Donc même au standard. Attendez, partout. Attendez mon top. Marie gueule, un truc. Bah hein. Non, j'ai pas gueulé. Et des matchs dans toute la France. Oui, on a des matchs à vous offrir pour Bordeaux. Ah, on a tous les stades, ouais. Ouais. Il y a Dim de Bordeaux qui nous envoie un message. Oui, on a Bordeaux, on a Saint-Etienne, on a Paris, on a le Parc, on a le Stade de France. Oui. On a Lens. On a tous les matchs. On a la finale, tous les matchs, finale, tout quart de finale, à Lille, 8e de finale, aussi, évidemment, bien sûr, les Lillois, on vous oublie pas. 16e de finale, les poules. Tout ça à choper. Le siphon du bidet qui nous écoute, il y a un nouvel auditeur de Skyrock. Bonjour à toi. Tiens, je voulais saluer aussi Cody 13, nouvel auditeur de Skyrock. Ah non, lui, ça fait un an qu'il nous écoute. Mais il y a que maintenant que je peux vous envoyer des messages. Ah, nouveau messager alors. Merci à toi, Cody. Et donc, je lisais un message, je sais plus. Ah, mon épaule, mais oui. Oui, alors ton épaule. Ça y est. Merci d'avoir posé. C'est l'heure de casser les burnes, c'est ça? Non, je suis allé voir aujourd'hui sur Wikipédia pour me renseigner un petit peu sur ce qu'était ma maladie. J'ai évité tous les sites médicaux parce que c'est vrai que dans l'émission, ça fait encore flipper. Quand vous arrivez avec une maladie dans l'émission, on vous dit tout le temps n'allez pas voir les sites médicaux. Donc j'essaye de suivre les conseils qu'on vous donne dans l'émission. Non mais oui, c'est encore pire parce que là, c'est même pas des médecins, c'est n'importe qui peut écrire n'importe quoi. Tendinite. Regarde, je tape et donc ça me donne Wikipédia. J'appuie sur Wikipédia. Tendinite. Wikipédia. La tendinite est une affection très très très très douloureuse du tendon correspondant à une histopathologie spécifique qui met en jeu un mécanisme inflammatoire. En gros, j'ai mon tendon qui est inflammé. Ouais, c'est ça. Donc mon tendon, il doit être tout gros et tout irrité et il me fait mal. Et alors après, ça t'explique que le truc, ça peut durer. Alors c'est surtout les sportifs qui ont ça. Hein. Bah écoute, bah, les athlètes comme toi, ouais, c'est et clair. Voilà. La et preuve, voilà, toi. Ça c'est bien. Donc les causes. Tu fais quel sport au moment où c'est arrivé? L'amour. L'amour. Ah ouais, c'est ça. Il faisait l'amour à son oreiller. Ouais. Effort intense ou répété, travail à la chaîne, surtout chez les sportifs. Et les musiciens. Bah écoute, on est sur Skyrock, on passe du rap, on est la radio du foot. Et bah voilà, c'est ça. Difool, moi je suis sur un autre site là. Qu'est-ce qu'il y a? Douleur-musculaire.aurica.fr. Ouais. Il y a les médicaments que t'as eu là. La prochaine étape, c'est, alors ça tu vas douiller, c'est des infiltrations. Ouais, j'ai vu ça. Ah. C'est-à-dire qu'en gros, il te... Ouais, Wikipédia, c'est pas de la merde, c'est écrit. Il te rentre une aiguille dans le bras et il t'envoie un liquide. Et a priori, le liquide, tu le sens passer. Hein. Ouais, mon pote, il l'a fait, ça gros. Mon père, il en a eu dans les mains. Je peux te dire qu'il a douillé. Il paraît que ça fait super J'ai un pote à moi, il l'a fait dans le bas du dos. Ouais. Je peux te dire que gros, il marche. Si vous avez une tendinite, si vous êtes un grand sportif comme moi, ou un grand musicien comme moi aussi, hein, ah bah oui. Je suis impresario du prince du hip-hop, je suis son manager. Ouais, c'est vrai, ouais. Les infiltrations, c'est court, c'est efficace à court terme, mais c'est pas bon. Parce que la tendinite, t'en récidiver avec une infiltration après. Ouais, ça soulage, mais après, c'est. Et sinon, vraiment, cas exceptionnel, il y a de la chirurgie. Oui, la chirurgie, il va enlever les tissus inflammés. Voilà, ça doit être sympa. Non, mais ils disent. Ouais, par contre, ce qu'ils disent, c'est que c'est vraiment super rare. Hein. Oh bah, la chirurgie. Et ah, mais je pense que du avec coup, le bol que t'as, ouais, c'est clair, ça peut t'arriver, ouais, c'est clair. Du coup, t'es un mec super rare, je crois que ça va t'arriver. Gros. C'est vrai que je suis tellement exceptionnel qu'il est possible qu'on m'opère. Tu vois, tendinite sur Allo Docteur, à traiter vite pour éviter la rechute. Ouais, bah écoutez, là, je suis en train de traiter, puis Traite-le bien. Diffoul, attends, je vais regarder le traitement des tendinites chez les sportifs de haut niveau. C'est moi, ça, c'est bien, c'est bien. Ouais. C'est mieux, ça. Alors, l'électro. Ah, sinon, il y a un truc. L'électrocution. Non, mais bien, non, il y a l'électrothérapie. En fait, en gros, c'est un sport électrique qu'on te met sur l'épaule. Ouais, t'envoies des décharges. Tu veux qu'on te le fasse? Non. Cédric, sors le sport électrique. Eh bah, douille. On va le soigner. Ah, mais t'es, t'as peur, en fait? Non, mais je suis pas. Mais t'es vraiment une grosse balle, tringue. Il est malade, ça se fait pas le coup. Oh, merci, Cédric. Ah, mais c'est incroyable. C'est du foot, monsieur l'arbitre du clash. Ah, très bien, Cédric. Je te souhaite bonne chance pour ton clash de demain. T'es une grosse balle, tringue. J'ai gagné hier. De bite, quoi. J'ai gagné hier. Eh ouais, j'ai gagné le clash encore hier. Faudrait peut-être que tu fasses une échographie. Pourquoi faire? Pour voir si je suis enceinte. Non, sérieux. Ça fait pas mal, ça va. Mais ouais, mais tu sais, c'est une échographie, bah oui, c'est partout. Tu peux en faire partout. Bah c'est que pour les femmes enceintes. Bah tiens, bah de partout. Bah non, moi j'ai eu des couilles, moi. Ouais, Romano lui a fait les photos des couilles. J'attendais pas un gosse dans mes couilles. Hein, c'est sympa à l'intérieur. Un selfie des couilles. Bah j'ai vu un tuyau. Tiens, regarde, il y a Joachim qui nous dit je me fais opérer mardi, mais c'est rien à comparer la tendinite de Diffoul. Ouais, genre. Sinon, il y a la cryothérapie avec le froid aussi. Ouais, donc en fait vous m'électrocutez, vous me gelez, faites des ondes de choc, on nous dit. Oh bah merci ma galoche. Et on pique après. Non mais je vais suivre vos conseils parce que tout ce que vous dites, tout ce qu'on vous dit là sur Wikipédia, vous nous l'avez dit la semaine dernière. Non mais sérieux, tu veux pas qu'on te fasse des traitements, on teste des trucs en direct. Et je suis pas un rat de laboratoire. Non mais j'suis bon. Pas un cobaye. Non mais vu que t'es malade, on peut essayer des trucs. Moi je propose qu'on commence avec le sport. Mais sérieux, ça va te faire du bien. On le met pas fort. Non, ça va aller. Romano, je vais éviter de faire des expériences sur mon épaule. Toi aussi, t'es une balle tringue. Tu vas prononcer une décharge, mon pote. Il y a que des balles tringues ici. Tu vas lui arracher son bras, gros. Non mais toi, t'as même plus le droit de parler tellement t'es une grosse balle tringue. Ta gueule, toi, que je t'arrive, t'es fou, toi. Quoi. Alors, pas mal. Oh là. Bah alors pourquoi quand c'est moi le sport électrique tu le sens et quand c'est Diffoul t'as peur? Parce qu'il est malade. Parce que t'es une grosse balle tringue. Il a peur de moi. Ouais, non mais je crois. Il a le bras pendu déjà. En fait, peur de Diffoul. Non, j'ai pas peur de Diffoul. Parce que j'avais déjà remarqué. Ben, c'est pas le seul, tu sais. J'ai pas peur, mais regarde, le pauvre, il est malade. Tiens, bon courage à Anton, il se fait opérer dans deux semaines. Ah, tu te fais opérer de ça? Ben, dis-moi comment ça se passe, ça, tiens. Anton du 56 qui nous laisse un message. Salut, Anton, et salut à tous ceux qui nous écoutent des hôpitaux. Je sais qu'il y en a plein qui nous écoutent. On vous salue. Ouais, mais faut le soigner, ton truc. Tous. Faut pas juste prendre des médicaments. Et ouais, comme les joueurs de foot, comme les joueurs pro, t'as une maladie. Bah, t'as qu'à l'emmener, c'est t'as qu'à l'emmener avec ta petite voiture, t'as qu'à l'emmener chez un docteur. Grosse balle tringue. C'est le tarif. T'es trop musclé, Diffoul. C'est pour ça que t'es tendon craqué. Trop de muscles, trop de tendons. Mais ouais. Moi, je vais te foutre du sport élec, moi. Bah écoute, tu fais l'élection de la plus belle chambre de la soirée déjà, Romano. T'as trouvé. Hélène qui est jolie, là. Attends, j'ai pas tout regardé. Il y a Valentino, c'est original. Il y a des graphes. Bon, bah tu vas nous décrire ça. Il y a un graphe à la tête du lit, en fait. Il a tagué sa chambre, quoi. Bah, je sais pas qui c'est qui lui a fait, c'est lui, mais il grave pas mal. Bon, alors, vos chambres, vous les avez envoyées depuis tout à l'heure. Romano fera l'élection de la plus belle chambre de la soirée avant minuit, puis on vous mettra. Ah, bah, tiens, une petite compile aussi des chambres. Tiens, Samy, j'ai filé celle de Céline au-dessus de son lit. C'est le PSG. Il y a le logo du PSG et un poster de Zlatan. Tiens, je l'ai. Quelle horreur, ta chambre. Voilà. Oh, elle est magnifique. Oh, elle est jolie. Ah, jolie cette chambre. Oh, ça va, regarde, magnifique, regarde, Samy. Et sinon, il y a même un maillot du Ibrahimovic. C'est une vraie porcherie, ta chambre. Pourquoi tu dis ça? Ah non, mais il y a des paquets de chips par terre, des paquets de bouffe. Regardez-moi ce qu'il y a par terre. Oh putain, c'est le bordel. Ah non, mais c'est le bordel, ouais, là. Oh. Là, Mister Chocapic, je ne suis pas content. Mais si t'as faim, c'est bien pratique aussi. Tiens, pour te consoler, j'ai une couette OM chez Mandanda. Ah ouais. On a la chambre de Mandanda, Samy, tiens, regarde. Ça, c'est une belle chambre, avec des écharpes, des photos des supporters. Une belle couette OM. J'aime bien tu vois tout de suite, c'est une chambre de fille ou de garçon. Il suffit même avant de voir le pseudo. Bon, là, c'est Nathalie, donc une fille. Son lit, sur sa couette, c'est écrit câlin, câlin, câlin. Câlin, câlin. Il n'y a qu'un oreiller, donc tu es seul. Et tu te fais des câlins tout seul. Ouais, c'est ça. Bah, ou tu câlino god. Romano est très excité, on t'embrasse, Nathalie. Attends, Marie, tu te câlines jamais au god? Non, avec les pieds de table. Pas, mais. Mais tu te godes, Marie, de temps en temps? Ouais, ça m'arrive. Ouais, bah voilà, donc tu te calino god. Putain, vous avez vu la nana, l'allemande qui est morte après, en se masturbant? Ah oui, j'ai vu ça la semaine dernière. T'avais vu ce truc-là? C'est quoi déjà? Il y a une nana, en fait, qui a fait, elle était dans un dîner de famille, elle est montée dans la salle de bain. Bon, apparemment, le dîner va être chiant. Hein. Elle est montée dans la salle de bain, pour se toucher et tout, et en fait, elle a fait un AVC. Bon, c'est très rare, hein. Attention, je rassure tout le monde. C'est hyper rare. Mais comment c'est que c'est en ce moment? Pas son histoire, Marie. Parce qu'en fait, son mec, une heure et demie après, s'est dit, mais qu'est-ce qu'elle fout? Il est monté. Eh ben elle est morte. Ils l'ont retrouvé avec un god à côté dans la salle de bain. On va passer une belle mort. Ah bah super. Vous l'avez bien aimé mon histoire. Non mais c'est une belle mort, la meuf s'est fait plaisir avant de mourir. Ouais, bon. Voilà, c'était mon histoire drôle. Est-ce que je rentre au Karim Comedy Club? J'ai halluciné. T'as pas vu, j'en reviens deux minutes aux chambres là, Skyrim. Non. Alors lui c'est hallucinant, c'est genre il y a une meuf qui est en train de... Bah, c'est des posters mais de cul. C'est-à-dire qu'il habite chez ses parents, Skyrim. Je sais pas où il habite, mais par exemple sur son armoire, il y a une meuf qui est en train de se prendre une grosse tub dans la chambre. C'est une cabine de route. Elle est chaude ta chambre. Elle est contente de ta mère. Il y a des meufs à poil, genre à la Playboy, New Look et compagnie. En gros, toi, t'as pas besoin d'aller sur YouPorn pour te branler. Il suffit que tu regardes les murs de ta chambre. Tu tournes la tête, ouais. Bon, vous nous. Il y a Floflo 27. Alors lui, c'est original. C'est sa chambre. C'est un bar. En fait, il y a une collection de canettes, mais de ouf quoi. Ah, c'est canettes et bouteilles de coca. Ah, moi aussi, j'avais des bouteilles de tous bière, les pays, moi. Toutes les séries limitées qu'ils ont sorties, tu vois. Étonnant, Marielle, c'est des bouteilles de bière, tu vois. Bah, ouais. Moi, c'était les verres de bière, tu vois. Bah, ouais, putain, les vides, les bouteilles pour se rencontrer. Aussi, vides. Ouais, ouais, et bah, les verres vides, ouais. Ouais. Si en fait, chaque bière a un modèle de verre, souvent. Et ouais, moi, c'est vrai. Et moi, je les volais. Voilà. J'ai volé. Et donc, j'ai une collection. Pas cher. Une collection de cendriers aussi de bar. J'avais un truc aussi, j'avais la pub Benetton, tu sais, c'est à l'époque où ils montent. Ouais, t'avais toutes les bites et les chats. Ah, célèbre. Et j'avais ça, ouais, contre ma porte. J'avais 3 ans. Non, j'avais pas 3 ans, j'étais chez ma grand-mère, je devais, je sais pas, avoir 14-15 ans. Voilà, je léchais la porte quand j'avais ce truc-là, ouais. Il y avait plein de bites alignées, les yeux. C'est quand même extrêmement étrange, Marie. Non, mais ouais, mais bon, c'était pas très gros, hein. Ouais, vous comprenez pourquoi elle est dans cet état aujourd'hui? Non, mais c'était un petit truc. Format A4. Ça paraît clair. Ouais. Bon, traduction de bug, c'est parti, c'est l'heure du jeu que je vous avais promis avant minuit. Vous avez vu, j'ai tenu ma promesse, il est 23h12. Voici tout de suite le bug à traduire. Donc, je vous passe un extrait de l'émission. Romano essaye de nous dire quelque chose. Enfin, il prononce des mots, des syllabes, des lettres les unes derrière les autres. C'est censé faire une phrase ou un mot. Exactement, et nous, il faut qu'on découvre qu'est-ce qu'il dit. Et si vous trouvez, vous êtes le premier à trouver, ou au 41-759 sur la piste Skyrock, vous repartez avec votre magnifique maillot au choix ou votre jeu au choix. Ouais. Voici donc ce qu'il faut traduire. On joue aussi dans l'équipe, écoutez bien. Ah, je vais le remettre. Je crois savoir. Ah ouais? Ouais. Hein? Ah, j'ai une idée. Putain, ouais. Marie, t'as une idée, oula. Ouais. Bah non, mais après, j'ai. Ah, faites vos propositions. Je le remets, faites vos propositions, allez-y. On était en ligne, mais j'entends un bruit de téléphone au fond. C'était quoi? C'était pendant un double appel? C'est pas ça. Non. C'était pendant un clash? Effectivement, c'est pendant un appel, ouais. Pendant un appel. Alors, Cédric, peut-être quelque chose à proposer? Le caca, c'est bon. Non. Cédric, le m'a fait une caca, proposition. C'est bon. Vas-y, je t'ai envoyé une proposition, là. Bon, la proposition de Cédric, c'était. Boîte vocale. Boîte vocale, ouais, c'est pas ça, Cédric. Ah oui, c'est vrai, c'est pas con. Boîte vocale. Romano a trouvé. Non. J'ai dit que c'était facile. Ah ouais, oui, c'est facile, mais si, dis fou le réfléchis. Marie, elle m'a dit, ça m'est égal. Ouais, oh, n'importe quoi. Dis fou le réfléchis. Eh oh. Je réfléchis. Réfléchis avec ta tendinite. J'essaye de trouver. Qui m'a volé mon stylo, Romano? Non, il est là, il est à côté de ta télécommande. Ah, très bien. Voilà. Excuse-moi de t'avoir accusé injustement. Ouais, Romano. Ça ne se reproduise pas. Donc, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a quelqu'un qui a trouvé dans les messages, là? Pour l'instant, il y a quelqu'un, je rappelle, voir s'il décroche. Là, il y a une autre personne, là, qui a trouvé. Tac, il y a un deuxième qui a trouvé, ouais. Karim n'a pas trouvé, il m'a proposé, il y a quelqu'un, c'est pas ça, Karim. Il y a quelqu'un, c'est pas ça, alors. Putain, moi, j'en sais rien, ça, c'est compliqué. Mais si! Ça m'énerve. Mais si! Non. Marie, elle propose, le mec est mal, c'est toujours pas ça, Marie. Merde! Non, mais je trouve pas, ça m'énerve. Moi qui suis si intelligent, vous savez, je suis sous cacheton actuellement, donc. ils m'ont prévenu, ça me drogue. T'es diminué. Pierre Bélanger m'a d'ailleurs dit que c'était très bien, les cachetons, fallait que je continue à en prendre plein. Parce qu'il a écouté, il nous trouve en forme ces temps-ci, donc, continue à être drogué avec les cachetons. Mais c'est vrai que ça me fait des. C'est marrant. Ta gueule? Non. Non, c'est pas ta gueule. Est-ce que c'est un prénom? Ah, Karim, il s'approche. Mais c'est facile, on l'entend, putain. Non, mais si, ça y est, moi, je sais, je crois, si c'est un prénom. Bon, eh bien, la réponse, dans un instant, on vous la donne en direct avec le premier ou la première qui repartira avec son maillot. J'ai la gale, c'est ça? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que vous dites? Matière fécale. Je vais lire vos messages, voir si vous trouvez. Tais-toi, chacal. Non. J'ai même pas mal. Non. Difoul, t'as pas mal. Non. Difoul, c'est un régal. Non. Ah, c'est gentil, ça. Merci. Louise, c'est un régal. Ça y est, il y en a un qui a trouvé. Et Marie a trouvé aussi. Matière fécale. Ah, ça y est, j'ai trouvé, putain. Je fais quelqu'un. Non. Ta caca. Non. Je suis dans ta cave. Non plus. Il y a quelqu'un. Pas ça. Non. Il a quel âge? Non. J'aime le caca. Non. Non. C'est Cédric. Le caca, c'est bon. Caca, c'est bon. Non, moi, j'ai pas trouvé. Alors, j'ai trouvé. Matt. Ouais. Du. Ça m'énerve parce que tout le monde a trouvé avec moi. Ah ouais. Matt. Ouais, c'est pas grave, dis fou, tu as une tendinite. Ah, c'est ça. Quel suicide. Je crois que c'est en train de monter au cerveau. Mais c'est ça. Non, mais c'est que c'est le cacheton. Hein. Chaque fois que j'en prends, je suis foncedé. Ah ouais, bah. Mais ça, ça, est-ce que ça te calme au moins la douleur? Ouais, bah de moins en moins, je trouve. Ah bah voilà. Ah ouais, l'accoutumance. Bah, tu t'habitues. Ça y est, t'es un drogué. Faut que j'en prenne plus. Drogué. T'es addict. Ouais, ou d'autres. Je suis addict. Bon, tu c'est Matt. Qui a le premier trouvé la bonne réponse, ouais, et qui l'a envoyé sur SMS, sur l'appli. Tu l'as envoyé où, Matt? Sur l'appli. L'appli, bien pratique cette appli, gratuite, pas cher. L'appli Skyrock, téléchargez, vous envoyez. Et donc, Matt, tu nous as envoyé la réponse. Alors qu'est-ce que c'est? Parce que moi, je sais pas. Alors moi, j'ai dit Pascal. Pascal, c'est Pascal, la bonne réponse. Et c'est Pascal, ça. Eh ouais, tu l'entends. Pascal. Pascal. Ouais, j'entends limite anticale. Ou, ouais, mais non, c'est ça, c'est Pascal. Bonne réponse, Matt. Cacacal. Eh bien, Matt, tu viens de gagner ton maillot, ton jeu. Tu prends quoi? Ça fait plaisir. Maillot. De? Allez. Paris. Allez, le maillot de... T'as vu, Samy? Ouais, tu aurais pu prendre une équipe qui fait l'Euro. Le maillot de ouais, Paris. Non, non, je crois qu'il y a une bonne Paris. Équipe. Et voilà. Bravo, Matt. Eh bien, on t'envoie ton maillot de Paris à la maison. Paris, c'est le maillot que vous voulez, donc pour toi... Le maillot de Paris, Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain. Et, merci, et puis je vote Cédric. C'est Cédric, gentil, merci ma gueule. T'as pas vraiment des goûts de chiottes. Samy a bien raison. Non, c'est Samy, ouais. Ah, Samy, si tu m'avais dit ton cadeau avant, tu serais peut-être pas. Ah ouais, PSG, soutien Cédric, vie de merde. Méfie-toi. Donc, bravo ma gueule. Un maillot dans le 5-6 pour toi, Matt, on te remercie en tout cas, bravo à toi. Et on en fera un autre avant minuit, tiens. Allez, avant minuit, nouveau bug à traduire, préparez-vous. On fait dans un instant. Je vais vérifier quand même celui-là, il est marrant. On fait la vérification. Ah, écoutez bien. Qu'est-ce que... On parlait de quoi? On était au téléphone, a priori. Ouais, c'est ça, Romano. Non, c'est Pascal. Attends, il m'a trop demandé. Eh, la team Lebel, faut s'activer. C'est bien, bien, Pascal. J'arrive plus à parler, moi. Qu'est-ce que non, on va s'activer, la team Lebel, là. Pascal. Caca. Non, j'ai dit Pascal. Non, Pascal. Pascal. Ah oui, t'avais des problèmes. Oui, c'est Pascal. Et Cédric qui devait galérer dans le clash, parce que quand il dit Team Lebel, il faut s'activer, c'est qu'en général, Romano, il a serré. Ouais, mais non, c'est pour activer sa machine non plus. Ah, rien à voir, non. C'est que je motive les troupes, c'est ouais, tout. Ouais, c'est bien. Bon, Matt, bravo, hein, maillot à la maison, c'est parti. Ouais, merci. Et un autre avant minuit. Et vos places de foot également à gagner tout à l'heure. Et Alex, au téléphone, en direct de Paris, ce soir. Salut, Alex. Bonsoir, l'équipe. Bonsoir, ouais, Alex. Comment vas-tu? Ça va et vous? Coucou. Eh ben, écoute, ça va. T'as choisi la chambre, Romano, alors? Non, pas encore. Ah, mais arrêtez d'en envoyer parce qu'autrement on va. Bah ouais, mais bon. Ouais, là il y en a un paquet là. Attends, d'accord. Mais on a combien de chambres? Ah, je sais pas. Tu vas pouvoir toutes les regarder? Bah je sais pas. Hein. Il faut si on parle, moi il faut que je regarde. En même temps, à un moment donné, il y a trop de trucs. Son petit cerveau là, il est perturbé. Mais regardant. je t'ai nommé grand chef du jury des élections de la plus belle chambre de la soirée. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? T'en as vu une? Oh, non, mais c'est quoi? Tu es une grosse sale, Lina. T'es dans ta chambre, toi, Alex? Non, non, moi je viens de rentrer chez moi, là, je suis dans mon balcon, là. T'es sur ton balcon, tu fumes une clope. Exactement. Très bien. Cramé. Non, mais regardez. Alors, t'es choqué par Lila. Oh. Lina. Lina. Non, mais sa chambre, mais c'est... Innommable. C'est un bordel. Une porcherie. Oh là là. Il y a un ouragan qui est passé chez toi. Non, mais c'est un bordel. Non, mais il y a un ouragan qui est passé chez toi. En fait, à la place de la moquette, c'est des fringues en boule. Oui. Ah, mais il y a des trucs partout. C'est partout. En fait, ta penderie, elle est par terre. Non, mais c'est ça. Ouais, t'as une étagère, mais l'étagère, il y a des vêtements en vrac dessus. C'est et le reste est par terre. Alors, Romano, imaginons ta chambre, tu rentres tout à l'heure, elle est comme ça. Ah, c'est un plomb, je range tout. Je crois qu'il dort pas. Ah, là, je peux pas dormir. Ah, là, je peux pas dormir là-dedans, moi. Mais tu te mets sur ton lit. Non, je plie tout avant de dormir. Ah ouais? Puis t'as pas dormir. Non, je te jure, c'est. Non, et puis avec le linge, moi, je suis un peu maniaque. Et t'apprends que c'est le chien qui a rangé la chambre. Parce qu'il a trouvé ça sympa, il trouvait ça mignon, avec des fringues. Non, mais le chien, en fait, son délire, c'est quand je plie le linge, souvent, tu sais, je le plie sur le lit. Oui. Et en fait, il arrive et genre, je fais un tas de fringues et ce con, il s'allonge et avec ses pattes, il donne des coups de dents. Ouais, voilà. Et ma meuf, elle est là. C'est mignon. Elle rigole comme une bécasse. Je dis, ouais, c'est super drôle. C'est super drôle. Et toi, t'es à bout. Ouais, c'est ça. Donc le chien, il se prend une baffe. Bon, la plus belle chambre de la soirée, tu nous dis. Ouais. Allez, on te laisse 10 minutes pour faire l'élection. Là. C'est bien, tu te sens. C'est bien, non? Ouais, bah c'est bien, ouais. Responsable des chambres. Tu te sens un peu. Fais son petit. Valérie ouais, Benigno. Mais putain, les couettes sont mal tirées. Hein. Non, bah, ça, c'est vraiment un toc que t'as. Ça, on connaissait pas, tu vois. Le truc de la couette tirée, ça, j'en reviens pas. Non, mais toi, Alex, par exemple, ton lit, tu le fais tous les jours? Ah oui, tous les matins, moi, direct. J'imagine, t'as une couette. Ouais, bah oui. Mais est-ce que tu la tires bien, tu sais, qu'elle soit bien lisse? Bien à plat. Voilà, ma couette, elle est pleine de sperme. Ah bah ça va. Cédric. Ah non, pense. Oh là, j'en ai mis plein partout. Oh là, il y a du caca aussi. Elle est toute roulée. Il y a du caca. Non, ça va. Ça t'est jamais arrivé, Cédric, de dormir dans ton lit avec du sperme dedans? Jamais. Ah, ça se voit ta gueule, tu mens. Bah après, une petite. Sperme de tes potes. Une petite branlette. Non, tu fais ce que tu veux avec tes potes, Samy. Moi, ça va. Tu pourrais t'essuyer. Mais ah, mais des fois, dans ma couette. Moi, non, j'ai craché dans le lit. Là, mais des fois, tu finis, blam, tu te dis, c'est pas grave, tu laveras les draps le lendemain. Si vous dormez dans le lit, Cédric, faites gaffe, c'est dégueulasse, il y a du sperme de partout. Non, pas partout. Ah, tu chécras dans tes draps, quoi. Bah, ça m'est déjà, genre, ça t'est jamais arrivé. Ah, non, non, non. Oh là, je me... si je me branle dans mon lit, je m'essuie la bite, je prends un. Ah, non, moi, je m'essuie pas, mais je me crache dessus, moi. Ouais, mais pas sur ton drap, tu vois, lui. Ah, non, non, ouais, pas direct dans le lit, ouais. Non, pas direct dans le lit, mais tu te craches dessus, après, ça, tu, quand tu dors, tu. Bah, ça coule, mais moi, en fait, tu sais, je fais tampon avec mon calbut. ça colle et ça arrête la coulure. Ça coule plus, quoi, il n'y a plus de coulance. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, des fois, ça dépend, ça coule moins parce que moi, j'ai le sperme épais. Il est un peu plâtreux par moment. Bah, c'est pratique, ça tâche. Non, mais ça, ouais, tu vois, ça coule moins, ça a des avantages. C'est mieux pour les tâches. Bon, bah, tiens. On te salue, c'est Sergio qui nous envoie un message, qui est en train de se branler et qui nous écoute. Je le mets où, le sperme, il nous dit. Dans le lit de Cédric. Allez. Non. Voilà dans ma bouche. Attends, Ah, peut-être dans la tienne, mais pas la mienne, non. Voilà. Pas possible. Il faut toujours avoir un mouchoir sur soi. Bien vu, Ken Duff. Ah, moi, je déteste. Moi, il faut que je me jute dessus, moi. Ah, voilà. Tiens, tu vois, il y a Renard qui nous dit, Romano, tu es sale à te juter dessus. Non, mais je suis pas sale. Déjà, c'est mon sperme, tu vois. C'est à lui. Laisse-moi faire ce que je veux. Ah, et on salue ceux qui sont en train de bouffer. Vous me donnez envie de vomir. C'est pas une heure pour bouffer. Moi, je suis désolé. On parle de sperme. Et un message de Jules du 02. Moi, j'étale sur le torse. C'est trop bon. Et j'en bois un peu aussi. Oh non. Jules, tu dégoûtes. Bon, toi, tu nous appelais Alex. Pourquoi déjà, dis-nous. Ouais. En fait, déjà, du foot, c'est pour ton dignité. Hein. Ouais. Oh non, c'est pas t'y mettre, Alex. C'est gentil. Non, mais la meilleure chose, c'est de faire de la cryothérapie, en fait. Ah, je te l'ai dit. Donc, le truc du froid, c'est ça. Je te l'ai dit, Diffoul. Ouais, ça, c'est parce que, en fait, mais après, il faut se mettre un peu au chaud aussi. Parce qu'en fait, c'est bizarre, j'allais te dire, parce qu'on m'a dit de garder l'épaule au chaud. Ouais, parce qu'en fait. Avec le froid et après le chaud, en fait, ça va renforcer ton muscle. Surtout le froid, c'est anesthésie. Non, mais et vous savez que ça fait une semaine que mon bras il bouge pratiquement pas et j'ai le bras de tout maigre, il reste pratiquement plus que l'os. L'os, c'est un petit muscle dessus. Ouais, non, mais en même temps, et si ça peut te rassurer, l'autre de l'autre côté n'est pas plus gros. Sauf que si Romano regarde, quand je fais une flexion. Non, mais ça, c'est dans ta tête. C'est pas en une semaine que t'as le bras qui. Si, quand même, si tu le bouges pas, si ton bras. Non, mais t'as regardé son bras, mais il est pas. Non, ça se voit pas, Fais voir ton bras là quand tu le. Quand tu veux sortir la boule. Sortir la boule, c'est pas une boule, c'est un muscle. Le muscle, la boule muscle. Ça sert à rien, Marie. Ça sert à rien. Ok. On est à la radio. C'est vrai, on demande des trucs. Non, mais moi, je voulais voir. Vas-y, montre-nous ta chatte. Ok, d'accord. Ah merde. Elle le fait en plus. Oui. Et donc, Alex, ouais. La cryothérapie. Ouais, la cryothérapie, franchement, je l'ai fait pour ma jambe, mais franchement, ça marche bien. Mais tu fais ça où? J'espère que ta jambe marche bien. Ils t'ont mis dans une chambre froide? Non, en fait, c'est comme des grands bacs un peu. Comme des baignoires. Comme les footballeurs, ils font là. Ouais, c'est comme un bain, mais levé, en fait. Ah, c'est comme un tonneau, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et tu rentres dedans, ouais. Ouais, comme les footballeurs. Tous les sportifs font ça, en fait, après les matchs, ouais. C'était ouais, genre, à moins 90 degrés dedans, quoi. Hein? Mais c'est calculé, hein. Tu peux pas le faire au hasard comme ça. Moins 90 degrés. Ouais, faut que tu calcules le nombre de minutes que tu restes dedans selon l'effort que t'as fait, quand c'est que tu rejoues derrière, tu vois. Putain, mais t'as le sexe qui rentre, non? Quand t'es là. Ouais, ça doit être chiant. T'as un caleçon. Ah, mais tu vas en caleçon, C'est pas ça qui va te réchauffer non plus. Non, si, un caleçon en fourrure. Non, et puis, Marie, vraiment, si t'as froid dans le tonneau, tu pisses, et puis voilà, quoi. Ah, bah, c'est vrai. Comme ça, t'en laisses un peu pour le prochain. Ça va. Bon, là, je t'ai laissé un cadeau. Plus gelé, En bas, c'est un peu plus chaud. Tiens, regarde, on nous dit, Zohir, qui nous dit, si, en 3 jours, sans bouger, on commence à perdre du muscle. Ouais. Pense à muscler ton bras après ta convalescence, dit Renard. Non, mais c'est gentil, tous vos messages. Non, mais n'importe quoi. Il y a Manu, Ah, mais non, c'est un autre sujet, pardon. Manu, lui, il a giclé dans le lit d'une pote pour son anniversaire. Oh non. Allez, tiens, cadeau. Manu, 20 ans, Manu le TC. Écoute, c'est gentil. Et toute ta musculature est dans ta troisième jambe, dit Foul. Mais tu me connais bien, toi, dis donc. Bien sûr. C'est Ken qui en envoie ça. Et pour Lily, c'est hyper cher la cryothérapie. T'inquiète pas, dit Foul, a les moyens. Non, mais ça, tu pourrais me. Si tu vois, si vous voulez. J'ai pas de carte bleue. Donc vas-y, balance ma bande annonce de montée radio. Ouais, ça fait 15 jours que j'ai pas de carte bleue, je fais pas chier le monde. Oh non. Le mec nous en parle. Et en plus, je te demanderais bien de. On y a même droit en antenne en plus. Ah, mais ouais, évidemment, ça me rend ouf. Qu'elle en a pris pour son grade, la meuf, ce matin. Diffoul, tu me fais trop rire. Pourquoi je te fais rire? Stop ton cinéma, Diffoul, nous dit oui tout. Et non, mais en plus, je ne fais pas de cinéma, je souffre le martyr, comme dit ma mère. Ah bah, s'ouvre en silence.

you make you a lot of money. No killers pull off any in the baby. CTDD pull off any killer, baby. Call a feeling, feel like gon' feel it, baby. Look up in the baby, gon' drill it, baby. Fuck, gon' kill it, baby. Get it. I got broads, yeah, I get it. I got cars, yeah, I shoot it. It's how I live. Did it all for a ticket. I flood the bonds when he spending it. Bobby be trending. Chop the dawn, doing business in the rave. Doing the fool, I'm doing the feeling. I be getting to the chicken, count to the chicken, and all of my niggas be feeling. Panda. Panda. Panda, panda, panda, panda. I got broads in Atlanta. Just a dolly in the family. Credit cards in the scammers. Hitting the licks in the banner. Legacies, family. Wait and see, look like a panda. Going out like a Montana. Honey killers on the helmets. Legacies, family. Wait and see, panda. Pockets full, Danny. Selling ball, candy. Been on the macho like Randy. The chopper go out to for Grammy. Then nigga pull up your band. Hope you killers understand me. I got broads in Atlanta. Twisted the lean in the family. Credit cards in the scammers. Hitting the licks in the van. Legacy, family. Why is it look like a panda? Going out like a Montana. Honey killers on the hands. Legacy, family. Why is it panda? Packers full, Danny. Selling ball, candy. Been on the macho like Randy. The chopper go out to for Grammy. Then nigga pull up your family. Hope you killers understand me. Panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda. Panda, sur Skyrock, on écoutait Designer. Come on! 21h minuit, la radio libre de Tifoul, seulement sur Skyrock. Alors, oui, on est toujours là. Ben, je sais qu'on est là. On est avec Alex au téléphone avant minuit. Les places de foot à gagner, je vous donne le top. Il est quoi, 11h32? Allez, dans un quart d'heure, on vous donne le top pour vous inscrire. N'oubliez pas, vous gagnez tous les matchs de l'Euro sur Skyrock. Et ce soir, c'est Irlande du Nord, Allemagne à Paris. Le match à gagner, c'est pour vous tout à l'heure. Du MHD à écouter aussi. Et vous allez connaître le grand verdict de cette soirée pour l'élection de la plus belle chambre de la soirée. Mais comment t'as fait? Parce que t'as pas pu... Putain, je me tâte un peu là. Puis t'as pas pu toutes les voir, les photos. Non, là. Mais alors bon, déjà, je vais faire une catégorie spéciale. On va vous mettre d'ailleurs les photos sur le net. Pas toutes, parce qu'on pourra pas. Ouais. Mais on va alors, je vais faire une catégorie spéciale pour la chambre la plus bordélique. Voici donc les awards de la plus belle chambre, mais également les awards de la chambre la plus bordélique ce soir. Pour la chambre la plus bordélique, il y en a deux en particulier. En deuxième position, je mettrai Mister Chocapic. Mister Chocapic, tu es deuxième. Mister Chocapic, parce que c'est mal écrit, donc je ne sais pas. Avec donc c'est lui où il y a les restes de bouffe par terre, le lit en vrac. Et alors là, c'est les chips. Et les chips, ouais, il y a tout, il y a des paquets de chips, des paquets de gâteaux, des bouteilles de Coca. Et des Chocapic. Je ne sais pas s'il y a des Chocapic. Mister Chocapic, tu es première dauphine. Faut comme ça, Miss France. Ouais, c'est ça. Tu es première dauphine dans le classement de la chambre la plus bordélique. Ouais. Bravo. Et le prix de Miss Bordélique. Ah, c'est une fille. Ah bah ouais. C'est Lina dont on parlait tout à l'heure. Là, on va vous mettre la photo. Ah ouais, c'est un bordel. Ah oui. C'est phénoménal. C'est extraordinaire. Tu gagnes. C'est la tornade qui est passée dans sa chambre. Ah bah ouais, elle peut plus marcher. Ah bah là, il y en a partout. Ouais, c'est ça. Vous voyez, c'est du propre, c'est à peu près pareil sans la saleté. Hein. Oui, c'est propre, c'est bordélique. Ah bah il y en a partout. Ouais. Il y a Ultimate Gaber, il a une chambre marrante, mais alors toi, c'est ta chambre, c'est un magasin de chaussures. T'as des chaussures partout là. Ultimate Gaber qui nous envoyait ça. Ah, Flo, j'ai bien aimé Flo avec ses bouteilles de partout là. Ouais, celle-là, elle était sympa aussi. C'est une chambre pour alcoolique, c'est pas mal. Ouais, c'est ça, ouais. Je valide. Ou pour un futur barman. Et puis j'ai bien aimé aussi celui que t'avais montré tout à l'heure avec les photos de cul au mur Skyrim. Ouais. Ah, Skyrim, original. Ouais, pas mal. Sinon, il y a des chambres, peut-être, sont super clean. Je vois Titi Cimetière. Alors lui, c'est vrai. Dire un hôtel. Elle est clean. Bah, c'est vrai que, oui, il y en a plusieurs comme ça. Ce qu'on disait, on dirait un lit d'hôtel, c'est à l'ancienne, dans les hôtels Ibis, c'était les mêmes lits. Ouais, en bois. Peut-être que tu l'as récupéré, hein. Putain, c'est clean ta chambre, il y a pas. Tu vois, par exemple, une chambre que je trouve super jolie, c'est Diesel. Diesel, il y a pas grand chose. Bah ouais, c'est bien. Mais moi, c'est ce que j'aime bien, tu vois, c'est bien rangé. C'est propre et tout, sympa. Tu vois, il y a un beau lit, le lit m'a l'air plutôt bien fait. Il y a vous avez remarqué qu'il était maniaque du lit ce soir. Hein. Ouais, non, mais il y a un meuble télé, tu vois. Après, à côté, il y a un petit bureau avec l'ordinateur. Tout est bien rangé. Il y a un tapis. C'est assez cosy, il y a des petites lumières. Ouais, ben moi j'aime bien. C'est un peu sous les toits, mansardé. Ouais. C'est joli, Diesel. Il y a Kelvin qui nous envoie sa chambre aussi. Avec la petite télé, t'as la même baie vitrée que chez moi, toi, dis donc. T'es peut-être mon voisin, Kelvin. Bah, c'est possible. Et Nabil aussi, une petite chambre toute simple. Nabil, un petit lit, une place. Tranquille. Toi, t'as rien dans ta chambre. C'est un peu comme moi. Moi, il y a un lit. Et c'est tout. Pas de télé dans ma chambre, par exemple. J'aime pas la télé. Ah ouais, moi j'ai été libre. Tu sais qu'il y en a qui disent que c'est un tue l'amour. Ouais, il paraît que c'est ouais, bon. Ouais, moi je préfère baiser tranquille. Ouais, moi aussi, moi. Moi je peux baiser devant la télé aussi. Ouais, mais non, moi, tu sais, soit je peux pas regarder la télé, mais tellement je la baise. C'est bien quand tu te fais sucer, par exemple, t'es dans le lit, tu regardes un truc. Ouais, mais non, mais tellement elle me suce bien, j'ai pas le temps de regarder. Moi j'ai les yeux fermés aussi, pareil. Bon, alors les trois chambres que t'as choisies, c'est lesquelles, Romano? Bon, il y en a quatre du coup. Ah, t'en as pris quatre. Bon, il y a Diesel là, dont je vous parlais, que j'aimais bien. Qui gratte. Bon, il y a AD du 06, pareil, il n'y a pas grand chose, mais j'aime bien. Mais alors, par contre, juste un petit bémol sur le tirage de la couette. Oh, ah non, ah ouais, ça va pas, non. Non, non, la couette, ça ne va pas. Non, non, ça, on est d'accord, Marie. Ah non, ça va pas. Regardez-moi ces deux groupes. Et le drap n'est pas entré sous le matelas. Ça va pas du tout. Non. Mais sinon, j'aime bien. C'est que vraiment basique, mais c'est, j'aime bien. Il y a coupé-tasse. Ça, je pense que c'est plus une chambre de fille. Il y a un mur rouge, une couette relativement bien tirée, une belle lumière. Le ouais, c'est vrai. Après, les chambres qu'il aime bien, c'est quand les lits sont bien faits. Ça a l'air bien rangé. Et le quatrième, c'est Orient. Alors lui, c'est une chambre de geek. Il y a déjà rien que sur le bureau, t'as deux claviers. Ordinateur, un ordinateur portable. Sur le côté, t'as d'autres écrans, t'as l'air d'avoir des autres machines en dessous. C'est la chambre du geek, c'est Orient. Et j'en regarderai, j'en sélectionnerai peut-être d'autres, parce que bon, ça arrive au fur et à mesure et je les ai pas toutes là. Moi, je préfère la première là que tu nous as montré. On va vous les mettre sur le net de toute façon là. Comme ça, vous pourrez mater. Tu les mets à part, les tiennes, la sélection de Romano, les plus bordéliques. Et les deux plus bordéliques. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis les quatre que t'as trouvé les plus belles. Ouais, voilà. Vous nous dites, vous, hein. On va tout vous mettre. Bon, on met ça d'ici minuit tout à l'heure. On a Alex au téléphone avec nous en direct et puis on devait traduire un autre bug. On le fait juste après Alex et on fera les inscriptions pour la roulette. Alors Alex, toi tu avais trouvé des objets parce que tout à l'heure on a parlé de ce magnifique rouge à lèvres en forme de bite. Ouais, c'est ça, ouais. Absolument, oui. Absolument. Pamela, d'ailleurs, allait faire du radio achat tout à l'heure en direct. Ah, j'adore, j'ai adoré. On pourra le refaire. Oui, on fera, ouais. Non, mais il y a le gland, mais il y a aussi les veines et tout. Enfin, c'est Ouais. Bah, c'est la bite entière, ouais. Avec le bout, c'est un gland. Et elle est bien veineuse ou pas? Ah, bien veineuse. Bah, ouais, d'après ce que j'ai vu. Il y a plusieurs modèles. Hein. Très bien. Il y a plusieurs tailles, plusieurs couleurs. Ah, ouais. Alors, Romano. Oui. L'objet de tout à l'heure, c'était le magnifique rouge à lèvres en forme de bite. Qu'est-ce que tu nous proposes pour Pamela, Alex? Ouais. Alors, moi, on va faire un petit top 3. Alors, en troisième position, il y a les chaussons en forme de bite, en fait. Les chaussons en forme de bite. Que c'est joli! Ah, mais ça me dit quelque chose. C'est mignon. Non, mais en tout cas, si vous cherchez des cadeaux à la con à faire à un pote pour son anniversaire, tout ça, c'est marrant, ça. Non, mais c'est vrai que c'est des trucs marrants. Oui, ouais, c'est rigolo. Les chaussons en forme de bite. Bon, en fait, c'est deux chaussons et puis dessus, il y a deux gouttes de chaque côté, quoi. Eh, j'en veux. Ah, j'ai une moins de deux douzaines de chaussons. Ah, mais c'est carrément des godes. Ouais, c'est carrément des godes, en fait. T'as, tu fous un coup de pied. Ah, puis c'est propre, parce que tu marches par terre et après, tu te le fous dans le cul. Ouais, c'est ça. C'est propre, au niveau hygiène, c'est top. C'est pas mal. Non, c'est peut-être au-dessus, le god. Au-dessus de quoi? Bah, au-dessus du pied, là, tu sais. Tu marches peut-être pas dessus. Oui, enfin, même. Ouais, même, ouais, t'as raison. Bon, attention, moi, je note les... Vas-y, ouais. Les magnifiques. En deuxième, alors. Ah ouais, après. Au numéro 2, c'est pour la déco. C'est la petite lampe en forme de sexe aussi. Ah, ça les filles, si vous voulez faire votre effet, quand vous recevez un gars à la maison, dans votre chantier, pour la décoration d'une chambre, d'ailleurs ça ferait plaisir peut-être à vos parents aussi. Bah oui, sur la table de nuit. Sur la table de nuit, en forme de bite. Et vous pouvez vous en servir en même temps. Et en même temps, vous pouvez vous en servir, mais par contre, faut bien vérifier que ce soit éteint. Ouais, parce que ça peut être chaud. Oui. Voire brûlant. Ouais. Voire électrocutant. Non mais t'imagines, t'arrives chez une meuf, elle t'accueille, elle est en chaussons god là. Ouais. Tu vas dans sa chambre, t'as une magnifique petite lampe en forme de bite, tu te dis celle-là elle est bien amochée quand même. Ouais, ou alors t'es en chien et tu te dis putain je vais la baiser, ouais, ça va être la folie. Je vais la baiser sévère. Ouais. Ah ouais, ça va être elle n'en peut plus, tu sais. La déco. Et alors, on a les deux premiers, le troisième et le deuxième, il nous manque le premier maintenant. Alors le premier, franchement, c'est très très bizarre, comme j'expliquais Samy au stand-up. C'est une totote pour adultes. Ah celle-là elle est pas mal, ouais. Une totote pour adultes, en fait, au lieu que ce soit la petite languette comme il y a pour les enfants, en fait, c'est... Interne la bouche. C'est voilà, c'est un zeb. Oh. Mais la taille, c'est la taille d'une totote ou alors c'est plus gros? C'est un tout petit peu plus gros. Mais je voudrais la maxi totote, s'il vous plaît, pour moi. Voilà, si vous avez une petite sœur, un petit frère, cousin, cousine, neveu, nièce, un cadeau original qui fait plaisir aux enfants et aux parents. Mais c'est une très bonne idée, mais bien sûr. Et pour Marie aussi, d'ailleurs. Ah, mais c'est quoi l'intérêt? Ah, bah, c'est sucé. Ah, oui, j'adore ça. Non, mais à mon avis, tu peux te la coller dans la moule. En tout cas, je voudrais saluer les auditrices de Lille qui étaient allées enterrer leur vie de jeune fille. On était à l'aéroport, je les ai croisées à l'aéroport, elles n'arrêtaient pas de me regarder. Et moi, ça m'inquiétait un peu parce qu'il y avait une des filles qui avait une bite, enfin une espèce de capote bite sur la tête, et elle avait cette totote autour du cou, la totote en forme de bite. Ah, sympa les copines. Et elle se baladait dans l'aéroport comme ça, elle n'arrêtait pas de me regarder, j'ai dit c'est qui cette folle. Et en fait, tu étais une auditrice de Skyrock, donc je tiens à te saluer, toi et tes copines, c'était une dizaine de copines, elles allaient à Milan pour... Elle a pris l'avion comme ça, avec une totote. Ouais, tout le voyage comme ça. Ah oui, avec le chapeau aussi. Auditrice de Skyrock, mais quand même folle. Ah ouais. J'avais promis que j'en parlerai dans l'émission. Je les embrasse, les filles. Donc, voilà, vous. Ouais, et bon mariage. Ah, maintenant, oui, c'est bien parti, que je lui ai dit. Puis Marie qui te dit ça comme ça. Bah oui, bon mariage. Ah, bah non, mariage, ma pauvre. Ah, bah t'as pas de bonheur. Je lui ai dit, les choses difficiles vont commencer maintenant. Ah ouais. Ah bah, sympa, dit Foul aussi. Profite bien de ton enterrement de vie de jeune fille. Non, mais vas-y, ce qu'on fera, Alex, là, pour les objets, on essaiera de les vendre aux familles avec Pamela. Oui. Un de ces quatre. Ah oui, carrément, avec plaisir, ouais. Et Alexandra pourra venir faire un tour si elle veut. Ah, bah, y a pas de problème. Et nous aurons Gérard avec nous. C'est moi, Gérard. C'est Gérard. D'ailleurs, pourquoi tu m'as appelé Gérard? Ça craint comme prénom. Ouais, je trouve ça faisait bien téléachat, tu vois. Oui, ça fait téléachat, mais ça me va pas. Tu me vois pas m'appeler Gérard. Bah non, mais bon, c'est pour l'émission du téléachat. Bon, mais en tout cas, on te remercie. Merci, Alex. Merci de ces beaux objets, de ces belles idées cadeaux. Et on t'en retrouve vite. Salut, Alex. Je peux passer une petite dédicace? Vas-y. Ah, je passe une petite dédicace à tout mon réseau de potes quand vous écoute tous les matins et tous les soirs. Eh ben, salut tout le réseau. Voilà, et grosse dédicace à vous tous, grosse dédicace à Samy aussi. Yes. Et on n'oublie pas Momo. Et ben merci à toi. Salut, ouais. Alex. Raccroche pas. Voilà. Bisous, Alex. Ciao, Alex. Bisous. Attention, je vous ai promis un bug à traduire. C'est l'heure maintenant de traduire le deuxième bug de la soirée. Donc, un deuxième maillot à gagner. Ou alors, un deuxième jeu. Vous prenez ce que vous voulez. Allez. Il faut juste arriver à traduire le bug. Alors, allez. Qu'est-ce que ça veut dire quand tu dis ça, Romano? Écoutez bien. L'inonéum. Mais c'est facile. Ah ouais, tiens. Il le dit au début. Ah ouais, bah peut-être. Bah oui. Attends, Romain, j'ai pas entendu. Eh ben, c'est un bug de rapidité. Il y a un piège, non? Non, pas forcément. Ah non, il n'y a pas un piège. C'est juste drôle. Alors, vous, oui, c'est vrai qu'il est pas mal, mais vous nous laissez vos réponses. Qu'est-ce qu'il dit? Non, ce n'est pas hélium. Déjà, les trois premiers se trompent. Ah, vous n'avez pas trouvé. Ni lion, ni homme, c'est pas ça non plus. Non, ni lion, ni homme. Hélium. Ah, je pensais à hélium aussi, ouais. Non, mais tu sais que même le mot. Aluminium. Non, je sais. Je suis incapable de te le dire. Je sais. J'étais en train d'y penser parce que j'ai trouvé le bug. Oui. Mais le vrai mot, j'arrive pas à le dire non plus. Tu le dis presque au début, écoutez. Linonéum. Mais comment ça se dit, cette merde? Je vais pas le dire. Bon, ça y est, Bon, vous avez trouvé. Ah, il y en a plein qui disent aluminium, non, c'est pas ça. Non, ce n'est pas aluminium, ni lion, ni homme. Putain, mais il y en a plein qui ont dit ça, c'est marrant. Et Marie, elle me dit imodium, non, c'est pas ça. Bah ouais, c'est un médicament. Mais pas du tout. Mais non, Marie, c'est pas ça. Bah ouais, mais je cherche. T'es, mais t'es bébé, t'as pas trouvé. Il y en a qui disent Guillaume. Tu vois, Guillaume. Je pensais qu'il était facile. Non, c'est pas ça. Je pensais qu'il était simple, mais. Ouais, c'est ça, Karim, il l'a trouvé. Linoleum. C'est pas millénium, c'est pas. Non, mais tu sais que moi, j'ai trouvé la bonne réponse et je sais même pas c'est quoi. C'est pas minimum, c'est pas maximum. Je sais pas ce que c'est. C'est pas mobilum. Bah, c'est un peu dans la décoration encore. Ouais, c'est ça, on est dedans là. Putain, on a fait une soirée déco ce soir là. Ah ouais, totalement, ouais. Déco. Alors, le premier ou la première, on le retrouve dans un instant. Linoleum. Il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire. Elle est mignonne non plus, John Doe. Non plus, ouais. Bon, alors, une petite question express que je voulais vous poser. Question express. Ouais, je l'ai vu tout à l'heure, je l'ai noté, je l'ai mise là. J'ai des soucis, c'est ça. C'est Maywen. Maywen qui nous a posé une petite question en une ligne. J'ai des soucis, j'ai trop envie de sexe. Je voudrais des conseils pour arrêter. C'est parce que c'est le ramadan. Attends. Bon, la première question que je pose, c'est, mais pourquoi arrêter? Ouais, exactement. Moi j'allais dire, fais l'amour. Bah ça fait du bien, donc c'est alors, cool. Après c'est vrai que si t'as envie toute la journée, je sais pas, si par exemple tu es en train de regarder la télé avec la famille et que tout à coup tu as envie de sexe, je peux comprendre bizarre, que tu as envie d'arrêter à certains moments de la journée. Ouais. Mais après si elle a pas de mec, ça peut être un petit peu chiant. Bah, c'est vrai. Elle a 15 ans. Il y a les doigts. Hein. Ouais, si elle a pas de doigts, c'est chiant. C'est ça aussi, c'est un peu moi, je pensais c'est parce que c'est la période du ramadan et ça te monte à la tête. Écoute, à condition qu'elle le fasse. Ouais, ça te monte à la tête, toi. Putain, moi j'ai envie de ken, mais je sais pas pourquoi. Mais t'as pas le droit. Tu te fais laver de tes péchés, mon frère. Bah moi, mon frère. Hé, Rouya. Mon frère. Ce que je pense, Dieu le sait. Donc si je te le dis, c'est pas grave. Non mais Rouya, c'est pas bon ça. Champion, mon frère. Bah non, pas champion du tout. Ah, je te le dis. Non mais non, c'est pas parce que t'as cassé le jeu. Non mais logiquement, c'est tu. Non, je t'ai dit. Tu dois pas avoir de pensées comme ça, mon frère. Bah ouais, mais je les ai. Donc Dieu sait, connaît mes pensées. Donc si je te le dis à toi, ça va rien changer. Dieu le saura quand même. Dieu sait que tu es vilain. Ouais, là, c'est vrai, ouais. Je suis vilain, man. Tu as des vilaines pensées. Ouais, mais je sais pas, pendant le ramadan, ouais, c'est. Ouais, mais attends, ça a commencé depuis deux jours. Ouais, bah depuis deux jours, c'est la folie, man. Alors, dans deux jours, qu'est-ce que ça va être? Ah ouais, ouais. Et dans un mois. Samy, dans deux jours. Ah ouais, c'est toi. Faites gaffe si vous croisez Karim. Ça va pas pouvoir s'en tenir. Sérieux. Comment la fin? Non, mais quand t'as envie de sexe, bah, t'as plusieurs solutions. Ou t'as un mec à la maison. Bon, t'as 15 ans, c'est pas sûr qu'il soit à la maison. Mais ou t'as un mec et tu peux attendre jusqu'à ce que ton mec arrive. Ou alors. Bah, tu te caresses. Tu n'as pas de mec, tu te satisfais tout seul. Ou alors. Ah, ou alors, comment on fait pour se calmer? Mais il y avait des médicaments qu'ils donnaient aux militaires à l'époque pour pas qu'ils s'enculent. Je crois que c'était du bromure. Oui. Hein? Parce que les militaires qui partaient entre mecs, ils voulaient pas qu'ils s'enculent. Donc, en gros, parce qu'au bout d'un moment, ils craquaient. Eh ben, ou alors qu'ils enculent des chèvres. Ouais. Il y avait les chèvres aussi. La chèvre faisait mais. Ah bon, et le militaire faisait il n'y a pas de mais. Il n'y a pas de mais, j'y vais. Donc il donnait un cachet, c'est le bromure, c'est ça. Je crois, ouais. Bromure, ouais. Ça dit quelque chose, ça. Ouais. Mais il faisait quoi, ce cachet? Bah, ça t'empêche ou de bander ou d'avoir des désirs sexuels. Je crois que ça te coupe tout, ouais. Ouais, ça te coupe tout. Mais s'ils ont envie de s'enculer, ils font ce qu'ils veulent, non? Non, non, mais ils peuvent plus. Mais non, mais ils étaient là pour faire la guerre, pas pour s'enculer. Voilà. Ouais, ouais. En fait, les mecs, c'était un truc psychologique. C'était aussi pour que les mecs ils sont en condition pour aller buter d'autres gens, c'est horrible, mais bon, c'est la guerre. Ouais, s'ils pensaient qu'à ça, en fait. Bah ouais, ouais. Pour qu'ils ne pensent qu'à la guerre. C'est ça. Et ouais, là, faites l'amour, pas la guerre, on vous le dit souvent. Hein. C'est ça. Et ouais. Bon, on prend le gagnant, peut-être. Ouais, bah oui. Ouais. Il est où? Elle est là. Elle est là. C'est pardon, fille. C'était une fille. Bonjour, mademoiselle. Ça va? Ouais. Salut. Alors, tiens, justement, on va te poser la question à vous, puis vous nous dites comment vous faites pour vous passer de. C'est ça, j'ai trop envie de sexe. Pour calmer vos envies de sexe. Bon, moi, je dis une petite branlette. Alors, pour toi, mais ouais, une fille, a priori. Donc, la petite branlette se transforme en petit touchotage. Ouais, bah oui, oui. Bah, et bon, ça vous calme, ça, les filles, un petit touchotage, Marie, quand t'es, quand t'as envie de sexe et que tu es toute seule, ça calme vraiment pour vous? Ouais, bah ouais, ça calme. Parce que une bonne branlette, ça calme, hein, bah ouais, non, mais la même, hein. Bon, bah, écoute, on peut te dire ça, Maywen. Ben voilà. Alors, Ophélie. Branle-toi bien, ouais. Allez, gonne-toi. Alors la bonne réponse, écoutez bien, voici le bug, celui-ci. L'inonéum. Voilà. Et donc toi t'as compris ce que disait Romano et bravo Ophélie. C'est gentil. Donc c'est linoléum. Linoléum, c'est bonne réponse, Ophélie. Ouais, c'est ça. Et c'est en fait, ça. C'est pour Karim qui ne sait pas ce que c'est. Et tu dis, moi, intelligent dans l'émission. C'est un revêtement de sol en plastique. Voilà. C'est le lino. C'est le lino. C'est ça. Et le vrai nom, c'est linoléum. Ah, tu savais pas ce que c'était? Non. Ah, ben voilà. Ben, comme ça, vous avez plein. Maintenant, vous irez à Saint-Maclou, vous direz, je veux du lino. Ouais. Fais-moi du lino demain. Allez, fais-moi triper, mets-moi 2 mètres carrés de linoléum. Et toute votre vie, vous rappellerez que vous l'avez appris grâce à un bug de Romano. Le bug. L'inonéum. Ouais, tu vois, moi je demande du parquet ou de la moquette, ouais, si j'arrive pas à dire le nom. Ou du lino. On écoute la vérification. Allez. Pas de faire soigner. Pourquoi vous dites ça? Ah, c'est pour Diffoul et c'est un tendinite, toi. Non, je suis pas sûr. Je sais. Pour toi, je crois. Alors, vérification, on écoute au bout de l'émission dans laquelle tu avais dit, où tu nous parlais de l'inonéum. L'inonéum. Je sais pas comment c'est. Du lino. L'inonéum. Voilà. J'ai pas eu dans le dos. J'ai eu monté sur le lino. Mais pourquoi tu t'es lancé là-dedans? Mais parce que l'auditrice qu'on avait en ligne, elle nous parlait de lino et j'ai voulu faire le malin en disant linoléum. C'est le mec qui connaît, quoi. T'as voulu faire le malin. Et ben voilà. Tu viens de gagner, bien joué. Ah ben bravo. C'est gentil. Bravo, Céline. T'as 22 ans. T'es dans le nord, t'es où? À Arras, toi? Ouais, Arras. Et il y a eu des gros orages cet après-midi? Ouais, quand même. Ah, aussi à Arras, parce qu'on a vu les photos que vous nous avez envoyées tout à l'heure, elles sont sur les réseaux Sky, là. Ouais. Les réseaux de Sky. Ah ouais, vous avez pris la flotte. Ah, c'est assez impressionnant. Ouais, c'est impressionnant. Ouais. En 10 minutes, t'avais toutes les rues qui étaient inondées. Ah, ouais. À Arras, les rues s'étaient transformées en fleuve. Moi, je suis pas trop. Je suis à côté d'Arras, donc t'as pas trop touché. Ouais. Bon, bah écoute, tant mieux. La chance. Bon, ouais. T'as une grosse bise. Et on t'envoie ton jeu ou ton maillot, tu veux quoi? C'est un jeu. Eh bien, on t'envoie ton jeu. Tu veux le jeu? Tu sais lequel? Ouais, c'est un jeu de PS4, c'est Doom. Doom. Ouais. Doom, on t'envoie Doom. Oui, c'est mieux. Mais enfin bon, on t'envoie le jeu, tu vas le recevoir à la maison. Salut à toi, Ophélie. Merci. On te fait un gros bisou. Ciao, Ophélie. Merci beaucoup. Bon, tu vois, Romano, c'est bien, on a fait un cadeau grâce à toi. Et en plus, on apprend des mots. Exactement. Ouais, ouais. Bon, Cédric, tu nous as pas dit ce que tu faisais quand t'étais excité, que tu étais tout seul, mon pauvre. Ouais. Donc, c'est ça dire tout le temps. Bah ouais. Je pense à toi, Diffoul. Oh. Non, je rigole. Mais en plus, il est capable. En plus, c'est vrai. Non. En plus, il est capable. Si, t'es malade, toi, quoi. Regarde, peut-être quand tu me regardes, là. Mais t'es malade? Parce que. Avec ton bras cassé, tu vois. Ouais, avec ton bras cassé. J'ai pas un bras cassé, j'ai une tendinite. C'est l'épaule. Et ouais. Alors bah, je me branle. Oh. Alors, tu fais quoi Tu fais quoi quand t'es tout seul que t'es en chien? Et tu penses à quoi? Bah, je pense pas à toi déjà. Oh, ouais. Non, mais j'espère bien. Parce que sinon j'aurais eu peur. J'aurais dit t'as un problème. Dis-moi comment tu penses à des trucs, tu vas voir des, tu vas être sur des sites. YouPorn. Ah tu es YouPorn. Toi t'es YouPorn. Ouais, YouPorn. Et tu regardes quoi? Toi t'es YouPorn. C'est quoi? Je sais pas. Sinon sur Dora. Non les premières vidéos. Tu as Dora aussi. Non tu sais les premières vidéos qui apparaissent quoi tu vois sur le mur. Ah toi tu fais pas chier. Tu regardes la nouveauté. Trave et tout. Ouais genre la nouveauté quoi. La nouveauté. J'ai un iPad spécial. Voilà j'ai pas réussi à trouver les autres catégories. Ah ouais trans. Et la dernière, y a pas une catégorie que tu préfères? Non non moi je vais sur le, sur les nouveautés qui apparaissent. Tu vas là sur la homepage. Dernière vidéo puis attaque quoi. T'es choisi. Ouais. Et la dernière vidéo que t'as regardée c'était quoi? Bookcake. Oh, je sais plus. Je sais plus. C'était une semaine. C'était une meuf. Attends, c'était quoi? C'était une meuf. Elle avait une grosse bite. Ah, si, si, si, c'est une meuf, elle avait 12 ans. C'était une meuf, genre elle était veto et t'as un mec qui l'appelle. Elle avait 12 ans, elle allait à l'école. Non, tu vois, quoi. Une meuf, elle était veto. Mais t'as des. Non, en fait, c'est une meuf. Il y a un monsieur qui arrivait avec un imperméable. En fait, c'est une meuf veto. Et un cheval. Non, c'est une meuf veto, le scénario, c'est ça, en fait. Et t'as un mec, genre, il l'appelle parce que son animal, il est soi-disant malade, mais en fait, il est pas malade. Oh là, elle se fait baiser par l'animal. Super l'histoire. Et donc, le mec qui. Tu sais, la meuf, elle vient chez le mec et le mec, il est triste. Mais la meuf pour le consoler, elle baise avec lui en fait. Donc, le chien, il est là. Non, mais il n'y a pas de chien, ses parents en fait, il avait pas de chien. Tiens, mais tu regardes des trucs, il y a des scénarios à la con comme ça, toi. Je m'en fous, moi j'ai cliqué sur la vidéo. Demie, la meuf, elle avait l'air bonne, j'ai cliqué quoi. Ouais, génial, il y a trop de suspense. C'est trop bien le film. Okay. Ah ouais, parce que moi, je regarde que les trucs, genre ça dure 5 à 10 minutes où la meuf, elle s'est tringlée. Ouais, c'est ça. Ouais, moi, je regarde des trucs real, des vrais couples. Tiens, ouais, j'aime bien aussi, moi. Tiens, moi, je m'en bats les couilles. Tu sais, c'est comme les scénarios. C'est comme à l'ancienne, c'est mais là, il y avait un scénario, d'habitude, il n'y a pas de scénario. Non, mais comme à l'ancienne, moi, les films de cul, je regardais, j'allais direct sur les. Ah, tu zappais, ouais. La scène de cul. Ouais. Qui a déjà vu la fin d'un film de cul, quoi? C'est un mec. Je peux vous faire un résumé. Non, là, j'ai regardé le début, parce que j'avais rien à faire, j'étais pas pressé, tu vois. J'avais un peu de temps à perdre. Une série, regarde un film. Ah, mais Gomorrah, j'ai terminé. Putain, la tristesse de ta branlette, quoi. Non, même quand tu te branles, c'est pourri, quoi. Ta gueule, t'as vu ta merde, toi. Vas-y. C'est clair. Mais t'as acheté une carte bleue, t'as fait tout. Ta gueule. Parle-lui pas de sa carte bleue, c'est le même mal, Cédric. Bah, justement, c'est fait exprès. Et toi, Romano, le dernier film de cul que t'as regardé, ou la dernière vidéo de cul que t'as regardé? Ah, mais moi, c'est des trucs, je te dis, la meuf, elle se fait déglinguer, puis moi, ça me plaît, je me branle, et puis ça dure. Elle était comment? Mais moi aussi, elle se fait déglinguer. Bah elle était plutôt bonne. Ouais. Voilà. J'ai envie de baiser ça. Bah tu veux que je te dise quoi? En général, tu te branles pas sur une dégueu. Elle avait deux jambes et deux pieds. Ah, elle a deux seins aussi, non? Oui, deux. Ah. Non mais là, je sais plus, elle était brune, je crois. Elle était poilue. Ah non, quelle horreur. Elle avait des poils en dessous. J'ai pas voir les vidéos des vieux. Ou des meufs poilues, alors. Bah chacun son truc. Non, non, mais je faisais bien baiser. Ah bah écoute, tant mieux. Tant mieux. Un film de cul en même par temps. Par combien de mecs? Un seul? Ouais, un seul. Ouais, j'aime classique, pas trop les quoi, trucs ouais, à plusieurs, moi. Tu vois, je préfère les couples. Ouais, pareil. Gangbang. Romano aime le romantisme sur YouPorn. Enfin, romantisme. Ouais, romantisme. Je peux dire que. Elle se faisait pas, à romantiser, là. Ah bah sur YouPorn, c'est presque romantique, hein. Ils sont deux, hein. C'est pas très romantique. Ah bah attends. Bon. Bah voilà, fais ça, Maïwen. Comme ça, si t'as une petite envie, ça va te calmer tout de suite. Et tu passeras à l'appui. Et achète un god. Il y en a qui sont en train de. Il y en a d'ailleurs qui sont investis actuellement sur des sites. Il y en a qui sont sur Pornhub ce soir. Merci pour les messages. Xhamster vidéo amateur pour Bush qui est en train de s'éclater sur Xhamster. Et c'est quoi, toi, Difool, ta catégorie préférée? La catégorie préférée. Ouais, quand tu regardes l'infirmière de cul. Non, je t'ai dit real. Ah ouais, ouais. Du real, quoi. Ouais. Des gens qui se filment vraiment, quoi. Oui, des vrais, ouais. Ouais, pareil. Real. Marie, on se fera une petite toile, on va être bien ensemble, tous les deux, ouais. Ouais. Moi, c'est du real. Moi, j'aime bien ça et j'aime bien les gens aussi, tu sais, qui filment, par exemple, des gens aux toilettes, tu sais, ils se font ken, tu sais. Ah, genre, caméra de surveillance. Ouais, ça, j'aime bien ça. Tu vois, c'est un peu du real. Voyeur, quoi. Ah, du real, quoi. C'est du real, ok. Ouais, là, attends, il y a du fake aussi, hein. Oh, mais je préfère. Ah ouais, du fake, hein. Je préfère le real. Du fake, du real. Non, mais tu sais, les trucs des caméras de surveillance. Non, mais c'est des trucs. Non, mais pas forcément caméra de surveillance. Ça peut être un mec avec son portable. Non mais des fois, ouais, mais dans les toilettes du. Non mais après, il y en a des vrais, mais il y en a aussi, tu vois direct. Ouais, tu sais, c'est super bien filmé. Bah, ça j'aime pas ça. Ouais, non, mais, pareil, ouais, mais bon. Le pire, moi je trouve, c'est tu sais les trucs un peu à l'américaine avec tu sais l'image poudrée un peu. Poudrée. Ouais, poudrée. Tu sais un petit peu, tu sais retravaillé. Et t'as les nanas qui sont super gaulées, tu sais, qui font. Marie est jalouse. Ah ouais, genre, on va te dire jalouse. Bon, allez, le foot, en même temps, ça vaut mieux regarder ça que des veaux, quoi. Ouais, ouais, c'est ouais, mais sûr, Marie, elle est jalouse. Elle est jalouse. Je suis pas jalouse. Bah, fais-toi poudrer. Bah oui, fais-toi poudrer.

Frottrap partie 5 sur Skyrock. On écoute MHD. Come on. 21h minuit, la radio libre de Tifoul. Seulement sur Skyrock. Super MHD, minuit pile. Bah tiens, on va faire le Karim Comedy Club. Ah, et on vous remercie pour tous les messages. Ça s'inscrit dans toute la France. Regardez Amine de Paris qui s'inscrit, à Hamza qui s'inscrit aussi. Bonjour à Paolo. On verra qui a été tiré au sort dans un instant. On va faire tourner la roulette. Il n'y a plus de place là en vente. Junior, Adèle. Je ne sais pas du tout s'il y a des places en vente. En tout cas, je sais que sur Sky, il y en a 200. Ouais, c'est compliqué. Bah alors, trouver, par contre, ouais, il n'y en a plus rien, non? Non, parle la billetterie. Il n'y en a plus rien. Pas la billetterie normale, c'est au prix normal. Non, par contre, ce qu'ils disaient à la télé, là, c'est, ça oh là, je confirme, il n'y en a plus rien. Il n'y en a plus rien du tout. C'est que, tu sais, les hôtels à Paris, ils ont du mal à remplir. Hein. Ouais. Pour l'euro, là. Ouais, bah, c'est t'as, pas vu le prix, t'as vu le prix des hôtels? Ouais, mais d'accord, mais j'espère quand même qu'il va y avoir des gens qui vont venir, quoi. Personne. Non, vous savez que les étrangers, ils ont plus peur que nous, en fait. De l'ambiance, des attentats, tout ça, etc. Ouais, ouais, non, mais c'est vrai. Tu vas à l'étranger, ils te parlent que de ça. Bah, et justement, ils en parlaient, là, le taux de remplissage à Paris, ils sont vachement en dessous des prévisions. Ouais. Baisser les prix. Et puis, ils vont tous chez Airbnb en plus maintenant. Ouais, il y a ça aussi. Ouais. Enfin, moi, je connais les gens qui louent sur Airbnb, c'est vraiment pas la folie en ce moment. Ah non plus. Ouais, je peux vous le dire. Bon, ouais. Bah écoutez, nous. Non, mais je pense que tous les événements, tu sais, bah, les gens. Moi, je vois, par exemple, tu sais, j'ai des potes qui sont en Italie, mais les événements qu'ils voient en France, ah, tu vois, ouais, pour eux, c'est vachement plus marquant que nous en étant là. Ouais, c'est vrai. Tu sais, les grèves, les inondations. Attends, il y a un mois, j'étais en Italie, je vais dans une station service, il y avait des tours Eiffel et tout, pensez à Paris. Ouais, t'as vu. Ouais, mais tu vois. Paris, on pense à toi. Non, mais c'est vrai que je pense que les gens, ils flippent, comme tu disais, ils flippent vachement plus. Moins, ouais. Ouais, ouais. Et ça, c'était en Italie. L'Italie, kéké. Oui, Romano, comme ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, en Italie, kéké. Bon, et on va voir qui fait tourner. Nous, c'est pas l'Italie qu'on offre ce soir, hein. C'est l'Allemagne contre l'Irlande du Nord. Ah, c'est un beau match aussi. Beau match, et les places à gagner dans un instant. Mais avant ça, on vous le disait, le Karim Comedy Club. Ouais. Tiens, Karim, puisque t'es là, on nous pose des questions sur le ramadan et la baise. Vas-y. Alors, pendant le ramadan, on a le droit de se branler, nous demande Karim. Non, t'as 19 pas ans. T'as pas le droit. Même le soir. T'as pas, y a pas de matin. Une fois que t'as mangé. Non, c'est le mois du ramadan, c'est pas le jour du ramadan. Allez, t'as bouffé. Non, oh, petit, non tu peux pas. Non, t'as fait, allez, vas-y. Allez, s'il te plaît. Allez, dérogation pour allez, petite branlette. Allez. Non, tu ne peux pas. Alors, gros bazar pendant le calbar qui nous dit, lui, pendant le ramadan, tu peux baiser le soir, non? Si t'es marié, ouais, tu peux baiser le soir. Bon, moi je me marie pendant un mois. Si t'es pas marié, non, tu ne peux pas. Tu peux te marier pour une soirée ou pas du tout? Non, tu peux pas non plus. Non, pas du tout. Pas de mariage temporaire, man. Et ouais, salut à Marocchino aussi qui nous dit, ah non, non, on n'a pas le droit de se branler, même non, pendant le ramadan. Branler, bah écoutez, bon courage à vous alors. Hein. Eh ben merci, Matt. Putain, ça va faire des stocks. Hein. Putain, ah ouais. Quand il y avait opération déstockage, ça va être dur. Oh putain, ouais, ça va faire un jet. Ça va vider wow. Tout ça. Bon, le Karim Comedy Club, c'est parti, c'est l'heure, on y va. Allez, ouverture du show. Oui, le show. Les Américains ont l'envie, les Chinois l'ont déjà copié, les Belges passent leur temps à l'imiter. C'est le Karim Comedy Club sur Skyrock. Eh oui, on y a eu droit d'ailleurs ce soir à quelques petites apparitions du Karim Comedy Club dans l'émission. Ah ouais. Alors, le Karim Comedy Club de ce soir. Alors là, j'en ai une d'Alex, facile déjà faite. Ouais. Pourquoi les femmes ont des jambes? Pour pas laisser des traces comme les limaces ou les escargots. Pas mal. Ouais, c'est vrai que celle-là, elle est très connue, mais elle toujours connue. Aussi bonne. Oui, ouais, c'est vrai. Mal, ouais. Bah, c'est comme un bon son, quand on l'écoute souvent, on aime bien. On aime bien, ouais, c'est ça. Voilà. J'en ai une autre de Lorenzo. Lorenzo. Alors, c'est Cédric qui rentre dans une église. Ah, super, ceci. Et là, il va. Je sais pas ce que ça va être, mais déjà, le début, je pense qu'elle est pas terrible. Déjà. Cédric dans une église. Je crois que je la connais, mais je crois qu'elle est pas terrible. Donc, Cédric, il rentre dans une église, là, il rentre à l'intérieur du confessionnal, il baisse son pantalon et il commence à chier. Oh, mais dis donc, Cédric. La classe. Le caca c'est bon. Le caca c'est bon. Ouais, tout en disant ça gros. Voilà. Ah bah tiens la classe. Là t'as dans la loge à côté t'as le prêtre qui sent une odeur de merde, tu sais, qui ouvre la petite fenêtre entre les deux et qui regarde Cédric d'un air choqué. Et là Cédric il regarde le prêtre, il lui dit voilà, toi aussi de ton côté t'as pas de PQ. Super. Ouais, la trouve pas marrante. Ah si elle est marrante. Oh non. T'aimes pas Romano? Si, moi j'adore. Moi. Non, mais en plus, j'imagine, toi, tu serais capable de le faire. Voilà. Non, mais c'est pour ça qu'elle est drôle. Non, je respecte un minimum. Non, mais tu heureusement. Oh là, j'ai envie de chier. Oh là, tiens, je veux une petite cabine. Il y a une petite baraque là, en pierre. Je rentre dans la baraque en pierre, il y a une cabine. Non, ça, je ferais pas ça. J'en ai une petite dernière d'Axel pour finir. Axel de Rennes. Oui. Alors, ces trois bonnes sœurs, elles arrivent au paradis, devant les portes du paradis. Et là, t'as Dieu qui arrive devant elles et qui leur demande, vous allez toutes rentrer au paradis, vous inquiétez pas, mais je vais vous poser une question avant. Mmh. Est-ce que vous avez commis le péché de chair? Donc, il se tourne vers la première a dit, ouais, une fois, j'ai branlé une bite. Là, t'as Dieu qui lui dit, malheureuse, va te laver les mains dans l'eau bénite. Donc, elle va, elle se lave les mains dans l'eau bénite. T'as Dieu qui se tourne vers la deuxième pour lui poser la même question. Il voit la troisième en train de se laver la bouche à l'intérieur. Il lui dit, non, mais attendez, ne me dites pas que vous avez fait ça par la bouche. Elle lui dit, si, si, c'est pour ça, je me lave avant que l'autre aille se laver le cul. Allez! Bon, lui aussi rentre, c'est qui l'a envoyé? C'est Axel de Rennes. Eh ben, bien joué Axel. Le Karim Comedy Club, vous auriez vos blagues à karim@karim.com. C'est ça, man. Et les places de foot à gagner, c'est maintenant et on accueille Antoine en direct. C'est parti pour l'Euro. Allez! Skyrock et le Crédit Agricole t'offrent 200 places pour l'Euro 2016. Go! Et salut à toi, Antoine. Antoine, Antoine, es-tu là? Ouais, je suis Antoine. Ah ouais, Antoine. Bienvenue, Antoine. T'as 20 ans, toi, Antoine, c'est ça? Ouais. Ouais. Et tu vas aller voir Allemagne, Irlande du Nord. Ouais, c'est ça, le Stade de France. Le Stade de France. Eh ben, c'est parti, Antoine, on fait tourner l'enquête. Ça tourne. Mais c'est au Parc des Princes, je crois, même. Oui. Non? Ouais, au Parc des Princes, tu vas aller. Ouais, va pas au Stade de France, il y aura personne. Tu vas avoir l'air con, ouais. Allez, Antoine, dis, stop quand tu veux. Oh putain, puissant. Il est avec son pote. Ah, salut, ah, poteau. Vous y allez tous les deux au match? Ouais. Ouais, bah, bah écoute, tu as gagné deux places pour aller voir Allemagne, Irlande du Nord. Ouais, bravo. Ah, merci, merci Skyrock. Ah ouais, Antoine, comment il s'appelle ton poteau? Karim. Karim, bah, Karim et Antoine, je vous annonce que vous serez donc au Parc des Princes pour assister à Allemagne, Allemagne Irlande du Nord. C'est ça. L'euro, il est pour vous. Et il est peut-être pour bravo. Vous aussi. Ah, merci, vous, vous gagnez vos places les prochaines, demain matin d'ailleurs, entre 6h et 9h dans le morning. Ah bah oui, il y en a plein. Salut Antoine, ciao. Salut. Ouais, va-t'en. Ciao. Est-ce que je peux regarder le match de demain? Qu'est-ce qu'on a demain matin dans le morning? Qu'est-ce qu'on a? Oh là là là là là là! Vous savez qu'on a les huitièmes de finale, les quarts de finale, on a tous les matchs à vous filer. Ah ouais? Demain matin, soyez là entre 6h et 9h, les premières places pour gagner l'Euro 2016 avec le Crédit Agricole. On file ça tout au long de la journée sur Skyrock. Oui! Et puis vendredi, évidemment, soyez là entre 21h et minuit, on vivra le premier match des Bleus. Grosse émission vendredi soir. Moi, j'attends ça avec impatience. Et dans le morning, pour ceux qui n'auront pas les places de l'Euro, on a les télés. Oui, comme ça, vous pourrez regarder le match, écouter la radio en même temps. Les écrans Samsung, 101 cm, Ultra HD. 101 cm de plaisir. 4K, c'est la folie. Ça chez moi, c'est bien, c'est grand. Oh, Marie, c'est le dernier. C'est le tout dernier là, qui est sorti. Là. Regardez Samsung, qu'on vous file. Donc, demain matin, c'est à 7h20, tiens, on vous le dit pour la télé. Bon, passez une bonne nuit, profitez bien. Demain soir, entre 21h et minuit, on est de retour. Et puis là, c'est Priska et le son de Skyrock, Urban Music Non-Stop. Eh bien, c'est Maître Gims, je te dédicace le titre d'Ifool. Wow. Ma beauté. Oh, c'est gentil. Ma beauté. Merci. C'est le nom bien. C'est le nom du nouveau Maître Gims. Oui, bah oui. Et c'est la BO du prochain camping. Ouais. Maître Gims sur Skyrock, c'est parti toute la nuit, Urban Music Non-Stop. Ciao. Ciao. À demain. Ciao tout le monde. Allez, salut. Au moins une télé 4K Ultra HD à gagner tous les matins dans le morning de Difool. Morning show. Viens jouer à Info ou Mytho. Romano, c'est une info. Cariole, c'est Mytho. Eh ben, t'as gagné, bravo. Ouais. Et chope toi aussi ta nouvelle télé Samsung 4K pour mater tous les matchs de foot en Ultra HD. Skyrock est premier sur le foot, bien sûr. Skyrock. Écoute le morning de Difool demain matin à 7h20 et à toi la nouvelle télé Samsung en mode Ultra HD. Ultra HD. 6h-9h. Le morning de Difool sur Skyrock. The morning show. Je ne t'ai pas donné tout mon amour. Je ne t'ai pas fait mon plus beau discours. J'ai encore envie de te faire la cour. Tu me verras sous un autre jour. Je suis devenu mon propre fantôme. Face à moi-même, je pleure comme un mort. Je me sens délaissé, je l'ai bien mérité. Ma beauté ne t'en va pas, beauté ne t'en va pas. Pourquoi tu me fais ça, pourquoi tu me fais ça. Ma beauté ne me laisse pas, ma beauté ne me laisse pas. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai tout gâché, cette fois sera la bonne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. Oui, ton retour est une délivrance. Oui, toi et moi, c'est une évidence. Je sais, ce n'est pas gagné d'avance. Mais rien ne m'effraie plus que ton absence. À présent tu peux compter sur moi. Tu ne m'en voudras pas une seconde fois. Je t'offrirai la lune à l'ombre de ma plume. Ma beauté repose-toi, ma beauté repose-toi. J'ai les épaules pour ça, j'ai les épaules pour ça. Ma beauté repose-toi, j'ai les épaules pour ça. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. Cette fois sera la bonne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. Laisse-moi devenir meilleur. Laisse-moi réparer mes erreurs. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Laisse-moi devenir meilleur. Laisse-moi réparer mes erreurs.

Là, je suis sur scène, là, je suis sur Mars. Je suis overbooké depuis des années. Faudrait plus qu'un son, faudrait plus qu'une vie pour t'expliquer par où on est passé. Hamdou, on est là avec tous mes zins. Arrête de jeter l'œil, tu vas t'aveugler. J'suis dans mon film, tout va bien. J'm'en bats les reins, tout va bien. Cause à t'été ou quand moi j'étais en chien. Tu te souviens, j'ai fait le vide. Maintenant, j'fais le plein. C'est le destin. Et si c'était à refaire, j'ne changerais rien. J'ai pas vraiment changé. Quelques zéros en plus. Charbonné, charbonné, charbonné, charbonné. J'ai toujours charbonné. Dubaï, Miami, elle choisit. Faut que je me repose. Mon fils grandit, je suis dans mon film, sur une île, je suis dans mon film. Regarde-moi, mes cicatrices me rendent charmant. J'oublie rien, je vous remercie. Public, ça fait longtemps. Appelle-moi Alonso Burton, je rajeunis à chaque album. J'suis dans mon film, tout va bien. J'm'en bats les reins, tout va bien. Cause d'été ou quand moi j'étais en chien. Tu te souviens, j'ai fait le vide. Oh, ouais. Maintenant j'fais le plein. C'est le destin. Et si c'était à refaire, j'ne changerais rien. Le son d'Alonso à l'instant sur Skyrock. On vient d'écouter Regarde-moi et rappeur Elvin Non-Stop. On continue pour la suite du son avec une nouveauté Skyrock. C'est DJ Khaled accompagné de Drake. DJ Khaled qui est un des producteurs américains les plus en vogue, hein, là-bas, les plus connus. Sur le morceau donc, Drake l'assiste avec For Free. Et juste après, on écoutera l'artiste avec Sameva sur Skyrock. Another one, another one, another one. We the best music, music, music. Major key, major key. DJ